bisous, c'est la fin de l'émission là pour ce soir. Merci à vous tous encore et encore une belle soirée. Mais tous les soirs on s'éclate vraiment avec vous. Le numéro du standard, hein, 01 42 48 5000. Je rappelle la page Facebook de l'émission, la page Love in Fun, et puis bien sûr Twitter, hashtag Love in Fun. Et vous lâchez vos messages encore toute la soirée et toute la nuit. La suite, vous allez retrouver Mickaël. Comment ça va? Bien, ça et toi? Écoute, plutôt pas mal. Ça va, on est tranquille, tout roule, pépère, quoi, tranquille. Il y a encore une jolie jeune fille. Mais t'as vu, mais c'est celle qui est venue la semaine dernière où Toff était au taquet. Mais je suis un petit peu jalouse. Et puis, bon, il faut pas, Karima, écoute. Je veux pas qu'elle s'approche trop près de Toff. Non, mais t'inquiète pas. Ils sont mauvais. À ce niveau-là, je pense que tu risques pas. Ils sont tellement mauvais qu'elle s'approche pas, elle me fuit. Je garde ça. Je garde la place pour toi, Karima. Merci, Toff. C'est lequel qu'elle préfère dans l'équipe, vous lui avez demandé ou pas? Ah non, pas du tout. Oui, c'est peut-être son... À mon avis, c'est Dexter le stagiaire. Attends, on va lui mettre son micro. Attends, c'est une blonde. Poussé, hein. Voilà, poussé, voilà. Il y a Karel qui est en manque d'amour. Ouais, salut, ça va. Oui, c'est lui, savoir laquelle tu préfères. De qui? Dans l'équipe, et dans l'équipe en face aussi, parce que derrière la vitre, il y a Lovin Fun. Est-ce qu'il y en a un? Salut. Ouais. Voilà, bon, alors lequel? Je sais pas, je vois pas très bien. Ah ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Dis Doki. Voilà, le doc. Certainement, mais c'est normal. Au moins avec lui, tu gagnes des consultations gratuites. Doc, elle vient de montrer ses seins pour toi, Doc. Non, mais vous l'avez payé pour ça? Non, pas du tout. Pas encore, en tout cas. Quel succès, ce Doc. Mais n'est-il pas un truc de fou? Enfin, bon, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Gros bisous, l'équipe. Et rendez-vous demain pour la dernière de la semaine. Ah oui, je confirme. Allez, bonne soirée à vous. Le retour de Love in Fun demain dès 20h sur France Radio. Mickaël nos limites, 23h, 2h sur Fun Radio. Et oui, on est en direct sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui est une date exceptionnelle. Mmh. On est le 11 décembre 2013 et tout le monde a fait chier. Tout le monde aujourd'hui. Ouais. Avec ça, on est le 11, 12, 13. Waouh. Wow. Et alors attendez, parce que vous n'avez pas entendu quand il était 10h11 du matin. Alors au top, on était au top. Ah non, c'est 9h11. Attends, 9h11, pardon, 9h10. Alors on est le 9, 10, 11, 12, 13. Waouh. T'as l'impression que tout le monde avait gagné au loto alors que tout le monde s'en branle, il faut quand même le savoir. Enfin bref, donc comme personne n'avait fait de prophétie, je vous annonce qu'on va encore faire une émission. Hein. Ouais, il n'y a pas bien. De problème, une émission de folie, tous ensemble. Parce que oui, il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio. Si vous voulez venir discuter avec nous, vous êtes les bienvenus. Vous m'appelez maintenant 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Moi, c'est Mickaël pour ceux qui viennent de débarquer. Et on l'a vu hier en posant la question qu'il y avait beaucoup d'auditeurs qui venaient de débarquer justement. C'est vrai. Des nouveaux qui sont là depuis quelques jours, depuis peut-être aujourd'hui, depuis une semaine, deux semaines, ou même depuis 5 mois, puisqu'on fera. Ça fera 5 mois dans 10 jours qu'on est en direct sur Fun Radio tous les soirs. Donc si vous voulez venir prendre le contrôle de l'émission, c'est Mickaël de Limite. N'hésitez pas, parlez-en autour de vous. Et je vous rappelle également la bonne nouvelle, c'est que depuis hier, il y a la nouvelle application de l'émission qui est disponible, et ce gratuitement. Si vous avez un iPhone, un iPad ou un iPod, eh bien vous pouvez la télécharger sur iTunes. Vous tapez Mickaël No Limite tout simplement. C'est gratuit, vous pouvez réagir à l'émission. Alors, il y en a qui ont bien compris le concept, hein, vu le nombre de mails qu'on a reçu. Ils ont bien compris. Réagir, paf, ils cliquent, ça marche. Hein. Ouais. Donc ça fonctionne parfaitement bien. Donc si vous voulez écouter l'émission en direct, si vous voulez avoir des infos en exclu, si vous voulez avoir les podcasts également de l'émission, tout est dispo sur l'application. Donc Mickaël No Limite sur iTunes, n'hésitez pas, elle est gratuite. Bon, il y a également Julien avec nous. Salut Julien. Bonsoir. Salut. Comment ça va Julien? Ça va bien, et vous tous? Bah écoute, plutôt bien. Là, on est tranquille. Mercredi, ce soir, on va se faire je t'emmerde. Ouais. Voilà, comme tous les mercredis, un grand jeu très classe, très recherché. Grande classe. C'est la grande classe. C'est la grande classe de la classe, exactement. Bon Julien, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, dis-moi? Alors, mon souci. Non, je m'en fous de ton souci, je veux savoir ce que t'as fait aujourd'hui. Comment? Oh là là, là, ah, là je là sens là que ça va être difficile. Je vais lui mettre une baffe. Je disais Julien que je veux simplement savoir ce que tu as fait aujourd'hui. Tu as passé une bonne journée, je m'intéresse à toi. Oui, j'ai passé une bonne journée, oui, j'ai recherché de l'emploi. D'accord, mais ce sont les choses qui arrivent, il faut que ça se fasse un moment ou un autre. Puis voilà, ensuite Bon, qu'est-ce qui va pas? Allez, dis-moi, raconte-moi pas. Là là là. Allez, qu'est-ce qui va pas? Dis-moi Julien. Bon alors, j'ai une copine. Tu vois, il est vachement plus au taquet quand il parle de son histoire. Qu'est-ce qui va pas? Alors j'ai une copine depuis 9 mois. Ouais. Donc on a emménagé. Mais bravo, déjà félicitations. Non mais c'est bien. Merci. Voilà. Bon, et puis? Donc on a emménagé ensemble. Ouais. En 9 mois. Oui. Putain, t'es un rapide. T'es un petit peu prématuré, mais pourquoi pas, en même temps il est plus tout jeune, il a 26 ans. Hein. Oui, donc ça c'est moins bravo. Voilà, bon t'es emménagé avec elle et puis? Donc dans l'appartement, il y a le petit frère aussi qui était là. Ah. Il a lui 24 ans. D'accord. Mais ce que je savais pas, moi, c'est que lui et moi, on allait flasher l'un sur l'autre. Ah, tu veux taper le frère en fait. Oh là, pardon. Ah d'accord, attends, même Toff ça l'a choqué. Alors bouge pas Julien, on va parler avec toi dans quelques minutes. J'avais pas compris ça comme ça, je m'attendais à un truc. Ouais bon, il y a le frère qui est là, il nous saoule, il veut pas nous laisser. Non, en fait il a kiffé sur le frère et le frère a kiffé sur lui, sauf que du coup maintenant il y a la meuf au milieu. Oh, et il faut s'en débarrasser, donc on va essayer de l'aider. Sandro, toujours célibataire donc hein. Ouais. Bah oui, c'est une chose qui arrive. Est-ce que t'as pas envie d'essayer avec une fille? Ah non, parce qu'il paraît qu'il y a... faire les mâles. Non, mais il paraît qu'il y a de plus en plus. Mais les mâles ne veulent pas. Faut te faire une raison au moment ou l'autre. Ouais. Voilà, donc il paraît qu'il y a de plus en plus de filles qui passent le pas, donc je demande. Écoute, non, c'est pas prévu pour le moment. C'est pas prévu. Non, mais c'est pas mort non plus. Pas. C'est pas mort non plus, c'est complètement perdu. Non, parce que pour les embrouilles, je préfère les hommes. Parce que c'est une meuf, elle sait que les meufs sont chiantes entre elles, donc elle se dit que ça peut être une angoisse. Bon, en tout cas, on en parle ce soir. Est-ce que vous avez déjà franchi le cap, les filles, puisque apparemment, il y en a de plus en plus qui préféraient devenir lesbiennes, donc pourquoi pas, on en parle. Et puis, depuis que Toff a dit qu'il s'était fait attacher à une croix dans une cave. Et enculé, exactement. Non, ça c'est non, c'est faux. Vous serez jugé pour mensonge. Exactement, pendu sur la place publique. Non, il n'y a pas eu pénétration. Il y a eu enculage. Non, ça c'est votre... Alors les auditeurs, si vous étiez avec nous, non pas hier mais avant-hier, est-ce que vous avez entendu comme nous que Toff aimait ça, oui, se faire attacher dans une cave sur une croix, ouais. Et en plus ça, il se faisait enculer avec supplément chauve-souris. Et chauve-souris, exactement. Oui, ça c'est vos fantasmes les gars, c'est ça. Ça vous regarde, bon, c'est pas grave. En tout cas, quoi qu'il en soit, depuis que t'as dit ça, les ventes de croix ont explosé hein. Ça m'étonne pas, Je plaisante, c'est bon. Bon, ce qui est vrai en tout cas, c'est que tu vas encore te faire, à mon avis, de nouveaux amis ce soir. Hein. De gros connard, va te faire enculer. Ah oui, pardon, elle m'a entendu. De gros connard, va te faire enculer. Je vais te faire enculer. Voilà, bon, bref, de nouveaux amis bien sympathiques que nous rencontrerons évidemment certainement ce soir. Et puis Polo qui continue à s'essuyer dans les cheveux en jouant évidemment du pipeau. Cette grande classe à l'état pur, à l'état brut, j'ai envie de dire plutôt, ouais. Bon, c'est vrai. Voilà, un homme de Stéphane, goût. Mais oui. Exactement, Stéphane, donc qui est l'amant. Une personne. L'amant. Que Polo a rencontré à Starfloor hein, et depuis lors il est heureux, il a fait son coming out et c'est ce qui lui manquait, tu vois. Il fallait qu'il sorte de et moi je trouve ça bien parce qu'un jour je l'ai alors je suppose qu'il parlait à cette personne là puisqu'il a quand même dit bon allez ma gueule salut hein. Je trouvais ça tellement romantique. Ça devait être moi ou toi. Moi je trouvais ça tellement romantique. Ma gueule. Bon allez, si vous voulez réagir à l'émission, vous pouvez le faire hein, sur Twitter avec le hashtag Mickaël. Et puis comme tous les soirs, on offre un joli sextoy, une très très belle bête. Si vous voulez participer, il suffit d'envoyer un maximum de messages avec le hashtag Mickaël pendant l'émission. Et plus vous envoyez de messages, plus vous avez de chances d'être dans le top 5 à la fin de l'émission. Voilà. Sextoys avec Passage du désir.fr. Et bah, fais ton bien boulot. Entendu, mais oui, c'est ça. Ça se fait prendre sur des croix là. En te faisant enculer sur une croix. Non, dans une cave. Non, mais les gars, vos fantasmes, c'est pas grave. Je sais que vous avez besoin de les extérioriser, ouais, que Polo aimerait bien qu'il se passe un truc entre nous, mais je ne me glisserai pas entre lui et Stéphane. Non, je ne pense pas, je vais le défendre, mais Polo est un homme de goût. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Bon, on écoutera le son de Fédé le Grand à l'heure. Il y aura, ce sera Long Way From Home. Je vous cale aussi Eminem et Rihanna de Monster. Et puis on parlera également cette magnifique chanson découverte par l'auditeur, le son de New World Sound avec The Flux. Voilà. Et puis un morceau qu'on n'avait pas eu l'occasion d'entendre hier. Je voulais absolument le passer entre 1h et 2h. On n'a pas eu le temps de l'entendre. Est-ce que vous voulez écouter le son de Pharrell Williams avec Happy? Il y a 10h qui a dit que c'était la chanson de... C'était la journée, c'est ça? C'est la chanson de la journée, ouais. Voilà, c'est la chanson de la journée. Donc je voulais savoir si vous voulez qu'on l'écoute encore un coup ce soir. Enfin, encore un coup. Alors qu'on ne l'a pas mis du tout hier, au final. Hein. Ce que j'allais dire, on la passe pas assez. Exactement. Est-ce que vous voulez qu'on vous mette Pharrell Williams avec Happy? Eh ben vous me demandez comme hier avec le hashtag Mickaël tout simplement sur le Twitter hashtag Mickaël, n'hésitez pas et puis vous êtes les bienvenus hein, il est 23h09 sur Fun Radio. On est en mode à la cool ce soir avec le retour de Julien dans quelques minutes avec les PlayStation 4, enfin là hein, pas nous enfrir 150 non plus, avec la PlayStation 4 à gagner et c'est Alexandre de Peck qui est avec nous maintenant. Salut Alex. Salut. Comment ça va? Bien et toi? Tout prêt de tourner ça Peck? Ouais, tout à fait. Eh oui, quand même, très bien. Moi, je crois que c'est du produit lessivé. C'est drôle, ça. C'est marrant parce qu'il dit produit lessivé, mais il mime une branlette. Ouais, c'est vrai. Je connaissais du produit lessivé. C'est du. Non, c'est joué le produit de vaisselle. Oh, quel dégueulasse. Ah, en fait, c'est parce qu'il lustre la croix avec le produit de vaisselle. Et encore une fois, c'est vos fantasmes que vous transférez peut-être sur moi. Se met le pec dans le fion, ah, si c'est je ne sais pas. Fait. Oui, c'est possible aussi, je sais pas. Peut-être enculé. Oui, peut-être aussi, je ne sais pas. Eh bien, allez vous faire foutre, cher ami. Voilà. Bon, nouveaux appels, évidemment, que nous ferons tout à l'heure avec notre ami Toff. Bon, alors, dis-moi, Alexandre, tu as une colle à poser. Peut-être que tu repartiras avec la PlayStation 4. Si personne ne trouve la bonne réponse à ta colle, on t'écoute. Je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle. Qui suis-je ? Je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle. Qui suis-je ? C'est bien ça ? C'est ça. Très bien. Bon, alors, je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle. Qui suis-je ? Si vous avez la bonne réponse, c'est la PlayStation 4 à gagner ce soir avec le coffret de Kev Adams, le coffret soda qu'on vous offre ce soir. Donc, si vous avez la bonne réponse, il suffit d'envoyer simplement M-I-K-L suivi de votre message, enfin de la réponse en l'occurrence, au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique, sans oublier, bien sûr, sur le Facebook de l'émission. Je viens de vous mettre la colle depuis 30 secondes. Là, vous pouvez aller la voir. Facebook.com/M-I-K-L officiel. Vous y allez, il y a la colle et vous pouvez bien sûr y répondre sans problème. Voilà, on vous attend nombreux et nombreuses. On est quasiment 300 000 sur le Facebook. Continuez, hein, ça fait plaisir. On n'est même pas là depuis 5 mois, pardon. Le temps passe vite. Facebook.com/MIKL officiel. Alexandre, avant minuit, on donne la réponse à la colle, d'accord ? Ok. Et on te reprendra d'ici là. Donc si quelqu'un, je le rappelle, trouve la bonne réponse et passe à l'antenne, il gagne, tu perds. Si personne ne trouve la bonne réponse ou que la personne qu'on appelle en direct tout à l'heure vers minuit, ben ne décroche pas ou c'est le répondeur, à ce moment-là, c'est toi qui gagneras, d'accord Alex ? Ça va, j'espère, ouais. Allez, bah bouge pas de là, Alexandre. Bah bonne chance tout le monde, je répète encore un petit coup la colle en speed. Je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle. Qui suis-je ? Allez-y, bonne chance tout le monde. Il y a un message aussi qui dit ma prophétie juillet 2023 pour vous fêter les 10 ans de Mickaël No Limit avec les meilleurs auditeurs, c'est Yvan. Putain, t'imagines si on était en 2023 et qu'on est toujours là comme des cons là. Avec lui qui se fait défourailler sur une croix. Ah, j'aurais essayé d'autres trucs depuis. Ouais, bah je n'en doute pas. Il y a Maeva qui a envoyé un message depuis l'application Mickaël No Limit sur iTunes qui est gratuite. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu le scooter de Toff. Oui, c'est vrai, effectivement. Mais c'est parce qu'en fait, il a essayé de se mettre le kick dans le fion et du coup, il démarre plus maintenant. Le kick est plié. Le kick, c'est le truc sur le côté qui fait qu'on démarre là. C'est vraiment des fantasmes bizarres, les mais gars. Mais non, attends, t'as des trucs, mec, tu fais ce que tu veux de ta vie. Nous, ça vous dérange pas. Il y a Daoud Douida qui dit appelle le marabout pour lui demander de réparer le sextoy par télépathie, lol. C'est une idée, tiens, on va essayer de l'appeler tout à l'heure le marabout. Et Cédric du 5-9 qui dit je vous kiffe, j'ai ramené tous mes potes pour vous écouter. Merci Cédric du 5-9. Tu vois, ça c'est de l'auditeur. Ouais. Ça c'est du haut de gamme. Voilà, merci à vous en tout cas. Et puis bah, vous êtes de plus en plus nombreux tous les soirs. Hein. 589 000, c'est le score du dernier bulletin en espérant que nous fassions mieux la prochaine fois. Et bah, grâce à vous évidemment. Bon, alors Julien, parlons de choses sérieuses. T'es de retour, Julien ? Oui, je suis là, toujours. Ah, très bien. Bon, Julien qui nous avait appelé, j'avoue que le début de ton sujet, je me suis dit... Quoi ? Ouais. Ouais, je me suis installé avec une meuf, ça fait 9 mois, il y a son frère qui est là, tu sais, je m'attendais à ce que ce soit le frère qui pose un problème, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, si, mais c'est pas ce que j'imaginais, puisque pour ceux qui viennent de débarquer, eh bien, Julien nous avait appelé parce que il est avec sa meuf maintenant, donc vous habitez ensemble, c'est ça ? Oui, exactement. Sauf que le problème, c'est que t'as kiffé et ton beau-frère également a kiffé sur toi, c'est-à-dire le frère de ta copine. Voilà, c'est très la bien. Première fois que ça m'arrive, moi. Bah, j'imagine bien. Encore heureux, hein, tu me diras. Bon, et donc, du coup, t'es emmerdé, quoi. Bah, un peu, parce que je sais pas comment lui dire à elle. Mais c'est sûr ou c'est juste un kiff comme ça ? Parce que si c'est juste un kiff comme ça, c'est peut-être pas la peine. Bah, en fait, entre nous deux, c'est plutôt sur oui. Mais vous avez déjà couché ensemble ? Oui. Oh, mais à combien de reprises ? Ce gros connard va te faire enculer ! Voilà, va te faire enculer, espèce de gros connard. Ce gros connard va te faire enculer ! Bah oui ! C'est pas bien, pourquoi t'as fait ça alors que t'étais encore avec l'autre ? Bah, en fait, parce que j'ai plus de sentiments pour lui que pour elle. Oh là là là là. Ah bah, elle va être contente, tiens. Et bon, ok, d'accord. Pas obligé de lui dire non plus. Bah, il y a un moment, ça va se voir, hein. C'est-à-dire que s'ils habitent ensemble ou s'ils emménagent un minimum ensemble. Et puis les odeurs ? Ouais. Bah, encore. Julien ! Est-ce que t'as déjà niqué sur une croix dans une cave ? Non, j'ai pas été jusqu'à là encore. Parce que Mickaël et Polo aimeraient bien essayer. Ah non. Mais pas du tout, au contraire, c'est parce qu'on connaît quelqu'un, on va taire son nom pour garder son anonymat, qui a déjà. Ça commence par T, ouais. Ça finit par off. Et ça peut être également tête de bite son prénom. Ça peut l'être. Bon. Et donc apparemment lui il aurait déjà essayé dans une cave et sur une croix. Donc ouais. T'as jamais essayé ? Non, jamais, non. Attention, c'est une croix en forme de X, hein. Oui, c'est pas la. Mais tu devrais essayer la fellation, c'est très, très excitant. La sodomie, je sais pas, mais tu verras avec ton mec. Oh genre, il sait pas. Bon, et donc Julien, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Tu veux des conseils, voir si c'est déjà arrivé à d'autres personnes? Ou tu veux qu'on l'appelle, ou tu veux faire quoi? Bah en fait, je voudrais des conseils. Quel âge est-elle? Elle a le même âge que moi. 26 donc, c'est ça? Parce que sinon, toi, il l'appelle, on sait, il récupère les pots cassés, lui. Hein. Bien sûr, moi, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que même cassé, lui, récupère. Hein, il remet un bout de colle et puis ça tient. Ça tiendra ce que ça tiendra. Ça tiendra ce que ça tiendra. Faudrait pas l'appeler parce que si elle est au courant, je pense que ça va dégénérer. Oui, mais maman, elle va l'être. Hein. Bon, attends, tu sais quoi, Julien, oui. reste avec nous, ne bouge pas de là. Si vous avez des conseils à filer à Julien, si ça vous est déjà arrivé d'être sorti avec un mec ou une meuf et de finalement avoir kiffé sur le frère ou la sœur, ça peut arriver, si ça peut arriver. Eh ben, appelez-nous, n'hésitez pas, dès maintenant. Vous envoyez votre message sur les SMS hein, tout simplement. Si vous voulez, vous envoyez MIKL suivi de votre message au 64 900 ou au 30 44 depuis la Belgique. Et puis vous nous appelez également sur le standard de Fun Radio. Il y a le prince Nadia qui a envoyé un message qui dit: moi je veux que l'émission soit toujours présente en 2023, mais en tout cas je serai toujours à l'écoute quoi qu'il arrive. Bah, on verra le prince Nadia, on verra. Bon, on écoutera le son de Fédé Legrand dans quelques minutes. Ce sera Long Way From Home sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, c'est Mickaël No Limit. On est en direct jusqu'à 2h du mat. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Tous les soirs, Fun Radio, 23h, 2h, No Limit. Allez vous faire foutre, Mickaël, sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, en direct dans toute la France. Et attention, ce soir, on a du lourd. Souvenez, il y avait une auditrice qui vous avait découvert il y a quelques semaines. Oui. Qui vous avait dit: ouais, j'ai écouté, j'avais pas le choix, de toute façon, c'était nul. Oui. Mais j'ai écouté quand même parce que j'avais pas le choix, j'avais pas d'autres trucs à écouter. Donc, du coup, finalement, elle avait bien écouté, elle avait bien aimé. Et donc, elle est de retour ce soir, donc elle réécoute. Donc, attention, on a quand même. Bon, autant parfois, il y a le chef ou le sous-chef ou le sous-sous-chef, donc on s'en branle. Mais là, quand même, ça peut être dangereux, quoi. Ouais, là, on a la pression, quoi. Ouais, là, on a quand même la pression. J'espère qu'on fera pas d'erreurs avec cette pression justement qui pèse là, sur les épaules là, c'est enfin vous nous direz si tu nous diras en l'occurrence, voilà. Ouais. Bon, en tout cas, soyez les bienvenus, c'est Mickaël No Limit sur Fun Radio. Vous balancez tous vos messages en direct, ça se passe sur les SMS notamment hein. Si vous avez la bonne réponse à la colle d'Alexandre: je ne respire jamais mais j'ai beaucoup de souffle, qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez MIKL suivi de votre réponse, vous envoyez ça au 64 900, ou sur le Facebook, ça fonctionne également, facebook.com/MIKL officiel. Vous répondez à la colle et vous repartirez peut-être avec votre PlayStation 4. Je vous souhaite bonne chance. N'oubliez pas également de télécharger l'application Mickaël No Limit, dispo depuis hier sur iTunes. C'est gratuit. Vous y allez, vous laissez la petite évaluation également. Je compte sur vous. On écoute Fédé Legrand maintenant. C'est Long Way From Home sur Fun Radio. Fédé Legrand sur Fun Radio. C'était Long Way From Home. Tous les soirs, Fun Radio, 23h, 2h, No Limit. Allez vous faire foutre, Mickaël, sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio avec un message de Lucas qui dit: salut toute l'équipe, j'avais une petite question à vous poser à propos de Gilou, l'homme assez bizarre. J'aime bien l'homme assez bizarre, mais il est tellement gentil. Oh, tu pourrais pas me sucer un peu de... Ah, le on ne sait pas. Je te sucerais les seins et tout. Tu verras et... Oh, tu aimes le sperme. Voilà, c'est de grande classe de notre ami Gilou. Et donc, il avait une question à propos de lui, car j'ai un pote qui m'énerve en disant qu'il n'existe pas et que c'est un de vous. Ah bah oui, on a tellement la même voix en plus. Comme sur d'autres radios, mais je suis sûr que non, alors j'aimerais savoir si c'est vrai, avec une réponse sincère. Bah évidemment que c'est un vrai, Lucas, le nombre de fois où il est passé à l'antenne, évidemment que c'est pas nous. Parce qu'à chaque fois qu'il passe, il y a Toff, il y a Polo, il y a... Oui. C'est-à-dire que quand vous cramez un truc, tu sais, parfois, on joue Toffette, quand vous entendez quelqu'un de nouveau oui, dans l'équipe, bonsoir, et que du coup il en manque un, c'est que c'est un de nous, et effectivement, là, on rigole. Mais là, c'est un vrai. Hein. Il y a David aussi, toujours sur l'application, sur Mickaël No Limit. Salut, je vous écoute depuis juillet, je peux vous dire que c'est que du bonheur. Fendage de gueule à chaque fois, continuez comme ça. Petite dédicace à mes potes, Maître Chien du Valenciennois, ils se reconnaîtront. Bah écoute, tant mieux, avec plaisir, on les embrasse, on embrasse tout le monde aussi. Et puis, on va faire aussi ce soir. Bah oui, c'est vrai que putain, j'avais un truc aussi, il y a un moment ou un autre. Je vais la liste des prénoms les plus horribles qui ont été donnés en 2013. Il y a du très lourd. Ah bon? Il y a des parents, alors je sais pas ce qui se passe dans leur tête, à un moment ou à un autre. Ils ont peut-être des enfants, ils sont contents, etc. C'est génial. Ouais, ils sont dans l'euphorie. Dans l'euphorie, exactement. Et puis arrive quoi? Eh bien, le moment où il faut choisir le prénom. Et quand on voit qu'il y a des gens qui sont quand même assez cons, hein, je pense qu'on peut dire des choses, pour appeler leur gosse Sida. Ah, mais putain. Non! Ah si, numéro 1, attention. Oh là là! Complètement con. En numéro 2, il y a Tintin. Alors là, par contre. Ouais, Tintin, ça passe encore. Non, t'appelles pas ton fils Tintin, enfin, ça veut rien dire. Mais non. Alors il y a Zona, il y a Kiwi. Zona, c'est pire. Mais oui, c'est pire. Il y a Kiwi, il y a Blip, Eternity, Ajax, hein, mec, il est fan de soit pour nettoyage, soit l'équipe de foot. T'imagines, tu vas appeler ton gosse dans un centre commercial. Blip, où es-tu ? Ouais, Blip, Blip. Il y a Féline, il y a Green, Zabrina, à ne pas confondre avec Sabrina, mais bien avec un Z. C'est un mec bourré qui allait, ouais, qui allait déclarer. Je sais pas. Ça sera Zabrina. Zabrina, exactement. Il y a Pipe également, il y a Ripley, Apollo, Cheese. Fromage, improbable. Ripley, c'est parce que c'était le deuxième. Bah, je sais pas. Il y a Danish, il y a Hurricane, il y a Légende, il y a Leviathan, Panda ou encore Rocket. Rocket. Rocket. Ouais, c'est parce qu'il est sorti vite ou quoi ? Bah, je sais pas. Écoute, voilà, Rocket. Rocket, je trouvais ça original quand même, comme prénom. Bref, c'est quand même improbable. Quel est votre prénom préféré ? Vous appellerez, comment est-ce que vous appelleriez votre gosse ? Ah, imaginons, t'as un gosse là maintenant, c'est un garçon ou une fille, tu l'appelles comment ? Bah, un truc débile ou ? Mais non, comment est-ce que tu l'appellerais ? J'en sais rien, j'ai jamais réfléchi à cette question. Déjà, je crois. Je l'appelle Croix. Croix. Ce demi. Non, je l'appellerai X. Comme ça sera plus facile pour sa signature. Branlette. Ah ouais, pour la signature, ouais, c'est clair. Ouais. Je sais pas, j'en sais pas encore. Bon, alors réfléchissons, donnez-nous avis également, hein. Même des prénoms un peu bizarres. Si vous avez aussi un prénom un peu bizarre, n'hésitez pas, hashtag et Mickaël, n'hésitez pas. Je sais que je l'appellerai pas Toff. Ah bah ouais, ça c'est une certitude. Hein. Sinon Morpion ou Syphilis, tu vois, des trucs. Quelle horreur. Bon, allez, donnez vos avis, hashtag et Mickaël, Twitter et Facebook. Vous pouvez aussi, bien entendu, eh bien, réagir par SMS. Vous envoyez Mickaël suivi de votre message au 64 900 ou au 3044 par SMS depuis la Belgique. Sans oublier aussi, via la nouvelle application smartphone sur iTunes, donc vous pouvez télécharger, c'est Mickaël No Limit et c'est gratuit. Vous pouvez réagir à l'émission en direct et écouter bien entendu aussi l'émission sans problème. On va se faire le je t'emmerde dans quelques minutes. Et puis Alexandre avec nous, le retour là, qui va nous refaire un petit coup la colle de ce soir pour repartir avec la PlayStation 4. Alexandre, nous t'écoutons, nous sommes tout oui. Fais péter la colle. Je rappelle que si quelqu'un trouve la bonne réponse, il repart avec la PS4, s'il est appelé évidemment à l'antenne. Et si personne ne trouve, c'est toi qui gagne. On t'écoute. Je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle. Qui suis-je ? Je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle. Qui suis-je ? Si vous avez la bonne réponse, eh bien, il faut envoyer M-I-K-L suivi de votre réponse au 64 900 par SMS ou au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez bien sûr aussi jouer sur le Facebook. Hein. Vous allez sur facebook.com/MIKL officiel. Il y a Elodie qui proposait le vent. Non. Non, il y a Vincent qui proposait un souffleur de feuilles. Ah, c'est pas mal. Non. Non, des seins, c'est Laurie. Non. Attends. Je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle. Les seins. C'était juste pour dire ça, en fait, qu'il a envoyé ça. Ah, il y a des mecs qui envoient des trucs, après. Peut-être un ventilateur. Non. Un ballon. Non. Un gonfleur. Non. Un compresseur. Non. Une pompe. Non. Maëva qui proposait un poisson. Non. Elodie encore, qui proposait un sèche-cheveux. Non. Bon, bah tant pis, hein, si vous avez la bonne réponse, on remet un petit. On remet le couvert dans quelques minutes, là. Vous envoyez. Vous appelez maintenant. Je vais y arriver. Hein. Donc, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique et sur le Facebook, facebook.com/Mickaël officiel. Je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle. Qui suis-je, Alexandre ? On te récupère d'ici un petit quart d'heure. Ok. Allez, à tout de suite, Alex. Bon, ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour les autres. Vous balancez vos messages et vous aurez peut-être la chance de repartir avec la PlayStation 4. Il y a Angélique qui a envoyé un message qui dit « Moi, si j'ai une fille, je l'appellerai Anaé. » Pourquoi pas ? Megumi qui dit « Clitorine et Vagina, ça claque comme prénom. » Ça, c'est ah ouais, bon. Ça, c'est clair. Il y a Didoudoudi aussi qui dit « Moi, c'est une fille, ce sera Mianina. » Et un gars, ce sera Sawyer. Mianina. Mianina. Pourquoi pas, c'est original. Ouais. Et Black Dragon aussi qui dit j'ai déjà entendu une nana qui s'appelait Clitorine. Ah oh, putain. Quelle mais il y a un moment il faut quand même avoir. Faut pas être fini quoi dans sa tête pour appeler Clitorine, fils, ouais, ou sa fille comme ça, c'est un truc improbable. Bon, on va se faire le je t'emmerde dans quelques minutes. Avant ça, retour avec Julien, t'es là Ju ? Toujours. Très bien. Dis-moi, est-ce que sexuellement ça se passe comment avec toi là quand t'as une relation avec ton. Enfin avec ta copine à l'époque, avec ton mec maintenant, est-ce que t'es plutôt du style rapide ou pas ? Plutôt oui. Ah, donc t'es précoce ? Ah, précoce non, mais... Petite bite. Non, non, c'est pas la question. Je veux savoir si tu tiens longtemps ou pas. Assez, oui. Assez. Genre, combien ? Une bonne dizaine de minutes. Donc juste de va-et-vient, on est d'accord ? Oui. D'accord, oui. Non mais je sais pas, après t'inquiète pas, je suis pas de la police, hein, tu peux être franc, hein, ça me dérange pas, oui, tu me dis 30 secondes ou tu me dis 3 heures, je m'en fous. Police du sexe. Ouais, police du sexe. D'arrestation. Non non mais en fait je voulais savoir si tu voulais tenir éventuellement plus longtemps encore. Ah bah ouais. Oui, j'aimerais bien, oui. Ouais. Top sur la croix, ça va être bien pour toi. Bah c'est ça, ouais. Non, parce que vous êtes quand même 61% à dire que vous voudriez pouvoir faire durer le plaisir avec votre copine, ce qui paraît logique dans un premier temps. Eh bien, j'ai peut-être la solution. Alors on a évidemment oui, tous connu déjà. Oui. Exactement, je vais faire le télé-shopping. Non mais après, pour ceux qui sont précoces, c'est vrai qu'il y en a qui avaient dit aussi qu'il fallait pousser... C'est jure entre les couilles et le cul, j'ai un espèce de petit truc là. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une espèce de petit muscle. Si tu vas appuyer là, genre ça. Sauf que c'est quand même pas pratique quand t'es en plein acte, dire oh là, une seconde. Mais attends, je vais appuyer là sur le. Tu te mets par derrière, t'as. On va dans le cul. Non, je stoppe le bordel. Oui, c'est ça. Attends, j'appuie sur le top. Voilà, là. Donc c'est pas pratique. Et donc après, il y a aussi les capotes, machin, performa là. Ouais. Et bien là, peut-être une solution, c'est le prolongue orgasme. C'est un appareil qu'il faut placer sur son sexe pour 2 à 3 fois par semaine. Et au bout de 6 semaines, paraît-il, vous pourriez tenir jusqu'à 11 fois plus longtemps. Ah oui, ça quand même. Ah oui. Ah ben bah, 11 fois plus longtemps, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, c'est plutôt pas mal. Et est-ce que vous le feriez? Voilà, c'est la question que je vous posais. On appellera d'ailleurs des gens du coup pour leur proposer. Hein. Bien sûr. De le revendre. Tout ça pour la modique somme de pas cher. Oh, oh là là, c'est donné. Hein. Ah bon, on peut. Ah là là, c'est pas donné, c'est au-delà de donné. Ah c'est-à-dire que tout le monde peut s'offrir ça. En 10 fois sans frais ou... Mais tu peux faire un petit crédit, fais-en un petit. Ah non, quand même. Non, bah bon, allez, c'est-à-dire que c'est quand même 250 boules. Mais c'est comment, c'est quoi, ça ressemble à un toaster, ça ressemble à quoi? Non, c'est un espèce de truc, une espèce d'appareil qu'il faut placer, ça ressemble à une espèce de comme un god, mais tu sais, tu mets ça dessus, ouais. Ça s'ouvre un peu sur le côté, t'as une espèce de crème, je sais pas quoi. Donc voilà, donc est-ce que t'essaierais ça toi ou pas, Julien? Oui, ça pourrait me faire tenir 1h10, oui, pourquoi pas. Bon, ah, 1h10, genre il se la ramène un petit peu là quand même. Hein. Bon, bah pourquoi pas, dites-nous les autres si vous voudriez tester éventuellement, et puis bah Tof, on va faire des appels du coup. Mais pour voir si éventuellement les gens seraient ouverts à tester ce genre de choses. Mais oui, ça me paraît pas mal, et on te récupère juste après Julien, qui est donc emménagé avec sa copine, et qui a craqué sur le frère de la copine, et le frère a craqué également, il voulait avoir des conseils. Ne bougez pas de là, Julien, ne bouge pas, il y a également Geoffrey qui voulait réagir, et puis bon, on appelle le premier appel maintenant, hein. Je rappelle que vous avez été déjà nombreux, puisque vous avez pris l'habitude maintenant de nous envoyer des numéros de téléphone de gens encore debout à se torcier jusqu'à 2h du mat, et qui sont plutôt du style un peu... enculé. Nerveux, on peut dire ça comme ça, voilà, c'est ça. Donc du coup, on les appelle pour essayer ce soir de leur vendre ce... Comment ça s'appelle encore? Le prolongue orgasme. Allez, c'est parti, on y va. Premier appel, et dès 23h30, on fera le « Je t'emmerde » juste après également, hein, sur Fun, bougez pas. Allô. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelais au sujet de vos petits problèmes d'érection. Comment? Je n'ai pas compris. Ben, je vous appelle au sujet de vos petits problèmes d'érection, monsieur. Ce qui paraît que vous durez pas très longtemps. Hein, vous lâchez la purée assez vite. Comment j'ai pas compris, là? Ben, quand vous faites l'amour, il paraît que ça va super vite, monsieur. Allez vous faire enculer, gros pédé. Salope pourrie. C'est terminé, il a raccroché. Sale pourri, va. Allez vous faire une queue, on peut les salauds pourris, on le rappelle. Je pense qu'on était dans le sud, hein. Il y a des chances. A priori, ouais. C'est tellement gentil là-bas. Quand télé ou quoi? Bah, je m'excuse, monsieur, mais faut pas le prendre comme ça. Moi, je vous appelle, c'est pour vous aider. Aider quoi? Bah, c'est pour vous aider à avoir des rapports sexuels qui durent plus longtemps, monsieur. Hein? Pourquoi, vous en avez, vous, avec Fanny ou quoi? Non. Avec le télé. Moi j'ai pas. Vous niquez Fanny? Je sais pas qui est Fanny, monsieur. Vous niquez Fanny? Je connaissez Fanny? Non, je la connais. Alors, pas. Comment elle va votre temps enculé là? Mais je vois. Moi, votre numéro, je l'ai déjà. J'ai après esprit. Oui, mais je vois. Je vois pas le rapport, monsieur. Moi... Pourquoi vous parlez comme ça? Bah parce que moi je veux vous aider, monsieur. Aider quoi? Vous êtes un PD ou quoi? Mais non, moi je veux vous aider à avoir des rapports sexuels plus longs avec votre femme. Pourquoi vous en avez. Vous en avez pas de femme, hein? Bah si, mais je vois pas le rapport, monsieur. Allez vous faire enculer, s'il vous plaît. Ça a le mérite d'être clair, hein. Oui. Mais je sais pas ce qu'ils ont, c'est vrai qu'ils ont toujours tendance à dire va te faire enculer ou sale pédé. Ouais. C'est dingue quand même. C'est bizarre. C'est ouf. Je sais pas comment ça se fait, c'est bizarre. Alors que là, je lui ai rien dit encore. Et c'est souvent. Non, j'allais dire, c'est vrai que c'est souvent dans le sud, mais non. Quand on va dans le nord, c'est pareil. Va te faire enculer, tout ça, c'est toujours l'enculation. Ils aiment bien fils de pute. Bah oui, il y a aussi ça. Il y a Jean-Philippe qui dit pour augmenter l'endurance, faites du vélo car ça muscle quelque part un endroit qui ralentit l'éjaculation. Merci Jean-Philippe. Il y a hélas sur l'application Mickaël No Limite là qui dit moi j'ai un pote qui s'appelle Briac. Jean-Philippe encore un autre cette fois-ci qui dit pour augmenter l'endurance. Ah bah non, je l'avais déjà lu mais il a été mis deux fois. Mademoiselle Thor qui dit un petit garçon Jefferson et pour une fille c'est Rena ou Lily Rose. Et Cédric du 5-9 qui dit moi j'appelle ma fille Harmonie, si c'est un garçon je l'appelle Polo. Oh. mignon. Et Ruben qui dit non, je rigole, je l'appellerai Sarah pour une fille et un garçon, c'est Quentin, voilà. Et Cédric qui dit un prénom pourri, Yatoff. Oui, c'est vrai qu'effectivement, là, de ce côté-là, on est plutôt bien servi. Qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire le je t'emmerde là maintenant avec Jean-Philippe et Nicolas. Vous êtes là tous les deux? Ouais, oui. Parfait. Bon, vous êtes prêts à jouer à ce grand et magnifique jeu qu'est le... Je t'emmerde. Voilà, tout simplement. Le principe est très simple. On va donc appeler des gens au hasard. Maintenant, le principe, donc, vous allez devoir appeler ces gens justement au hasard. On ne sait pas si c'est des jeunes, des vieux, des garçons, des filles, peu importe, on ne sait pas. D'accord. Chacun votre tour, placez un maximum de je t'emmerde dans des phrases les plus naturelles possibles. Donc pas arriver en disant je t'emmerde, ça ne marchera pas. Mais avoir une conversation la plus naturelle possible en mettant un petit je t'emmerde à gauche ou à droite. Et puis bien entendu, il faut bien dire je t'emmerde. Et pas je vous emmerde ou vous m'emmerdez ou j'emmerde, etc. C'est je t'emmerde, d'accord? D'accord. Qui veut commencer? Il y a Jean-Philippe de Mulhouse, il y a Nicolas des Côtes d'Or. La Côte d'Or. Allez, moi. Qui est toi? Ah, Nicolas. Très bien. Allez, Nicolas, c'est bien. Prendre quelqu'un qui veut commencer naturellement tout seul. C'est parti, on y va, on joue maintenant, Nicolas. On appelle le premier et la règle est claire. D'accord. Dès que t'entends plus la musique, c'est à toi de jouer. Je le dirai à l'eau. D'accord. Allez. Allez. Allô? Allô, bonsoir. Ça va? Allô, je t'emmerde. Allô? Ah, oui. Ça va? Je t'emmerde. Comment tu vas? T'as regardé la télé? Je t'emmerde. Tu vas au ski? Je t'emmerde. Moi aussi je vais au ski. Je t'emmerde. Qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui? Je t'emmerde. Comment tu t'appelles? Je t'emmerde. Il part tout seul. Il fout. Bah, l'autre n'a pas. Demain tu fais quoi? Je t'emmerde. Allô? Je t'emmerde. Il est toujours là? Allô? Il est toujours là. Tu t'appelles comment? Je t'emmerde. Allô? Discussion d'un petit peu en cul-de-sac. Vide. Pourtant, il est toujours là, hein? Enfin, il n'y a plus personne qui se parle. Ah bah non, là, il n'y a plus personne. Métier, bon, Nicolas! Oui? Écoute, dans le standard, il était indiqué qu'il était encore là, mais... Il parlait plus du tout, donc dans le doute, je te laisse un deuxième essai. Et on va pas comptabiliser. D'accord. Celui-là parce que on savait pas s'il était là ou pas. Et comme il faut faire une discussion, tu vois, un dialogue, à un moment ça se fait pas tout seul. Hein. D'accord? D'accord. Bon allez, c'est parti, on y va, on appelle un autre. Vas-y Nicolas. Allez, ils sont peut-être un petit peu plus sympa. Oui. Je sais pas. C'est un conseil que je te donne. Allez. Allez. Allô? Allô, bonsoir, ça va? Je t'emmerde. Comment tu t'appelles? Je t'emmerde. Qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui? Je t'emmerde. Tu regardes la télé? Je t'emmerde. Allô? Je t'emmerde. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça va? Je t'emmerde. Allô? Le mec, il assiste bien sur je t'emmerde à la fin à chaque fois. Il est mauvais. Allô? Mais là, c'est sûr, il est encore là. Hop, ça y est, là elle est partie, là elle est partie. Alors combien? 6. Putain Nicolas, toi t'es vraiment un boucher. Hein. Ah ouais. Tu arrives, mais mec c'est la boucherie avec toi. Bon Jean-Philippe, il faut faire mieux. Merci. Que 6. Il faut faire mieux que 6 en tout cas pour cette première manche. On fera la deuxième manche juste après. Nicolas, bah bouge pas de là. Jean-Philippe, t'as compris le concept, hein? Tu penses que la barre est haute ou pas? 6, ça va, hein? Ouais, ça va. Bon, allez, c'est parti, on y va, on en appelle un autre maintenant, là. À toi de jouer, tu places plus de 6, je t'emmerde, et tu seras quand même plutôt pas mal avant la deuxième manche. C'est parti. Dès qu'il y a plus de musique, c'est à toi. Oui, allô? Oui, bonjour madame, je vous appelle par rapport au mail que vous m'avez envoyé qui s'intitule je t'emmerde. Donc j'ai compté, il y a exactement 27 je t'emmerde. Alors pour l'instant, bah, c'est moi qui va vous insulter. Donc je t'emmerde, tu te tais, je vais même plus t'entendre, alors je t'emmerde. Et puis surtout, tu passeras plus ta soirée enfin, à écrire à des mails qui me concernent. Ok? Parce que moi j'en ai marre, je t'emmerde, ça va. Ok? Tu m'as compris? C'est qui là? Je vois pas du tout. Mais on s'en fout de qui c'est. Moi je te dis que je t'emmerde pour l'instant, c'est tout. T'as pas à chercher qui c'est. Tu m'as envoyé un mail avec ton numéro de téléphone dans le mail. Alors moi je te réponds, je te dis que je t'emmerde. C'est tout, t'as pas à savoir pourquoi. Quand tu m'as insulté, je t'emmerde. 27, je t'emmerde. Tu te rends compte? Je vois absolument pas de quoi vous parlez, monsieur. Bonne soirée. Non, oh, tu raccroches pas. Hop, ça y est, elle est partie. Alors ça nous a fait combien, ça? Ça nous en fait 11. Nicolas, ouais, la barre est passée plus haute, mais ce n'est pas grave. On va faire la deuxième manche dans quelques minutes. Jean-Philippe, Nicolas, vous bougez pas, d'accord? D'accord. Okay. Allez, restez avec nous. On va récupérer aussi Julien et Geoffrey. Julien qui, quand il couche avec sa meuf, bah, il pense au frère de la meuf. Hein, c'est quand même vachement plus classe. Non, il y a Geoffrey qui voulait réagir également, qui appelle de Douche et Limine. T'es là, Geoffrey ? Ouais, ouais, salut l'équipe. Ça va en pleine forme ? Salut. Oui, j'évite de parler trop fort. Ah oui, c'est parce que t'as les parents derrière ? Affirmatif. Oui mon commandant, très bien, bah, ne bouge pas de là Geoffrey, on va te reprendre dans quelques minutes. Et puis bah, le temps de, bah, avant de mettre la pub, on va vite fait prendre, récupérer encore une fois Alexandre pour la colle. Alors Alexandre, 27 ans de PEC donc, et bah, fait péter la colle pour gagner la PlayStation 4. Avec citron. Je ne respire jamais. Arrête, t'as déjà fait ces vannes de merde. Vas-y, non, recommence, recommence Alex. Je ne respire jamais mais j'ai beaucoup de souffle, qui suis-je? Je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle. Qui suis-je ? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. La réponse est un trou du cul. Ah non, ce n'est pas Toff. Enfin, Alex, c'est pas trou du cul la réponse. Non, non. Non, il y a Marc qui propose un pot d'échappement. Non plus. L'air. Non. Non, une éponge. Non plus. Une grenouille. Non. Ou alors l'anus, mais enfin c'est pas un trou du cul, donc non. Effectivement ce n'est pas ça non plus. Bon, la bonne réponse dans moins de 20 minutes sur Fun Radio. Si vous l'avez cette bonne réponse, eh bien vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez bien sûr aussi jouer depuis le, bah, déjà l'application, hein, Mickaël No Limit, l'application gratuite pour sur iTunes. Et vous pouvez aussi jouer sur le Facebook, donc on vous attend nombreux et nombreuses, facebook.com/Mickaël officiel. Tu restes avec nous Alexandre, la réponse avant minuit et puis on va s'écouter du son là tout à l'heure avec Eminem à suivre. Eminem et Rihanna avec The Monster. Je vous cale également le son de New World Sound, la chanson de The Flute. C'est ce qui va arriver dans quelques minutes sur Fun Radio. Bonne soirée, bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël No Limit. Et puis bonne nouvelle également, dans moins de 3 minutes je vous balance la nuit sans pub. Et ça, ça fait plaisir. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël No Limit. Fun. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Fun Radio No Limit. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, on est en direct dans toute la France comme tous les soirs, 23h44. Il n'y a plus de pub maintenant jusqu'à l'arrivée de Bruno dans la radio. Ce sera tout à l'heure à partir de 6h, juste après notre ami JB. D'ailleurs, je tiens à passer un message à Anne qui s'occupe de Fun Radio dans le sud de la France. Je n'ai pas eu mon dos encore du jour, donc Anne, s'il te plaît, vite, j'ai besoin de mon dossier du jour. Je vous expliquerai tout à l'heure à 2h du mat pourquoi, mais comme ça vous savez tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Dans quelques minutes, on donnera la réponse également pour gagner la PlayStation 4, la réponse à la colle d'Alexandre. Je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle. Qui suis-je ? Voilà, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez simplement M-I-K-L suivi de la réponse. Vous envoyez ça au 64 900 par SMS ou alors directement sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/MIKL officiel où vous êtes quasiment 300 000 à venir nous avoir rejoint. Voilà, ouais. C'est ça que je voulais dire. Et ajoutez-moi également sur le Twitter si vous voulez, hein, n'hésitez pas. Ça se passe sur le Twitter, donc vous tapez MIKL_officiel. Le underscore, c'est le petit tiret en bas. Voilà, donc je vous attends nombreux et nombreuses. Et si vous me suivez, je vous suivrai également. Et avec grand plaisir. Je vous l'avais promis, on va se le mettre dans quelques minutes avant minuit. Et voilà, le son de New World Sound, donc de Flute. Je vous le cale, promis, ce sera avant minuit. On aura également le son de Eminem avec Rihanna, ce sera The Monster. Il y a les teubés qui vont débarquer dans quelques minutes. Et puis, bien évidemment, le retour et la suite et la fin du Je t'emmerde avec Jean-Philippe, avec Nicolas. Pour l'instant, Nicolas qui a fait 6 Je t'emmerde dans une seule et même phrase. Et Jean-Philippe qui en a fait 11, voilà, c'est ça. Bon, Nicolas, Jean-Philippe. Oui. On va remettre le couvert, deuxième manche, deuxième et dernière manche. Oui. Allez, Jean-Philippe, tu commences. Si tu fais mieux que 11, eh bien, on gardera ton meilleur score. Si tu fais moins bien, ben, on gardera 11, d'accord ? Ok. Allez, c'est parti. Je rappelle pour ceux qui viennent de débarquer, c'est la deuxième match là, on va dire. Hein. C'est la deuxième partie et le principe est simple. On appelle des gens au hasard et donc Jean-Philippe doit faire un maximum de je t'emmerde dans une seule phrase. En l'occurrence, il faut battre son propre record pour bien faire, c'est-à-dire 11. On y va, c'est parti. Vas-y. Allez, vas-y, Jean-Philippe. Bonne chance. 19 ans de Mulhouse. On embrasse le Haut-Rhin. C'est parti. On appelle dès que t'entends plus la musique. En dessous là, c'est que tu dois dire allô. Des fois que le correspondant ne dise pas allô, parce que parfois il y en a qui décrochent et qui ne disent pas allô. Ce qui est assez bizarre. Allez. Allez, le Haut-Rhin. Enfin, je sais pas si on l'appelle dans le Haut-Rhin. Mais... Ah, c'est toujours la poisse. Hein. Victor. Merde. Il est pas disponible. Oh Victor, il est relou Victor. On appelle un autre, c'est parti, Jean-Philippe. On y retourne. Allez. Oui, allô. Oui, allô madame. Oui, bonjour, je vous appelle suite au mail que vous m'avez envoyé il y a même pas 10 minutes en me disant je t'emmerde. Vous m'avez envoyé exactement 27 je t'emmerde. Donc moi je sais pas, mais maintenant ça m'a besoin d'insulter. Alors Edune, je t'emmerde, mais bien profond, je t'emmerde. Alors Edune, maintenant tu vas arrêter de m'envoyer des mails toute la soirée parce que ça commence à me faire chier. Donc bah, moi je te redis, monsieur, je te redis. Monsieur, quoi? C'est pas chez moi, moi je suis la nounou, madame Sandra elle est même pas là. Ouais, bien, ah mais bien. Non mais justement c'est très bien, moi je vous parlais à la nounou justement. Vous m'avez envoyé je t'emmerde, donc moi je t'emmerde à nouveau. Donc maintenant au lieu de s'occuper de la gosse, la machin et tout, bah merde. Non monsieur, la... non, ah, moi, non monsieur. Pas, moi j'ai pas. Monsieur, moi j'ai pas d'internet, j'ai rien du tout, monsieur. Ouais bah les téléphones ça existe hein, et vous m'envoyez je t'emmerde à chaque fois, j'ai même vu votre numéro, c'est comme ça que je vous ai appelé, je suis pas fou. Non, donc vous m'avez envoyé non, je t'emmerde. Moi, je m'appelle Zenilda, oh, et franchement non. Zenilda, ouais, bah, moi, on moi, moi en tout cas je t'emmerde. Donc voilà, donc maintenant t'as plus rien à me dire, je t'emmerde, c'est tout. Okay non monsieur, c'est même pas moi, j'ai pas d'email, j'ai pas de téléphone, monsieur. Et là je suis en train de faire un babysitting, je regarde la télé, c'est pas moi monsieur. Mais tu te fous de ma gueule, t'as pas de téléphone, t'es en train de m'appeler là, enfin on est en train de se parler par téléphone, donc tu te fous de ma gueule. Donc non, moi je t'emmerde. C'est pas moi. Quoi? Moi je suis même. Non. Mais tu m'as envoyé, je t'emmerde. Donc excuse-moi, j'ai pas envie, tu m'as envoyé 27, je t'emmerde. Donc moi je t'emmerde à nouveau. Mais je t'emmerde plein de fois. Je t'emmerde. C'est tout. Ouais bah elle est partie, t'emmerde pas. Oh là là. On ne valide pas les derniers là. Parce qu'elle avait déjà raccroché, mais toi tu t'es un peu emballé. Combien? 12. Seulement? Bah oui. Ah, je m'attendais à plus, dis donc. Non. Il y a plein de moments où il a pas dit je t'emmerde. Ah oui. Bon d'accord, ok. Non mais je m'attendais à plus. Bah écoute, 12 c'est toujours mieux que 11, hein, Jean-Philippe. Hein. Donc tu bats ton propre record, pas mal. Nicolas. Oui. La barre est haute, ma gueule. Oui. Bon, on appelle, c'est parti, t'es prêt? Oui, c'est parti. Allez hop, c'est la suite, c'est le dernier appel maintenant. Tu fais mieux que 12. Oui. Tu fais 13, tu gagnes, tu fais moins, tu perds. On y va, c'est parti, bonne chance. Merci. Dès que t'entends plus la musique. Ah oui, donc il n'y a pas de son et il se dit pas allô. Allô. Ah. Allô. À la bonne heure. Allô, oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger, je vous appelle parce que j'ai reçu 3 courriers de vous en me disant je t'emmerde, alors moi aussi je vous emmerde. Et pourquoi vous m'envoyez des courriers je t'emmerde? Alors moi je voudrais bien savoir pourquoi il y a 3 courriers qui sont arrivés chez moi à mon adresse je t'emmerde. Alors moi aussi je voudrais bien vous dire je t'emmerde. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous avez comme télé je t'emmerde. Et je voudrais savoir comment vous vous appelez je t'emmerde. Non. Et pourquoi c'est... vous avez écrit une lettre je t'emmerde. C'est quoi, c'est vachement drôle. Bah moi aussi, je t'emmerde. Oui bah elle est partie, t'emmerde pas hein. Donc les deux derniers je t'emmerde sont pas valables, il était déjà parti. Alors il y a un je vous emmerde. Il y a un je vous emmerde qui n'est pas valable non plus, non. Bah non. D'accord. Bon bah alors. Combien? 10. Ouais bah de toute façon on était à 12 donc il fallait faire 13. Bon bah voilà, et bah Nicolas. Oui. Bah c'est perdu hein, de pas loin. Jean-Philippe, bravo. Ah, merci. Eh ben voilà, félicitations Jean-Philippe, c'est gagné, tu retournes chez Sandro au standard, on va prendre tes coordonnées pour le cadeau. Et puis bah Nicolas, bah c'est pas grave, tu retournes ta chance quand tu veux, on va quand même te filer un pack fun, d'accord? Est-ce que je vais faire une dédicace, s'il vous plaît? Eh ben vas-y. Merci quand même. Alors attends, vas-y Jean-Philippe, une seule personne, hein, tu connais la règle. Ok, bah j'ai une dédicace à mon frère qui m'écoute en ce moment, puis gros bisous. Très bien, eh ben le message est passé, y'a pas de problème. Faire une dédicace. Allez vas-y Nico, à une j'ai seule personne. Une dédicace personne, à mon frère Christophe qui m'écoute aussi, gros bisous mon frère Christophe, je t'aime. Très bien. Oh oui. Bah message passé, salut Nico, à bientôt hein. Merci, à bientôt. Allez, ciao à toi. Bon, bah, c'est une bonne chose de faite, tiens, salut Nico. Salut Jean-Philippe, on rejoue au Je t'emmerde la semaine prochaine. On va récupérer Julien là avec son problème quand il couche avec sa meuf, il pense au frère de sa meuf. On va encore faire des appels avec Toff et puis on se fait encore une. Allez, une petite dernière giclée de la colle. Ah je vais bien faire la giclée dans la face à Toff. J'imagine bien. Bon, toujours là Alex? Toujours là. Très bien. Alors, vas-y, fais péter la colle. Donc, je rappelle que c'est la dernière ligne droite pour vous inscrire et de bah, peut-être repartir avec votre PlayStation 4. On y va, on t'écoute. Alors, je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle. Qui suis-je? Je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, dernière chance pour vous d'envoyer Mickaël suivi de la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Sans oublier le Facebook, facebook.com/Mickaël officiel. Si vous avez la bonne réponse, il y a Christopher qui proposait une souffleuse. Non. Non, un volcan. Non. Non plus. Bon, bah, très bien. Bah, c'est pas grave. Hein. Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Hein. Comme je le disais, et Mickaël, suivi de la réponse au 64 900 par SMS ou au 63 22. Et vous pouvez aussi, d'ailleurs, depuis hier, jouer aussi. On proposait vos réponses directement via l'application de l'émission. Et c'est gratuit, du coup. Hein. Vous allez la télécharger sur iTunes. Ça aussi, c'est gratuit. Vous allez vous taper et Mickaël, No Limit pour la télécharger. C'est aussi simple que ça. Et vous pourrez jouer avec nous sans problème. Alexandre, on te récupère dans moins de 10 minutes. On donne la réponse. Et peut-être à toi, la PlayStation 4, Alexandre. Ok, merci. Je t'en prie, à tout de suite, Alexandre. Retour avec Julien, là. Julien, t'es là ? Non. Parfait. Bon, Julien qui nous avait appelé parce qu'il couche avec sa meuf, et quand il couche avec sa meuf, il pense au frère de celle-ci. Ce qui est quand même vachement classe. C'est horrible. Hein ? Vachement cool, quand même. Et en plus, vous habitez ensemble maintenant, c'est ça qui est fort. Et surtout, oui. Il s'est fait ramener par le frère. Et surtout, t'as déjà couché avec le frère. Oui, mais c'est pas moi qui me fais ramener, c'est lui. Ouais, enfin, bon, peu importe, on n'est pas dans le détail, tu vois ça. Oh, j'aime bien la précision, c'est pas moi. Non mais j'aime bien tu sais, genre c'est le plus important, quoi, ouais. Tu vois. Oui mais c'est pas moi, c'est lui. C'est lui qui prend. Voilà, non mais peu importe au final. C'est une horreur. Peu importe, mais il y a un moment, ouais, t'aurais peut-être dû gérer ça d'une autre manière, quoi, tu vois. Eh, j'ai une question, ouais. Comment ça s'est passé la première fois? Comment ça se passe? Tu lui dis, bon, je vais là, je vais t'enculer ou... Qu'est-ce que tu as... Attends, mais quand tu couches avec une meuf, tu vas pas dire, bon, voilà, je vais te pénétrer? Bah si, moi je lui dis toujours. Si, il prévient. D'accord. Oh, alors, d'accord. Attention, je vais rentrer. D'accord, ok, non, mais alors pas de problème. Vous êtes un sacré petit galéron. Voilà, tout à fait. Non, mais ça m'intéresse. Et toi, fait un... Petit encul. Voilà. Bon, du coup, ça c'est quoi? Je comprends pas ta question, ça veut rien dire cette question. J'ai pas compris non plus. Bah voilà, bon écoute, réfléchis. Tu couches avec des hommes, toi, Tof? Non. Eh bah voilà, alors je me pose la question de savoir comment ils font. Est-ce qu'il lui dit, bon, alors je vais t'enculer, ou alors il... ça se fait hop, tu vois? Ça se fait hop. D'accord. Bah Eric qui répond, c'est lui le... Pardon, Julien. Il a pas beaucoup de conversation. Julien. Oui. Bon, comment ça se passe? Est-ce que tu peux répondre à la question de Polo, qu'on passe à autre chose, parce que... Eh bah voilà. Non mais quoi? Tu répètes ta question? Oh là là, Mickey, il est mou. T'es là, t'es avec le frère de ta de la fille. Enfin, je sais pas qui. Ouais, là. Le frère de ta meuf. Le frère, ouais. Bon, quand vous êtes là, avant, comment ça s'est passé? Oh là, tu lui as dit, bon, est-ce que je peux te pénétrer, ou alors tu hop? Il était déjà d'accord. Hein, ah, il était d'accord. Mais bah oui. Tu t'as fait quoi? Comment? Tu lui as mis un doigt, tu l'as préparé, ça m'intéresse tout ça. Il l'a préparé un nana. Il s'est déjà fait faire avant, donc il est habitué. D'accord, mais t'es... D'accord, ok. Bon, ben voilà, mais comme tu ça. Le préviens pas, tu vas direct. Oui, il va comme... Il va direct, quoi. D'accord. Oui, voilà, a priori. Bon, enfin, cela dit, c'était pas le débat. Donc, on va parler d'autre chose, finalement, hein, c'est pas grave. Bon, et donc, du coup, il y a Geoffrey qui est avec nous et qui voulait donner un conseil. Salut, Geoffrey. Ouais, je suis là. Ouais. Attends, 30 secondes. Alors, vas-y. En attendant, on va prendre Gladys avec nous, là, d'Avignon. Là. Salut, Gladys. Bienvenue sur Mou FM. Ouais. Ça va, Gladys? Oui. Bon, ben bienvenue Gladys, tu voulais donner un petit conseil à Julien, enfin un petit conseil, je sais pas, mais en tout cas tu voulais nous parler. Oui, voilà, c'est ça. Alors bienvenue à toi Gladys, t'as déjà vécu ça, toi aussi t'es déjà tombé, t'es déjà sorti avec un mec qui fait ton frère peut-être, je sais pas. Non, mon frère non, quand même pas, non, c'est mon cousin en fait. Ah, c'est le cousin, bon ça reste dans la famille comme ça, c'est bien. Ouais. Bon, vas-y, alors continue, dis-nous. Je voulais savoir des conseils, ou si on pouvait l'appeler ou faire quelque chose pour qu'il puisse me rappeler, parce qu'en fait c'est... On s'embrouillait pour un truc de merde, quoi, un truc à la con. D'accord. Et le truc, c'est que lui, il a vraiment mal pris, et depuis, j'ai pas de nouvelles, en fait. Mais d'accord. Quel était cet embrouille? Ah oui, ok, je pensais que tu voulais réagir à Julien, mais en fait, pas du tout. D'accord, ok, c'est non, autre non, chose, non, toi, tu veux récupérer ton ex. Ok, ouais. Bah alors, Gladys, reste là, on va en parler dans quelques minutes. Tu bouges pas? Non, non. Bon, bah parfait, je l'avais promis en plus depuis tout à l'heure, là, on va se mettre le son de la flûte, là. Julien et Geoffrey, vous bougez pas de là, Alexandre avec la colle, on va prendre le gagnant dans quelques minutes, et puis bah tous les messages qui continuent à arriver en masse sur le Facebook, le Twitter, vous tapez Mickaël officiel, et puis il y a un message de Ludivine qui dit Polo a des tendances gays, on dirait. C'est vrai qu'il s'inquiète. Mais non, mais c'est... C'est bien, c'est bien. Mais non, mais beaucoup c'est... de questions gays, c'est Ruben, c'est vrai qu'il s'intéresse, et moi je trouve ça beau. Allez, New World Sound maintenant, The Flute sur Fun. Le son de New World Sound à l'instant, c'était de Flute sur Fun Radio. Et dites-nous d'ailleurs si vous voulez encore qu'on écoute ça tout à l'heure là. Comme on l'a pas mis du tout hier soir. Aye. Allez, si vous avez envie d'écouter le son de Pharrell Williams avec Happy, bah, n'hésitez pas, vous demandez sans problème. Je vous avais promis aussi le son d'Eminem et Rihanna, ça aussi ça va débarquer sur Fun Radio. Et si vous voulez choisir des sons en particulier, bah, n'hésitez pas, on est là jusqu'à 2h du mat. Pépère, entre nous là, à la cool. Vous appelez le standard hein, si vous voulez passer dans l'émission, 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Il y a Ice T Shirk, voilà, quelque chose comme ça, qui dit: moi je viens de me faire sodomiser sur un petit bateau de pêche en pensant à Polo. Ah, bah, oh, voilà, il sera mignon. Content. Guillaume qui dit: Polo se renseigne pour Stéphane, il sait pas comment s'y prendre. Kevin également, ah, qui dit... Stéphane, je m'énerve. Kevin également sur l'application iPhone, là, iPhone, iPad et iPod là, qui est sortie hier, que vous pouvez télécharger gratos, qui envoie son message, qui dit: Mickaël, ton émission elle tue, pourrais-tu passer un message de bienvenue? Bah, avec plaisir si tu veux. Mais tu vois, on a tracé ton numéro, tu vois, Guignol. Voilà. Tu te fais niquer comme un âne. Voilà, il y a Ruben qui dit: moi j'imagine même pas la sœur, là franchement, tous mes soutiens vont à elle. Il y a Alexis qui dit: si j'ai un fils, je l'appelle Zlatan, et si j'ai une fille, je l'appelle Zlatan aussi. Il y a Alexis, Alexandrine qui dit: oh les boules, la nounou, comment elle a dû flipper. Skind aussi qui dit: mon enfant, je l'appellerai Eddie, pourquoi pas. Et Cédric du Sac Neuf qui dit: putain, je vous kiffe ce jeu, juste en merde, je suis juste pied de rire. Et Clem qui dit: j'ai plus de portable, plus de radio, je suis au fond du seau, je pense à vous, bonne soirée. Mais Clem, t'es sérieux, c'est pas toi qu'on a offert une radio, il me semble, si, il y a longtemps là? Non, c'était Colline. Ah, c'était Colline, pardon, autant pour moi, c'est vrai. Bon, qu'est-ce qui t'arrive, Clem là? Dis-nous peut-être. Ah bien aussi de savoir ce qui se passe là, pourquoi tu peux pas nous écouter maintenant. Bon, on va récupérer Julien, est-ce qu'il est de retour, Geoffrey là? Oui, je suis de retour. Bon, parfait. Avant d'offrir la PlayStation 4 dans 5 minutes là maintenant, eh bien, nous allons continuer avec Geoffrey et avec Julien. Julien qui avait appelé parce que quand il couche avec sa meuf, eh bien, il pense au frère de la meuf, c'est bien ça? C'est bien ça. Très bien. Et Geoffrey également, donc, qui appelle de doucher les mines et qui voulait réagir. Alors, Geoffrey, qu'est-ce qui t'arrive? Tu voulais dire quoi, toi, exactement? Bon, en fait, c'est juste pour lui donner un conseil, en fait. Alors, bah, vas-y, bah, on écoute. Ben, en fait, ben, vous habitez ensemble, toi, ta copine et le frère de ta copine. Le frère, oui, c'est vrai, le frère, il habite avec la copine ou pas? Enfin, il habite avec vous? Oui, c'est tous les trois, oui. C'est quand même pratique, hein. Le mec, il a la meuf et l'amant, maîtresse, t'appelles ça comme tu veux, qui est là au même endroit. Ouais, c'est ça, mais le soir, c'est où est-ce que je vais dormir? Non, mais c'est surtout que je me sens pas bien, je dois aller aux toilettes. L'autre, il va se faire défourailler pendant une heure, puis il revient. Ça ressemble à du tof, ça. C'est, ouais, mais dans l'appartement, elle est où, la croix? La croix. Ouais, non, vous n'avez pas de croix? Cette vanne n'est pas bien passée. C'est pas une vanne. C'est pas une vanne. Ah, c'est une information. Je me renseigne. Voilà, autant pour moi. Bon, donc du coup, bah non, parce que comme Toff, il aime bien sur des croix se faire défourailler, ouais, sur des croix dans une cave. Du coup, je me renseignais quoi. Enfin, il aime bien se faire défourailler à l'ancienne. Voilà. Mais sinon, pourquoi cette question, Geoffrey, de savoir s'ils habitaient tous ensemble? Non, ben parce qu'en fait, ça va être compliqué parce que elle habite ensemble et sa copine à un moment donné, elle sort au courant quoi. Est-ce que tu peux mettre ton téléphone un peu plus à l'intérieur de la bouche? Non mais désolé, c'est... Je sais. C'est sous la couette là. Ah, t'es sous la couette là? Ben lève la couette un peu plus haute alors. Tiens, je fais le signe comme si c'était moi qui étais en dessous de la couette. Gris en fait, bon, pas fou. Ouais, oui, c'est pas grave. C'est juste pour dire en fait qu'il faut qu'il soit sincère avec sa copine parce que plus il va attendre et plus ça va faire mal quand on va le découvrir quoi. Non, mais c'est sûr. Mais après, la grande question qu'on peut lui poser aussi, c'est... t'es gay? T'es bi? T'es quoi? Ou hétéroclubé? Les deux, tu l'aimes le plus. Les hommes ou les femmes? Ouais, tu préfères quoi? Pour l'instant, je dirais plus vers lui. Donc, si tu vas plus vers lui, c'est que t'as quand même encore un petit peu envie d'elle. Donc, j'ai envie très tenté de dire que t'es bi, non? Oui, parce que je fais avec les deux, oui. Non, il est bite. Oh, pardon. Non, là, tu peux sortir, Polo. Je sors. N'hésite pas. Non. Donc, t'es bi ou t'es gay ou t'es quoi? Sors vite. Non, je fais avec les deux encore. De quoi? Je fais ça avec les deux. Tu fais ça avec les deux, d'accord, ok. Donc, tu es bi. Ce qui est d'ailleurs le problème de la soirée, hein, dans l'absolu, hein, c'est que tu fasses ça justement avec les deux. Mais quand tu couches avec le frère, tu penses à la sœur? Ah non, pas du tout, non. Et quand tu couches avec la sœur, tu penses au mec? Bah oui, c'est avec oui. D'accord. Bon, écoute. J'arrive pas à comprendre. Quand tu le. Alors, t'es là. Le process. Alors, tu vas pas nous emmerder avec ça. C'est quoi ton problème encore là? J'arrive pas à comprendre ce mec. Mais quoi? Mais comment il fait? Bah, il est avec une meuf, d'accord? Ouais. Elle est mignonne la meuf. Ah, il y a quelqu'un qui joue de la flûte. C'est pas Rihanna, non, mais bon, ça va. C'est pas Rihanna. Oui, ok, d'accord. Ça veut rien dire encore. Tu allais dire c'est pas Rihanna, mais non. Tu vis avec elle et le frère couche avec toi. Donc comment tu fais? T'es là, hop, tu sors ton zboob et tu... Enfin, c'est... Lol. Non mais c'est important. Vous voulez savoir comment ça se passe? Ah bah oui. Savoir la sœur est dans l'appartement quand tu te fais démonter par le frère, en fait. Et lequel des deux qui est plus fort? Lui et moi, on est tous les deux en recherche d'emploi. D'accord. D'accord. Et elle a travaillé. Ah, donc la journée, c'est open bar, quoi. La journée, c'est la fête à la saucisse. C'est le cas voilà, de le dire. Donc, ah ouais. Donc comme elle n'est pas là, bah, voilà. Open. D'accord, ok. Donc ça veut dire que pendant qu'elle, elle ramène l'oseille pour payer l'appart, voilà. Vous êtes en train de vous enfiler, quoi. Voilà. Ah ouais, c'est pratique. C'est original, tu me diras. C'est original. Bon, écoute, qu'est-ce que tu veux dire? En même temps, le problème, il est tout trouvé. Il faut que tu quittes ta meuf, point. Bah, en fait, voilà, c'est ça. Il faut que tu te décides. Tu pourras pas vivre comme ça tout le temps, quoi. Ah, ça, c'est sûr. Bon, il y a un moment, il faut y aller, Julien. Là, tu la quittes, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tu vas la voir en face, tu dis bah écoute je suis bi, puis j'aime bien ton frère. Évite d'abord le frère, hein, parle d'abord du fait que tu sois bi ou gay, peu importe, mais ne mets pas tout de suite le fait que tu te tapes son frère, hein, parce que ça risque de foutre un peu le bordel dans la famille, quoi. Mais bon après. Ouais c'est sûr. Voilà. Donc alors Julien, il faut faire ça, mais il y a que ça à faire, hein. Ouais mais j'aime pas trop faire du mal aux gens, moi, c'est... Non mais d'accord, mais bon il y a un moment, je vais pas dire le mal est fait, mais pas loin quand même. Non mais c'est ça. C'est le cas de dire qu'il est dans la merde. Ah bah oui, là, c'est clair. Non mais sérieux. Ouais, mais Le problème, c'est qu'elle risque aussi de renier son frère aussi, si elle apprend... Si elle apprend quoi? Bah oui, mais il fallait réfléchir à ça avant. Bah oui. Bah après, je sais pas. De quoi? Un coup de tête, en fait. J'ai pas compris, Geoffrey, tu dis quoi? Tu as agi sur un coup de tête, en fait, Julien. C'est pas vraiment un coup de tête. Ouais, c'est pas un coup de tête non plus. Il y a le prince qui dit les vannes de Polo, c'est tout un art. Il y a Poyol également sur l'application qui dit propose un truc à trois, on sait jamais. Oh, entre frères et sœurs, la dégueulasserie, la grosse dégueulasserie, là. Bon, Julien, écoute, dis-lui, il y a pas de solution. Mais il est pas obligé de préciser qu'il se tape son frère, hein. Mais non, c'est ce que je dis. Lui dire, on se sépare. C'est ce que je dis. Tu dis simplement, on ne sait pas parce que je suis gay, je suis bi, peu importe. Et puis après, un peu plus tard, tu annonceras pour le frère, mais d'ici là. Il faut laisser pisser le mouton, quoi. Mais le frère, il est complètement idiot. Comment il peut faire ça? Non, j'avoue. Mais bon, voilà. Bon, mais merci Geoffrey d'être passé en tout cas. Tu reviens quand tu veux, hein. Ouais, je peux faire une petite dédicace. Allez, vas-y, il y a une seule personne. Si du moins quelqu'un arrive à comprendre ce que une tu vas personne, dire. Ben, pas de soucis. Il y a qu'une personne qui m'écoute en ce moment, je pense. Une petite dédicace, Christopher Blasio, qui en reconnaîtra, voilà. Puis bah. Très bien. Maintenant que t'as donné son nom de famille, c'est dommage si tu ne connais pas. Dédicace durant les 5 dernières minutes de Loving Fun. Très bien, eh ben, fais plutôt ça comme ça, il n'y a pas de problème, ça roule. Salut à toi Geoffrey, à bientôt. Et puis continuez comme ça, vous déchirez les gars. Merci beaucoup Geoffrey, merci, c'est gentil. Julien, ben maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire, puisque tu veux pas qu'on l'appelle en direct, bah fais-le et tiens-le au courant. D'accord, ok. On fait comme ça? Ok, je peux passer une petite dédicace, oui. Sois honnête. Allez, vas-y, il y a une seule personne. D'accord, bah, je passe une dédicace à mon frère qui doit être en train de m'écouter. Très bien, eh ben le message est passé aussi, pas de problème. Bah, il doit être content de toi, il doit être fier de toi. C'est pas ta meuf. Exactement, ouais. Bon, je passe une dédicace à ma meuf. Il doit être en train de m'écouter, ça me fait plaisir. Voilà. Bon, salut Julia, à bientôt. À bientôt. Allez, ciao à toi. On aura Gladys dans quelques minutes qui veut récupérer son ex. Et puis on va également faire des appels avec Toff là. Mais avant cela, il y a la réponse à la colle avec Alexandre qui est avec nous. Allô Alexandre. Oui. Oui, très bien. Alexandre, donc de Peck, qui avait une colle à poser. Et rappelle la colle en speed là, c'était quoi? Je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle. Très bien. On va donc appeler quelqu'un maintenant qui s'est inscrit ou inscrite par SMS au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Ou même via le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKAELOfficiel. On va donc appeler maintenant le gagnant ou la gagnante. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche et donne la bonne réponse, elle gagne, tu perds. D'accord Alex? Si jamais c'est l'inverse ou que donc elle n'a pas la bonne réponse ou que ça ne décroche pas, à ce moment-là c'est toi qui gagne Alexandre. Ok. Tu rêverais de la PlayStation 4? Oui. Ouais, très bien. Bon, écoute, on verra. Ça va arriver là, d'une seconde à l'autre. C'est parti, on y va, on appelle. Je te souhaite bonne chance, même si les dés sont jetés. On appelle maintenant. Si ça décroche et que ça répond bien, tu perds. Allez. Le message d'Angelina qui t'offre ressemble à un poisson-chat. Allô? Allô, bonjour, oui. C'est Mickaël, tu es en direct à la radio sur Fun Radio, et déjà comment tu t'appelles? Maria. Maria, il y a Alexandre qui a une colle à te poser. Maria, Alexandre, on t'écoute. Je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle, qui suis-je? Alors, Maria. Ah, je sais pas, j'ai un gros doute, mais je pense que ça doit être un aspirateur. Je pense qu'il s'est foutu de ta gueule aussi, Alexandre. Non, c'est genre la connasse qui veut faire. Je ne sais pas, j'ai un doute. Le mec, il se dit ça y est. Eh ben non, dans le cul. Bon, eh ben voilà. Bah Maria, bravo, la PS4, elle est pour toi. Alexandre. Tant pis. Eh ben tu repars avec la bite entre. Voilà, c'est ça, la queue entre les jambes, comme on dit. Et puis, Maria, on met aussi le coffret DVD Soda de Kev Adams. Voilà. Tu vas pouvoir le recevoir. Cool. Mais écoute, avec plaisir. Passe une excellente journée et enfin soirée plutôt, même nuit. Et puis tu reviens quand tu veux. À bientôt. Super, merci beaucoup. Ciao. Salut, salut. Alexandre. Oui. Bon, bah tu reviens quand tu veux et comme te file un pack fun aussi, d'accord? Ok, merci. Bon, allez, salut Alex, à bientôt, hein, APEC. Salut, je peux faire un big up? Allez, ben vas-y, t'auras gagné ça au moins. Tiens, une personne, vas-y. Petite hein. Sœur, ma petite sœur qui est occupée de m'écouter. Très bien, et eh ben le message est passé, y a pas de problème. Salut, salut! Ouais, merci. À bientôt, Alex. Et attention, demain, c'est la dernière, hein, dernière PlayStation 4 qui sera à gagner. Et puis, attention, la semaine prochaine. Oui. Il va y avoir du lourd. Il va y avoir du très lourd. Déjà, j'aurai des GoPro à vous offrir toute la semaine. Ah, ça, fort. C'est bien. Et puis dimanche, il va y avoir du très très lourd pour vous, les filles. Enfin, dans l'absolu, c'est pour vous, les filles, mais ça peut être aussi pour les garçons. Mais pas vraiment pour vous. Ah. C'est compliqué tout ça. Du Nutella. Non, moi, je trouve ça très clair. Non, c'est pas du Nutella, non. T'imagines le poids de toffe en Nutella. Oh, ça va, c'est pas mal. Ah oui, c'est-à-dire que. Ça fait combien de pots ça? 76. Bah, ça fait beaucoup, hein. C'est-à-dire que c'est. Le plus gros, je crois, il était à 750 grammes, non? Me semble-t-il. Ah oui, donc ça fait un paquet de pots. Ça fait un paquet de pots de Nutella. Hein. Non, mais c'est pas ça, vous emmerdez pas. On peut pas avoir une GoPro pour la donner à Toff quand la prochaine fois que c'est sur la croix. Mais il en a une, t'inquiète pas. Mais j'ai trois GoPro. Mais ouais, tu il en a trois. Pas les brancher sur les trois. Si, je te les mettrai. Non, sur toi. Voilà, donc du lourd à gagner. Donc, et je vous annoncerai le gros cadeau de dimanche soir en exclu. Donc tout le monde le saura, bien sûr, mais vous le saurez en avant-première sur l'application de l'émission. Donc si vous voulez la télécharger, n'hésitez pas, elle est gratuite. Elle est sur iTunes, sur l'Apple Store. Donc vous tapez MIKL No Limits. C'est aussi simple que ça. Je vous l'avais promis tout à l'heure. Le son d'Eminem et Rihanna avec The Monster. Et puis on va encore faire des appels avec Toff, hein, puisque je rappelle que nous sommes tombés sur. Comment ça s'appelle encore ce truc? C'est le prolong orgasme. Voilà, c'est pour les mecs qui sont précoces ou qui ne le sont pas, mais qui veulent durer un peu plus longtemps. Et bien cette nouvelle machine vous permet de tenir jusqu'à 11 fois plus longtemps. Et on essaye de les refourguer depuis le début de l'émission. Pour l'instant, ça n'a pas bien marché, faut le dire. J'étais très déçu. Bah, c'est ça. Mais bon, c'est pas grave. Allez, Eminem et Rihanna, on écoute The Monster maintenant sur Fun Radio. Et c'est la nuit sans pub. Bienvenue tout le monde. Monster, the sound of my bed. Eminem, Rihanna sur Fun Radio, c'était The Monster. Bienvenue si vous voulez débarquer, les minuit 15 là. Il y a deux prénoms qu'on proposait, Clitorine pour une fille et Masturbin pour un garçon. C'est des déjà vus et franchement c'est abusé. Il y a Mante Dadou qui dit il a dit GoPro en cadeau, je kifferais en avoir une pour la moto. Ouais, on en offrira la semaine prochaine. Il y a Angelina qui dit yes Mickaël et bien sûr Sandro Polo. Et cette petite boule puante qui ose se mettre torse nu pour faire mal aux yeux des gens, c'est Toff bien entendu. Jason qui dit pour mon enfant, s'il sort de la capote, je l'appelle Chuck Norris. Owen qui dit pour un garçon et Owen pour un garçon et Mia pour une fille, je connais un quai des chats, ça se dit queue de chat, c'est pratique, c'est bien. Et Benji qui dit moi j'avais un ami, il avait appelé sa fille Aspégique, what the fuck. Et Black Dragon qui dit encore une soirée de folie avec Mickaël, No Limits, continue comme ça, bisous toute l'équipe. Ben, merci beaucoup pour tous vos messages, quoi qu'il arrive, tous les soirs on est là avec vous toutes et vous tous, 23h, 2h du mat, du lundi au jeudi et tous les dimanches bien sûr de 20h à minuit. Restez bien à l'écoute de Fun Radio bien entendu. On va faire quelques appels encore avec Toff là maintenant, qui est au taquet bien entendu. Mais bien sûr, complètement. Évidemment. Petit appel puisque nous sommes tombés sur un article qui parlait du prolong orgasme. Ouais. Et le prolong orgasme, c'est un petit appareil qui vaut quand même 250 boules. Et que bah, qui à mettre sur votre bite 2 à 3 fois par semaine. Et au bout de 6 semaines, paraît-il, vous devriez tenir jusqu'à 11 fois plus longtemps. Mais ça, c'est la théorie, hein, 11 fois. En vrai, les gens, c'est 2 à 3 fois. Bon, ce sera déjà pas mal. Ah non, c'est vrai. Enfin, c'est ça dépend pour qui. Mais parce que c'est vrai que si tu tiens 2 secondes, ça fait jamais que 6. Oui. C'est pas mal, ouais, mais peut mieux faire. Ta meuf serait quand même surprise que tu tiennes aussi longtemps. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais comment ça se passe pour ceux qui. C'est parce que parfois, t'as ça comme dans les films, là, tu sais, le mec, juste à l'imagination, la meuf, elle arrive, elle met sa main sur le pantalon et. Il tiendra 11 fois plus longtemps, donc la meuf aura le temps de remonter la main jusqu'à la braguette, mais ça sera trop tard. Ouais, bon, on n'est pas plus avancé au final de ce côté-là, ah bah mais oui, c'est pas grave. Enfin, le mec, bon. Il partait de loin aussi. Oui, oui, c'est vrai. Bon, on appelle, c'est parti? Allons-y. Allez, on appelle pour refourguer évidemment ce petit appareil. 250 euros, hein, plus notre commission, hein, 300 euros évidemment, donc ça fait 50 euros de bénéfice, c'est pas mal. On appelle maintenant, merci pour les numéros que vous nous avez envoyés sur le mail de Toff, toph@funradio.fr, et continuez d'ailleurs. Si vous avez des gens qui sont encore debout à cette heure-ci et plutôt nerveux, on est friands. Debout à cette heure-ci. Allô? Oui, bonsoir madame. C'est qui? Oui, c'est Toff à l'appareil madame. C'est? Toff. C'est quoi Toff? Ben, c'est moi madame. J'ai pourquoi faire? Ben, en fait je vous appelle au sujet des petits problèmes d'érection de votre mari. Oh, ben, c'est nouveau, ça vient de sortir. Ben écoutez, vous le mettez bien profond, je pense. Ah merde, elle avait mal accroché. Je pensais qu'on allait avoir une belle conversation avec monsieur derrière, mais non. Non, bon, mais. Mais non, mais. On rappelle. Oui, allô? Vous voulez quoi, juste? Ben en fait, je voulais aider votre mari à pouvoir tenir plus longtemps quand il vous fait l'amour. Ferme ta gueule! Du con! Ah, il était bon le petit duo là! T'as vu ça, ils ont fait ouais. Ferme ta gueule! Du ça, c'est un vrai couple, ils s'aiment. Ah ouais, vraiment. Ça c'est un bon couple, ça, c'est pas ils mal ont, ça. Ils ont senti la pourriture. Ouais, ouais, ouais, exactement, exactement. Ah, il était bien celui-là. Bon, ouais. On va en appeler d'autres tout à l'heure. Si vous avez des numéros de gens encore debout à cette heure-ci, eh bien partagez, vous envoyez ça sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Et puis on sera un plaisir de les appeler, bien entendu. Et dites-nous aussi si vous voulez qu'on écoute ça, tiens. On se met en mode chill. Pharrell Williams avec Happy qui a donc été élu par Deezer la chanson de la journée. Oui, c'était le morceau du moment. Le morceau du moment, voilà. Pharrell Williams, si vous voulez l'écouter, vous demandez comme d'habitude un hashtag et Mickaël sur le Facebook et le Twitter, bien entendu. Et en parlant de hashtag, est-ce qu'on peut faire un top tweetos actuellement pour voir qui gagne actuellement? Je rappelle qu'il y a un sextoy à gagner offert par passagedudésir.fr. Est-ce qu'on a dit qui était dans le top tweetos là, lequel on faisait gagner? Non, je ne crois pas. Bon, on fera gagner le cinquième. Ah ouais, le quatrième, c'était pas mal. Quatrième? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, parce que je crois que c'est une fille. Ah bah on s'en fout, en même temps, c'est provisoire, il est minuit 20 là. Ah oui. Bon, on fait gagner le cinquième, il faut être cinquième pour gagner le sextoy. Alors, on y va, numéro 5, si on arrêtait tout maintenant, que se passera-t-il? Numéro 5 du top tweetos. Alors, numéro 5, Fred S. Fred S, numéro 4. Alors c'est Angélique. Numéro 3. Cédric. Numéro 2. Let's be freaks. Et, oh, numéro 2, Let's be freaks, mais qu'est-ce qui lui arrive? Je sais pas. Elle perte de vitesse? Bah elle a mal au doigt, je crois. Ah peut-être. Numéro 1. Ruben. Ruben, très bien. Bon, alors allez-y, si vous voulez gagner le sextoy ou si vous voulez simplement être dans le top pour être dans le top, hein, par principe et par plaisir, vous mettez un maximum de messages avec le hashtag Mickaël, c'est aussi simple que ça. Et puis bah tout à l'heure, à 2h du mat, on fera le top tweeto, c'est aussi simple que ça également. Voilà, dites-nous d'ailleurs aussi si jamais vous avez peut-être déjà, si vous seriez intéressé de tester justement ce prolong orgasme. Combien est-ce que vous tenez? Voilà, est-ce que vous êtes déjà tombé des filles sur des mecs précoces? Si oui, combien? Mais comme on en a une en studio, tiens, Camille, t'es tombé sur un mec précoce déjà ou pas? Oui. Ah, combien attends, on entend la musique, j'entends mal. Parle bien dans le micro, prends-le comme ça, comme si c'était un gros sextoy, une grosse bite, voilà, juste devant, voilà. Oui. Voilà, donc combien de temps? 20 secondes. Oh, bah, attention, donc de pénétration, hein, pas ouais, machin, ouais, etc. Ouais. 20 secondes de pénétration. Mais 20 secondes c'est quoi? C'est 1, 2, 3 et c'est fini. Ouais. C'est bah t'es long quand même, parce que si mec, une pénétration, va et vient, qui 20 secondes, tu fais 1, 2, 3, c'est quand même très lent. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est quand même super lent. Hein. Note, les précoces en général le font. D'être lent justement pour éviter que... Et puis bon, bah, malheureusement parfois ça, c'est un drame. Mais ça peut arriver. Donc 20 secondes de pénétration. Mais ça va, pour le reste ça allait ou pas? Bah pas trop. Si ah oui, donc il y avait rien. C'était bien, tu vois. Ah ouais. Ah oui, il y avait rien quoi. Ouais. Bon, ah bah, ça peut arriver, hein, ça arrive, hein, ça arrive. Non, mais après ça peut arriver. Mais si effectivement ça arrive tout le temps, c'est compliqué. Bon, bah du coup les autres, dites-nous les filles, est-ce que vous êtes déjà tombé sur un mec précoce? Comment ça s'est passé? Combien de temps ça a duré? Et dites-nous combien de temps? Parce qu'il y a des meufs... Ah, il était précoce, ça a duré un quart d'heure. Ouais, mais ah c'est oui, pas oui, précoce oui. Ça, mec. Je rappelle encore une fois que au-dessus d'une minute, ce n'est pas considéré comme être précoce. D'accord. Alors, c'est peut-être... Eux, certes, il y en a peut-être qui auront envie de plus, c'est possible, mais au-dessus de minutes, ce n'est pas considéré comme être précoce. Bah pour plus, il y a prolong orgasme. Et pour oui, voilà, c'est ça. Après, il y a prolong orgasme. Après, mais... ça fait 11 minutes de l'image, je pense que voilà, ça commence à fumer. Hein. Voilà. Bon, après, ça dépend. Si tu fais comme toi, Tof, ou tu fais 20 secondes, t'en fais 3 allers-retours, ça fume pas des masses. Ouais, c'est vrai. Voilà. Contre, ça fume sur la croix ou pas? Et oui, bah bien sûr. Ça fait avec les bougies, ouais, avec les bougies. Ah, avec les bougies, ouais, l'accident, etc. Bon, dites-nous les filles, j'attends vos appels. 01 42 48 5000 et pour la Belgique, le 02 851 4x0 et pour la Belgique, le 02 851 4x0, comme je le disais. Les filles, les garçons, appelez-nous, on en parle dans quelques minutes. On va prendre Gladys avec nous maintenant. T'es là, Gladys? Oui. Est-ce que t'es déjà tombé sur un mec précoce? Même mon mec actuel, mais j'aimerais bien le récupérer quand même. Non, mais tu peux le dire, après, c'est pas grave, hein. On connaît pas son nom, donc on s'en fout. Jamais? Jamais. D'accord. Et la moyenne, c'est combien que t'as eu? 17. Non, je te parle pas de la taille de la bite, hein. Je te parle de, en du, temps. En temps, la moyenne, est-ce que c'est plutôt long, plutôt court d'habitude? Ah ben ça dépend. On choisit direct. Hein, et la moyenne c'est quoi? 17 cm, hein, directement arrivé en parlant de la taille. C'est dingue quand même. Bon, donc jamais de précoce. Ok, d'accord. Sandro, t'es déjà tombé sur des précoces ou pas toi? Ouais. Combien? Attends, parce qu'elle est en plein travail là. Bon, attends, parce qu'il y a ce connard qui m'appelle pendant que je travaille, il voit pas que je suis au téléphone. Est-ce qu'il aime le foot? Je calculais pas, mais en plus, moi ça me dérange pas s'il est précoce, si après ça peut repartir. Ouais mais sauf s'il est que précoce, lui c'était toujours un feignant et qui me disait oh, non, après je peux pas repartir. Est-ce qu'on l'a connu? Non. Est-ce qu'il se servait un petit verre et allait fumer une clope non, après non, non. Est-ce si qu'il vous l'avez connu, utilise des vinyles? C'était très bien. Non, non c'est pas lui. C'est pas lui. Non, bah, bah, tant pis, alors on connaît pas. Mais et combien de temps précoce, combien? Franchement, peut-être la minute et encore, hein. Attention, je rappelle que la minute. Même pas, je crois, hein, franchement, c'était. Et Dexter, le stagiaire, il est précoce, lui, apparemment. J'ai vu ça sur Twitter. Ah, si, je l'ai vu sur Twitter. On l'a vu avec Polo, on en parlait tout à l'heure. Vous avez vu ça où? Mais sur Twitter. Et tu mens, stagiaire. On disait que Dexter, le stagiaire, apparemment, était précoce. Ouais, deux secondes. Moyenne haute. Ouais. Moyenne haute, 2 secondes. Et c'est pas terrible, Dexter. Il fait froid. Ouais, c'est ça, évidemment, bien sûr. Bon, Gladys. Oui. Bon, sinon tu nous appelais pas pour ça à la base, hein, je pense en tout cas. Non. Bon, alors on t'écoute, Gladys. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'amène? Ben, en fait, je voudrais récupérer mon copain avec qui je me suis disputée pour un truc tout bête et que lui l'a vraiment mal pris et qu'il m'a dit que c'est fini, qu'il voulait que j'efface son numéro, tout ça. Bon, déjà, est-ce que tu peux, Gladys, s'il te plaît, décidément c'est la soirée, parler moins près de ton téléphone de manière à ce qu'on comprenne mieux ce que tu essaies de nous dire. Ou plus près? Non. Comment? Plus près ou moins près du téléphone? Un peu moins près. Ah d'accord, là ah, c'est bah bon voilà. Est-ce que t'as le kit main libre? Non. Le haut-parleur? Non plus. Très bien, alors c'est parfait. Bah restons comme ça, bon. C'est parfait. Voilà, donc tu t'es disputé pourquoi avec lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis un truc stupide, mais c'est-à-dire? Bah parce qu'en fait j'ai envoyé un message un week-end en lui disant que j'allais sortir. Mais c'est pas vrai, je comptais pas sortir. C'est juste pour voir sa réaction en fait. Et lui il a très très mal pris à ce moment-là. Il m'a dit que je me foutais de sa gueule, que machin. Donc du coup il m'a dit efface mon numéro. Et depuis, j'ai plus de nouvelles. Attends. T'es en train de me dire que tu sortais avec un mec, que tu lui dis, je sors pas, finalement, je sors, et du coup, comme il l'a mal pris, il a dit, efface mon numéro, on se parle plus. Non, je lui ai fait croire que je devais sortir le vendredi soir. Comme lui, il avait prévu de voir sa maîtresse, bah forcément, ça l'a mis dans la merde. Voilà, c'est ça. Ok, bah voilà, bah, j'ai compris. Mais je pense que ça aurait fait un très très bon couple pour un chéri, je peux te faire cocu. Ah ouais, là, je pense qu'il a l'air un peu chiant quand même, non? Un peu, ouais. Ouais, voilà. Et pourquoi tu veux le récupérer? C'est un casse-couille. Ben, parce que c'est comme ça. Hein. Ah, c'est une bonne raison, hein. C'est comme ça. Bah, parce que c'est comme ça, et voilà, c'est comme ça. Bah, elle bon, se dit, voilà. Tant qu'à faire, plutôt que de chercher un autre, autant garder celui-là. Voilà, ouais. Bon, ça s'appelle le confort, ça, madame. Exactement. T'as vécu depuis combien de temps? 2 mois. Ah ouais, putain, en 2 mois, il te prend déjà la tête comme ça. Ah, dégage-le. Oh, ouais, franchement, oui. Et combien de disputes en 2 mois? C'est la 3e. Non mais t'es pas sérieuse. Et laisse tomber, Gladys, c'est bon. 3 disputes en 2 mois, vous êtes déjà séparés après 2 mois pour rien en plus. Ouais. Tu sais quoi? Vous êtes un petit connard. Voilà, ouais, c'est pour lui en l'occurrence. Hein, et pour Toff. Et puis les poils de cul. Voilà, ça c'est un autre problème, c'est un autre débat bien entendu. Non, écoute, laisse tomber. Pourquoi tu vas le récupérer? En plus, il sert à rien. C'est pas possible de séparer après 2 mois 3 fois pour ça, pour ce genre de conneries. Oui. Ben parce que je sais pas, il y a eu un truc en plus comme ça quand je l'ai vu qui fait que le cœur a ses raisons, que la raison ignore comme on dit et c'est voilà. L'argent ça s'appelle, non? L'argent ouais. Parce que sinon si tu veux rencontrer un. C'est un petit connard. Il y a Toff, hein. Ben oui, Gladys, combien mesures-tu? 1m61. Combien pèses-tu? 45 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Il faut manger maintenant. 90B. Oui quand même. Et la taille des pantalons que tu as acheté? 36. Ah oui, non, moi je pense qu'il est temps que tu changes. Bonne. J'allais dire, Petoff peut arriver ce soir, mais à Avignon, ça fait un petit peu loin, il faudra remettre à demain. Oui, voir après-demain. Non, mais c'est bien, il reste où il est, c'est autant bien. Ah, il reste où il est. Le problème de l'autolib, c'est qu'il faut la recharger au moins 3 fois pour aller jusqu'à Avignon. Ouais, mais elle veut pas de toi. Oui, c'est ça, oui, de toute façon, c'est résolu le problème. Sous le pont d'Avignon, on y danse. Gladys, tu veux donc qu'on l'appelle? Oui, pourquoi pas. Et bah, tant qu'à faire. Par contre. De quoi? sans lui dire que c'est la radio. Bah, bien sûr, tu nous connais, on est toujours là pour rabibocher, hein, nous, surtout quand on une histoire comme ça où on y croit tellement. Ah, une belle histoire d'amour. C'est tellement belle histoire d'amour, en effet. Bon, il est tellement love. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, alors Gladys, reste avec nous. Si vous êtes déjà tombé sur des mecs avec qui ça s'est rapidement arrêté, comment ça s'est passé, combien de temps ça a duré, est-ce qu'ils étaient chiants, est-ce que vous étiez chiante, c'est possible aussi. Appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Gladys, tu restes avec nous. On aura Stéphanie dans quelques minutes, 31 ans du Val d'Oise. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Ça va? Ça va, et bonsoir. Mais oui, Stéphanie. Ça va bien. Bon Stéphanie, ouais. Toi t'es déjà tombée sur des mecs précoces, on en parle dans quelques minutes. Ouais. Très bien. Ah, elle dit le ouais, c'est genre désespéré. Hein. Ouais. Bon, allez, on écoute Martin Garrix maintenant au cœur de la nuit sans pub sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. On est là jusqu'à 2h du mat, c'est Wizard qu'on écoute tout de suite. Martin Garrix sur Fun Radio, on est au cœur de la nuit sans pub et il n'y a que sur Fun Radio que ça se passe. Je vous rappelle également d'ailleurs que pour la soirée de Noël, comme c'est une soirée de famille le 24 décembre, on la passera donc avec vous. Donc si vous voulez, on sera là hein, pour vous tenir compagnie, donc n'hésitez pas, prévenez tout le monde, hein, 24 décembre, plutôt que de passer Noël tout seul, eh bien vous pourrez passer Noël avec nous. Et si vous faites chier avec papy et mamie, eh bien vous pouvez aussi mettre la radio et on passera Noël avec vous. On échangera d'ailleurs des cadeaux hein, si vous avez reçu un truc de merde et que vous voulez l'échanger contre autre chose, ce sera avec grand plaisir. Donc si vous avez, je sais pas moi, par exemple, je sais que toi rêverais d'avoir une paire de chaussettes faites main. Ah non, moi je rêve d'avoir une croix. Oui, une croix, bah, tu l'as déjà ta croix, arrête ton cinéma. Une croix en aluminium, voilà. C'est pas la mienne. Ouais, c'est pas la tienne. Je la veux en bois, tu sais, bon vieux bois patiné avec les attachants en cuir. Et derrière la croix, vous mettez un petit trou, comme ça il peut se faire enculer. Non mais ça marche pas parce qu'elle est posée sur un mur. Combien de fois je vais devoir vous l'expliquer? Mais non, mais justement, tu la mets, tu sais, posée genre comme un feu rouge, tu vois, au plein milieu, ça tient. Mais oui, mais comment tu veux que ça tienne? Comment ça tient? Comment ça? Tu la fixes, ouais, tu la fixes au sol. Oh là là. C'est un truc solide. Et tu vois, avec Polo, on t'a construit une. Chiche. Oh, quelle horreur. Chiche, on la mettrait là dans le studio. Ah, oh, quelle horreur. Bon, il y a Romain qui dit: pouvez-vous souhaiter la bienvenue comme il se doit à ma copine? En échange, je dirais du mal de Toff. Avec plaisir. Alors, un petit message de bienvenue pour la copine. Alors, attends. Je te rends culé. C'est pas mal. Il y a DJ Comac qui dit grâce à Mickaël il se passe enfin quelque chose à la radio. Bah c'est surtout grâce à vous hein, tout seul on ferait un peu chier quand même. Le prince qui dit: moi je m'appelle Nadia Yvette Geneviève, vous avez le droit de rire. Non, par respect, nous ne ferons pas ça. Félicia également qui dit: l'avant-dernier que j'ai eu, je l'ai à peine touché. Ah oui, c'était par rapport au précoce. Je l'ai à peine touché que c'était fini et après il a même voulu continuer. Il a même pas voulu continuer, je suis dégoûté. Bon attends, il a raison, c'est bon, le mec il a eu sa dose. Bah, il a fini. Il a fini hein. Voilà, c'est ça. Il y a Martin aussi sur l'application iPhone qui est disponible pour les iPhones, pour les iPods. Également gratuitement sur iTunes. Tapez Mickaël No Limit pour télécharger. Vous faites taper des barres les gars, vous déchirez, big up à toute l'équipe. Merci Martin. Et je rappelle que vous pouvez aussi laisser une évaluation sur l'application. Si vous la trouvez cool, vous mettez bien. Si vous la trouvez pas cool, bah vous mettez pas bien. Non, vous mettez bien. Bah vous mettez bien aussi. Je tiens 5 secondes, c'est DJ Comac et Léo, encore une fois depuis l'application, qui dit: salut, moi c'est Léo. Je peux pas vous écouter, mes parents m'ont pris la radio car à force de me coucher tard, j'ai des mauvaises notes, mais je m'en fous. Oh, c'est bien Léo. Et Skin Charabi qui dit: mon pote a un frère qui s'appelle Anouzo. C'est pas mal non plus ça. Ah oui. Et puis on a également, bah ouais, et puis on a le retour de Stéphanie. Steph là qui nous avait appelé parce que elle est tombée sur un mec un peu précoce. Un peu, ouais, beaucoup même. Bah alors, c'est-à-dire? Bah en fait, j'ai rencontré un mec, on est sortis une ou deux fois ensemble, et puis un soir, je lui dis: bah écoute, monte-moi un dernier verre. On a commencé à se chauffer. Au bout de quoi, 10 secondes, il me regarde, il me dit: je suis désolé, j'étais désolé de quoi? Il me regarde, il me dit: bah j'ai fini, ça y est. Ah oui, ah oui, c'est con. Ah oui, c'est... Je suis ok. Et toi, du coup, tu te retrouvais avec... heureusement que nous vous offrons tous les soirs des sextoys offerts par... Passage du désir.fr. Oui, d'ailleurs, il est très bien celui que j'ai reçu. Ah, tu l'as reçu? C'est lequel que t'avais, oui, que t'as reçu? Le magnifique. Ah, Gilbert, le magnifique. Ah, ouais, comment tu fais? Tu le prends et après tu fais quoi avec? Ah, l'autre, il est pervers, mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse avec? Elle va pas le regarder. Qu'est-ce que je fasse avec? Je sais pas, je te pose la question, tu peux répondre. Je me mets dans le huc. Et ben voilà. Bah voilà. Caution, va. Et tu fais comme tu veux, hein, y a pas de problème. Tu es sale. Bon, et donc du coup, tu t'es frotté un petit peu à lui, ça a duré 10 secondes et puis après il avait lâché la purée, quoi. Ouais, grave, abusé. Je lui dis: bah c'est pas grave, on va attendre un peu, on va recommencer. Il me dit: non, c'est mort là maintenant. Ah bah non, moi je suis fatigué, qu'est-ce que tu crois? Il va pas te chier. C'est un truc de ouf. Ah bah, ça, quand attends, même. Moi c'est pareil, hein, j'ai joui, je me casse. Hein. Mais ça m'étonne pas. Non, bah oui, quoi. Surtout si j'ai joui sur la croix. Ah bah oui, évidemment. Donc d'accord, ok. Donc Gilbert le magnifique que tu as reçu, qui fonctionne bien, tant mieux. Écoute, j'ai envie de te dire, c'est cool. Et t'es déjà tombé sur des mecs à l'inverse, super lents? Bah en général ça va, c'est correct quoi. Correct, mais c'est quoi correct? Bon, une petite demi-heure, trois quarts d'heure, quoi. Quoi ? De l'image ? Bah non, de tout, quoi. Non, attends, parce qu'il y a une différence entre... Donc, il faut savoir que le précoce, c'est au niveau de la pénétration. On time en, au niveau de la pénétration. Donc, si tu me dis que tu tiens 30 à 40 minutes pour toi, c'est bien, de pénétration, je veux dire, il y a un moment, c'est quand même long, hein. Bah non, c'est pas long. Tu changes de position, machin... Oui, mais long, tu fais des pauses. Tu fais des pauses. Oui, mais voilà, moi, je te parle de non-stop. Après, oui, même 30 minutes, t'es sérieux. Le dernier en date que j'ai eu, ni une demi-heure, quoi. Non mais, c'est, non, mais d'accord, ok, mais c'est pas parce que tu tombes sur des mecs qui ont peut-être parfois une queue de 25 cm que c'est la moyenne. Je veux dire, ça peut arriver, mais c'est pas normal. Enfin, tu vois. Mais non, mais cette fois, j'ai pas dit que c'était une généralité. C'est juste que le dernier en date, voilà, quoi. Voilà, non, mais parce que je te disais, c'est quoi ce qui est bien pour toi? Tu dis une demi-heure, trois quarts d'heure. Ce qui est quand même. Ouais, j'ai bien aimé, c'était bien, quoi. Ah ouais, moi, j'ai toujours entendu au contraire que plus c'est long, plus c'est chiant. Enfin, tu vois, c'est. Sauf si ça tu t'arrêtes, tu recommences, tu fais des trucs, mais je veux dire, 30 à 40 minutes de l'image. Oh c'est oh, ça chiant. Enfin, tu, pas, tu changes de capote au bout d'un moment parce que bah ouais, parce qu'elle est usée dessus, quoi. Ouais, c'est ça, elle doit être usée complètement. Attends, il y a sur la Formule 1. Ouais, c'est ça. Ouais, tu passes dans les pneus, tu passes au pit stop, tu t'arrêtes. Bon, il y a Sarah également qui est avec nous. Saint-Chamond, c'est 26 ans. Sarah, comment ça va? Ça va et vous? Oh, Saint-Chamond. Oui. Pourquoi? Dis du Coca-Cola. Non, je dis pas. Je l'ai déjà dit la dernière fois. Ah, pourquoi? Parce qu'ils ont un accent bizarre. C'est à côté de Saint-Étienne. Apparemment, ils disent. Là, tu dis qu'ils disent Coca-Cola. Voilà, c'est ça. Ah bah, tu viens de le dire d'ailleurs. Non, je vais imiter. On dit Coca-Cola. Non, tu te forces. Ouais, tu te forces un peu. Mais c'est pas grave. Bon, alors, Sarah de Saint-Chamond. Donc, toi, t'es déjà tombée sur un mec précoce? Oui, mais c'est pas pour ça que j'ai appelé. Ah bon, bah t'as appelé pourquoi alors? Non, c'est pour dire bonjour. Ah, non, pour là, Gladys. Pour dire bonjour, oui, mais je suis tombée sur un mec précoce aussi, par contre. Ah bah alors vas-y, tant que t'es là, on parlera avec Gladys en après. En fait, moi j'étais au bal des pompiers et... Ah bah oui, les pompiers, évidemment. Et en fait, donc du coup, j'étais avec un pompier, donc il m'a dit, viens, je te fais visiter la caserne et tout, donc voilà, j'étais avec lui. Et toi, t'as été assez stupide pour le croire, Sarah. Bah oui, ça... Parce que à quel moment tu dis, viens, et je vois avec la version de Gilou. Viens, je vais te faire visiter la caserne. Je te montrerai ma lance d'incendie. Et tu seras les seins et tout. Sarah, non, tu veux venir visiter la pompe à incendie? Mais oui. Oh, tu aimes le sperme? Voilà, attends, je vais demander au père de mes fils. Non, au père de mes enfants. Je vais faire pleurer le père de mes enfants. Je vais faire pleurer le père de mes enfants. Ah oui, après tu prends mon chemin et puis tu guides. Bah, mais je voulais savoir, Sarah, tu veux pas que je te fasse visiter la radio? Ah oui, ça je veux bien. Ah, combien mesures-tu, ah oui, Sarah? Ça marche tout le temps, ouais. Combien mesures-tu, ça? 77. Combien pèses-tu? Elle est grande. 55 kilos. Ah, il faut manger maintenant aussi. Bon, je ne grossis pas. Oui, bah, enfin, mange encore un peu plus. Reste comme ça. Quel est ton tour de poitrine? 85 B. Quoi? B. 85 B. Ah, B comme Bénédicte. Voilà. Très bien. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36. Je te fais la visite quand tu veux. Oui, mais y a pas de problème, je te montrerai dans le bureau, nous mettrons une croix. Je viens de la commander à l'instant sur ce discount. Non, Polo m'a promis qu'il allait me la fabriquer. Avec du cuivre. Ça va être bien, tiens. Ça va être top. Bon, Sarah. Oui. Bon, et donc du coup, il a tenu combien de temps le pompier? Franchement, ça a duré deux coups, une fois, deux fois, il est venu. Ah ouais, ah oui, c'est... Il avait la lance facile. Il s'est excusé. Il m'a dit excuse-moi, ça m'est jamais arrivé, c'est la première fois. Voilà, je dis, même moi, c'est la première fois. Non mais ça peut arriver aussi, c'est vrai que ça peut arriver. Ouais, tu l'as trop excité. Le fait c'était le bal des pompiers et plein de filles, là les pompiers étaient tous torse-nus. Donc après peut-être ça a joué ce jour-là, mais après. Mais après ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé aussi d'être super court, c'est arrivé. Qui s'est pas arrivé? Non, mais en même temps, s'il a fait visiter la caserne à plusieurs gonzesses, tu m'étonnes qu'au bout d'un moment, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Mais non, parce que justement, au contraire, s'il avait fait visiter à plusieurs gonzesses et qu'il s'était tapé toutes les meufs, c'était justement... C'était la première, elle. Ah, c'était la première. Non, je suis partie, j'étais 6h du matin, il n'y avait que moi dans la caserne. D'accord, partie, ok. Merde. Parce que je rappelle le conseil pour tous ceux qui n'ont pas encore testé ou qui voudraient tester, tu sais, genre avec la meuf du bahut, tu sais, la plus mignonne, etc., et qui sont un peu excités, ne jamais y aller le pistolet chargé. C'est mieux. Je dis ça, c'est pour aider. Non mais c'est vrai, ça peut aider. Pourquoi tu me regardes comme ça? Mais parce que tu me regardes, donc... Bah oui, je te regarde là, t'es derrière la vitre. Quoi, t'attends une réponse? Ah non, non, mais je voulais savoir. Bon, donc ne pas y aller le pistolet chargé. Moralité, branlez-vous avant, au moins vous êtes sûr. Qu'est-ce que j'allais dire, Sarah? Oui. Et donc du coup il s'est excusé, tu l'as revu encore après ou pas? Non, il m'a rappelé, il a voulu que je revienne à la caserne et je lui ai dit non, c'est mort. Mais j'ai oublié de te faire visiter une pièce. Oui, attends, je vais te montrer notre lance. Il m'a dit, après il m'a dit non, mais on peut être amis. Il dit, non, non, il n'y a pas d'amis qui tiennent. Alors, t'as vu, t'as été précoce, enculé. Tu m'as mal baisé. Enfoiré, voilà, c'est ça. Bon, non, mais il faut pas déconner quand même, les pompiers ça doit être au top. Tout le temps. Bah, moi, c'est ce que je pensais, donc du coup... Du coup, t'as été déçu, je conçois. J'ai été déçu. Bah oui. Bon, Sarah, reste avec nous. Tu voulais réagir à Gladys, qui veut récupérer son ex, ne bouge pas. Il y a Tony qui voulait parler des précoces également. Salut, Tony. Salut. Salut, ça va? Ouais. Tranquille. Bon, alors, Tony, vas-y, au niveau des précoces, toi, c'est toi qui... Ça t'est arrivé, toi, précoce, ou au contraire, bah, ça n'en est pas? Ouais, bah, des fois, ça dure 5 minutes, comme ça dure 30 minutes. Mais 5 minutes, c'est pas précoce? Bah ouais, mais je trouve que c'est peu quand même. Non mais, que tu trouves que ce soit peu, c'est une chose, mais ce n'est pas précoce. Je rappelle, encore une fois, qu'au-dessus d'une minute, ce n'est pas précoce. Tout va bien. Ouais. Mais oui, mais c'est ça, c'est pas parce que... Non mais attendez, il y a aussi le truc, il faut remettre l'église au milieu du village. C'est pas parce que vous voyez dans les films de cul des mecs qui soi-disant font ça pendant 3 jours non-stop, ouais, mais que ça existe vraiment. Ça, c'est des conneries ça. Voilà, en plus, on est d'accord. Monté. Et en plus c'est monté, donc voilà, il faut... En fait, faut savoir que dans un film de cul, ils tournent la scène d'abord où ils éjaculent et après ils font le reste du film. C'est possible, je t'avoue, je n'ai jamais assisté à un film de cul, je veux bien le croire. Mais bah, je ne suis pas convaincu par cette histoire, mais... Non, mais des fois, je trouve ça gênant, quoi. Non, mais d'accord, non, mais gênant, mais... Mais t'as déjà eu des réflexions des meufs ou pas? Bah, non, mais je pense qu'à mon avis, ça leur gêne, et puis, bah, voilà. Bah, faut leur demander. Mais tu sais, après ça dépend ce que tu fais, c'est sûr que si t'arrives, et que tu fais que la pénétration... Bah oui, forcément, après une minute, c'est un peu chiant, mais si tu fais plein de trucs autour et que tu as les préliminaires qui vont bien, et qu'après la pénétration est certes un peu courte, bah c'est peut-être pas grave non plus, tu vois, mais si t'arrives et que tu fais que le minimum syndical, oui, bah après une minute, tu te fais chier. C'est les seins. Ouais, exactement, oui, tu peux effectivement demander à Gilou, hein. Tu pourrais pas me toucher un peu le... Un peu le, tu vois? Non mais voilà. On va faire l'amour, voyons. Eh ben voilà. Non mais voilà, il faut... disons que si vous savez que vous avez tendance à être un petit peu précoce, au niveau de la pénétration, bah mettez le paquet sur les préliminaires. Non mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Effort. Non mais faut faire des coupures. Fois, des fois, ça dure plus longtemps quand on... Mais faut faire des mi-temps. Ou penser à Toff. C'est ça, tu penses voilà, à Toff. En fait, donc alors imagine, t'es en levrette avec ta meuf, oh. Tu penses que c'est Toff. Ah, moi je peux vomir. Moi je peux le vomir dessus. Et là le mec il part en courant. Ah c'est non, clair, c'est sérieux, c'est le truc à tout casser ça. Ah mais ouais, non mais oui, mais bon, tu sais, parce que parfois quand si t'es précoce, faut parfois penser à d'autres trucs pour je sais pas moi, te changer l'esprit. Et donc voilà, tu prends ta meuf en levrette et puis tu penses que c'est Toff. Ouais, mais on est d'accord, mais penser à Toff en même temps, voilà quoi. Ah ouais, mais faut ce qu'il faut. Hein. Ah, du coup, à ne plus bander du tout ça. Ah bah ouais, mais bon, il faut ce qu'il faut, c'est-à-dire que vous êtes en train de râler parce que ça dure pas assez longtemps et quand on trouve une solution pour que ça tienne plus longtemps, vous râlez encore. Ouais d'accord, mais s'il bande plus ça sert à plus rien. Oui c'est pas faux effectivement. Bon enfin bon, mais essayez des pour pauses. Voir. Faites des pauses, bois un peu d'eau. Voilà c'est ça. Mange un sandwich et le dos, tu sais, en levrette, le dos est là. C'est comme sur l'autoroute. Après 2 heures il faut s'arrêter. Bah voilà. Là aussi, tu sais, après 2 minutes tu t'arrêtes. Meuf voilà. Dit mais qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais boire Attends, un verre, j'arrive. Je vais vite, je vais vite. Le mec qui se fait une tartine de jambon beurre. Et puis je reviens, bouge pas. Ouais, c'est une idée, ouais. Pourquoi pas, ça peut être drôle. Avec le beurre partout, là. Là. Bon, et ben merci Tony. Du coup, t'as trouvé une solution ou pas, toi, au fait? Bah, non, du tout. Et tu devrais essayer, là, le... Merde, comment il s'appelle encore ce truc, là? Le prolonge orgasme. Prolonge orgasme, ouais. Et quoi? T'es sérieux, là? T'écoutes rien de ce qu'on te dit, Tony, en fait. T'écoutes l'émission depuis quelle heure, là, ce soir? Depuis 20h. 20h, oui, bon, enfin, on commence à 23, mais bon, c'est pas grave. Non, mais c'est bien aussi, il faut écouter les autres émissions, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on appelle des gens depuis tout à l'heure pour essayer de leur refourguer le prolonge orgasme. C'est une espèce de petit appareil qui permet, en, a priori, 6 semaines, de tenir jusqu'à 11 fois plus longtemps. C'est-à-dire que là, t'es à 5 minutes, tu pourras faire 55 minutes, mais 1 heure. Ah bon? Ah ouais? Ce serait cool, ça, non? 1 heure. Bah ouais. Ah bah ouais. Bah ouais, bah ouais. Ah ouais. T'as pas l'air plus motivé que ça, hein. Bah si, pourquoi pas. Non, non, mais si tu t'en fous de tenir plus longtemps... Bah en espérant que ça marche, oui, non, bah ça c'est une certitude, évidemment. Mais bon, on sait pas encore, on va essayer avec Toff. Ouais, enfin, ça va devenir long, là, hein, parce que si je multiplie par 11... Mais arrête ton cinéma, tous les gens avec qui on a parlé, toutes tes ex, elles disent que t'es un peu rapide. Ouais. Et là, il va dire l'inverse maintenant. Mais je ne me souviens pas d'une ex qui a dit que j'étais pas rapide. Mais si c'est comme la croix, d'accord. Non. Eh oh, la croix, je suis. Attends, on va demander à Camille qui est passée le voir. Est-ce que t'as bien entendu que. Alors, qu'est-ce que t'as entendu, comme ça je ne t'induis pas en erreur, avec son histoire de croix? Bah, il a dit qu'il aimait être attaché dans une cave sur une croix et après se faire enculer. Voilà. Eh ben voilà. Eh, je l'ai pas induit en erreur. Quel non, mytho. Mais c'est vrai. Parce que non, c'est pas vrai. Non, là on aurait pu dire. Ouais, c'est bon, monsieur Mickaël a dit ça, donc elle a répété. Là, j'ai fait exprès de ne rien dire. Arrête, elle est là depuis le début de l'émission. Elle a dit 2000 fois depuis 23 heures. Ça fait 4 jours. Enfin, je sais pas combien de jours ça fait, mais ça fait longtemps que tu l'as dit quand même. C'est ça. Voilà. Et en plus, là, elle est arrivée. Il y a quoi? Il y a un quart d'heure. C'est ça? Oh, les deux. Oui. Oh, les deux mythos là. Mais non, Polo, elle est arrivée à combien de temps? À combien, tu m'as dit? Il y a un quart d'heure. À peu près, ouais. Voilà. Donc c'est incroyable. C'est dingue de pas assumer comme ça les choses. Mais si, droit, moi mais... j'assume, c'est ça le problème. Mais non, bah non, t'assumes pas, c'est si, pas grave. J'assume, il y a plein de gens, plein d'auditeurs qui viendront sur Twitter, oui, qui diront que c'est pas vrai, n'importe mais tu les liras pas. Quoi. Je peux t'enculer. Voilà, bah il aimera bien sur sa croix. Hein, une croix en X, je tiens à le rappeler, bien entendu. Donc bon, voilà. Eh ben oui, bon, enfin, c'est pas grave. Mais ben c'est pas grave. Et c'est bien que t'assumes les choses. Mais moi j'assume, non, bah, je suis fait sur une croix, y a pas de problème. Après, si vous avez des fantasmes de sodomie, ça vous regarde. Ouais. Surtout Polo avec Stéphane. Oui, bah ouais. Bon, Tony, merci beaucoup d'être passé en tout cas. Et puis, bah, essaye des performances. Est-ce que je peux avoir un pack fun, s'il vous plaît? Donc tu préfères avoir un pack fun plutôt que j'allais te donner une solution pour tenir plus longtemps? Eh bah d'accord, bah très bien. Eh bah d'accord. J'allais dire, utilise les capotes et Durex Performa, il paraît que ça marche. Enfin, non, il paraît pas, ça tient mieux. Ça cartonne. Ah oui, ça tient beaucoup plus longtemps, les Performa. Ok, je peux passer une petite dédicace vite fait? Pas les couilles, mais un truc de ouf, c'est dingue. Non bah alors vas-y, hein. En même temps, quitte à s'en battre les couilles, autant faire un truc dont tout le monde se fout la dédicace. Dédicace à Nico, mon pote qui m'écoute. Très bien, et bah écoute, y a pas de problème, on l'embrasse aussi. Salut, Tony, à bientôt, hein. À bientôt. Salut, il y aura Sarah dans un instant. Stéphanie, bah merci beaucoup d'être passé, hein. Merci, tu pourras me repasser sans bras, s'il te plaît. Oui, pas de problème, je te la repasse maintenant au standard, sans problème. Merci. Salut, à bientôt Stéphanie. À bientôt. Retour avec Gladys qui veut récupérer son ex, Sarah qui voulait réagir également par rapport à Gladys. Et puis bah vous en direct, hein, si vous voulez nous appeler, n'hésitez pas, on va encore faire d'autres appels avec Toff là dans quelques minutes. Et puis on a pas la bourre, on va se faire les teubés de la télé également là maintenant, là c'est sur le service public, où on a eu droit à une vanne bien graveleuse de Sébastien Follin. Vous allez quand même faire votre bûche pour Noël? Souvent, presque tous les Noëls, je fais ma bûche. À quel parfum? Elle est bien appréciée quand même. Peux venir? Si vous voulez. Là, je commence à saliver. Si vous voulez, pas de problème. En général, elle est trop grosse. On me dit toujours ça. Ouais, voilà, c'est du graveleux. Hein. Ouais. Et puis on est resté... Service public. Ouais, on reste dans la poésie, évidemment, dans Touche pas à mon poste, cette fois-ci, attention. Il y a Marion qui dit, moi, le chou-fleur, je l'aimerais bien cru sur le corps musclé de Jean-Michel Maire. Oh. Ah. Je l'attends. Je fournis la béchamel. Eh oui, grande classe également, Touche pas à mon poste. Et puis si on vous dit qu'il fallait savoir parler français pour faire de la télé, eh bien, on vous a totalement menti. Mais elle est revenue alors qu'elle a été éliminée à la bouche bée. Tout le monde. Ah non, mais c'était quelque chose. À la bouche bée. À la bouche bée, tout le monde. Ah bah ça alors. À la bouche bée, mais alors tout le monde. Ça se dit pas? Oh, je suis pas sûr. Non, bah je confirme, ça se dit pas. À la bouche bée, tout le monde, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Bon, on écoute Drake. Allons-y. Pareil, pas mal. Et puis on écoutera aussi Pharrell Williams et Happy, puisque vous avez été nombreux à le demander. Et comme on l'a pas mis hier. Eh ben on le remet. Bah on va le remettre, exactement. Hold on, we're going on. C'est maintenant sur Fun Radio. Il est 8h50, on est en direct jusqu'à 2h. Bienvenue tout le monde. I got my eyes on you. Le son de Drake à l'instant sur Fun Radio. Hold on, we're going on. Et on écoutera tout à l'heure aussi le son de Zid avec Stay the Night. C'est ce qui va passer tout à l'heure. Et puis je vous demandais si vous vouliez écouter le son de Pharrell Williams. Voilà, donc si vous voulez écouter le son de Happy Pharrell Williams, vous demandez un hashtag Mickaël, n'hésitez pas. Il y a Angelina qui a envoyé un message qui dit aussi si t'es précoce, t'es précoce, c'est tout. Même une photo de Toff en maillot de bain n'y pourrait rien. Mais non, c'est fou ça, parce qu'après, alors ça dépend, parce qu'il y a plusieurs problèmes de précocité. Il y a le côté technique, et puis après il y a le côté mental. Ouais. Il y a le côté mental, après il y a des mecs aussi qui sont pas forcément précoces, mais qu'ils deviennent parce que ils sont tellement excités de... Enfin, ils se disent, ça y est, je suis en train de pénétrer une fille, que en fait, psychologiquement... Ils s'emballent le cerveau. Voilà, ouais. Ils s'emballent. Ou alors, pire, t'as ceux... Qui, ouais. Ou alors, t'as pire, t'as ceux qui disent, fonctionne. Et à force de se le dire, en fait, c'est mort. Tu vas directement dans le mur. Ça, bah, c'est oui. sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi comme truc? Il y a... bah, il y a ceux qui ont raté leur coup une fois et depuis... Blocage. Et, non, mais depuis, ça arrive tout seul, en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, comme ils ont raté leur coup une fois, ils ont peur que ça arrive... Les fois suivantes, et ça arrive, puisqu'on pense qu'à ça. Mais ouais, parce que plus tu te concentres en disant je veux pas jouer, plus ça part vite. Voilà, c'est ça. Donc, après, apparemment ça arrive aussi, mais ça c'est le côté technique, enfin c'est le côté physique plutôt. C'est quand vous étiez petit, par exemple, quand vous, je dis ça à ceux qui nous écoutent maintenant, peut-être sous la couette là, quand vous vous branlez, il y en a beaucoup qui le font super rapidement pour éviter de se faire griller, et du coup, en fait, ils apprennent à. Il est. Comment l'expliquer? Ah ouais, aller vite quoi. Ils apprennent à aller vite, puisqu'ils essayent de le faire rapidement. Avant ouais. que papa maman rentre ou n'importe quoi, et du coup ils apprennent comme ça et c'est la merde. Donc voilà, il faut prendre le temps de se branler. Mais oui ce n'est pas ça, pas la pause club, la pause branlette. Exactement. Stéphanie qui dit ma mère s'est inscrite sur Twitter, je peux plus dire de conneries, ça va être dur. Merde, vire là Stéphanie. Et Jellico aussi sur l'application iPhone et iPod qui dit penser à sa belle-mère pour pas jouir, c'est radical. Ah, et ça dépend, parce que Toff apparemment est déjà tombé sur des belles-mères qui étaient plutôt bonnes, voire même peut-être même mieux que la fille. Ça m'est arrivé une fois, ouais. Où, franchement, je suis rentré avec la belle-mère chez elle et je me suis dit putain, j'aurais dû serrer la fille. Ou l'inverse. C'était l'inverse, ouais. Ouais, donc c'est ça, et je suis rentré avec la fille et je me suis dit ouais, j'aurais dû me serrer la belle-mère. T'es un con quand même. Pourquoi? Bah rien, mais... Attends, quand c'est JB, on le félicite et moi non. Non, mais ça n'a rien à voir, c'est autre chose, c'est un autre mot, c'est une autre époque. Ah pardon. C'est pas pareil. Autant pour moi. Mais oui. Bon, on va appeler... Ah oui, putain, on devait appeler le marabout là. Ah bah appelons-le. Celui... Alors, il est où le petit papier là? De miraculeux. Attends, mais non, mais c'est un mec de ouf. Attends, on va appeler le marabout là. On en avait parlé avant-hier, on l'avait trouvé quand on était à Montpellier. Et donc on tombe sur une fiche à Montpellier, donc c'est nouveau à Nice. Réparation de votre PC par télépathie. C'est Mamadou qui propose de réparer ça, donc ça c'est quand même fort. Oui, attendez, ouais. Je me concentre. Voilà, il est réparé. Authentique mage vaudou, ce sorcier mondialement connu. Vous n'avez jamais entendu parler de monsieur Mamadou. Connu dans le quartier, hein, mondialement connu dans le quartier. Réparera votre PC par télépathie sans qu'il soit nécessaire de vous déplacer. Son pouvoir est tel qu'il sera capable de réparer les secteurs défectueux de votre disque dur. Voilà. Il peut également soigner les problèmes d'érection. Bah justement, c'est tombé, on est en plein dedans là. Et rendra votre voisine amoureuse de vous. Paiement d'avance, 100€ par carte de crédit. Résultat garanti. On va l'appeler. Voir. Bah oui, attends, on va l'appeler Mamadou là. En plus, nouveau à Nice, et là, c'est bien, mondialement connu dans votre quartier. C'est énorme. Très, très fort, quand même. C'est un génie. Bon. Il devrait écrire des... Allez, on l'appelle. Pour le cinéma. Attends, on va l'appeler. Qu'est-ce qu'on va lui poser comme question? Mais c'est que ça doit marcher, le pire, puisqu'il y a beaucoup d'annonces. Oui. Veuillez consulter le service des renseignements. Ouais, genre, le numéro, il marche plus, tiens, comme par hasard. Attends, on a quand même vérifié. Quand même vérifié que c'est bien le bon numéro. Hein. Ah oui, c'est le bon numéro, ouais. Ah ouais, donc ah putain ouais, il est en taule, il a déjà fermé. Ouais, à mon avis il a fermé la boutique. Mais quel connard, t'as vu ce qu'il met là? C'est genre il peut votre voisine devient amoureuse de vous. Ah bah génial, je vais aller voir Mamadou. Non mais le pire c'est même pas quand le temps la voisine, parce que ça encore psychologiquement il peut se passer un truc. Mais l'ordinateur, le mec il répare quand même l'ordinateur à distance, ça c'est quand même beau. Ouais, enfin après il y a plein de mecs qui font ça, mais lui il le fait par télépathie. Mais c'est ça, non mais par télépathie. C'est ça. C'est là, il pense, il se concentre et l'ordinateur va refonctionner. Exactement, ouais. L'ordinateur remarche, c'est le top. Christophe qui dit, faut pas oublier que c'est Polo le gay. Je vois pas le rapport, je sais plus ce qu'on a dit. Si, c'est par rapport à la sodomie. Ah ouais. Et Cédric qui dit, Sarah, fais gaffe si tu visites la radio au local à cadeaux, lol. Et Laurie aussi qui dit, je peux pas envoyer de SMS, mais par rapport au sujet des précoces, mon ex durait vraiment pas longtemps, il était vraiment très gêné. Après, ça peut durer longtemps. Oui, alors le problème aussi, c'est vrai qu'on va peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail, mais ça peut arriver aussi, les filles, faites gaffe, et pareil pour les mecs, c'est quand le mec se rend compte qu'il est précoce, enfin la fille se rend compte aussi à un moment ou à un autre, c'est que du coup, il y a peut-être tendance à moins vouloir... faire l'amour, parce que tu te dis bon pff, ça va encore être de la merde, elle va encore râler parce que je suis mauvais machin, donc on a tendance, enfin le mec a tendance peut-être à plus le faire. Ah oui, tu vois ce que je veux dire, c'est relou. Oui. Bah oui, du coup la meuf après se dit il le fait plus, il a une autre meuf, il et puis après plus, bon, ça part en couille. Donc parlez-vous en fait, hein, finalement je pense que ce sera beaucoup plus facile pour tout le monde. Bon, Gladys, on va récupérer Sarah aussi, Gladys, t'es encore là? Oui. Bon, on va d'abord faire un petit appel encore avec Toff là pour essayer de refourguer la petite machine, hein, tant qu'à faire. Hein. C'est Bon. De quoi? Non, non, rien. Ah d'accord, le prolong orgasme. Allons-y. Donc, on essaie de, voilà, on essaie de refourguer ça depuis tout à l'heure. Alors c'est parti. Merci en tout cas à tout le monde, hein, pour tous les numéros que vous avez envoyés sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Allez, c'est parti, bouge pas, on te reprend dans un instant et on appelle maintenant. C'est parti. Allô ? Oui, bonsoir madame. Bonsoir madame. Oui, monsieur. Voilà. Oui, voilà, en fait, je vous appelais au sujet des petits problèmes d'érection de votre mari. Oui, attendez, j'ai pas suivi, je suis en train de regarder. Oui, non, je disais, je vous appelais au sujet des petits problèmes d'érection de votre mari. Je baisse le son, monsieur. Oui, c'est une bonne idée. Télé. Voilà. Comme ça, je vais mieux vous entendre. J'espère. Alors, dites-moi. Non, je disais, je vous appelais au sujet des petits problèmes d'érection de votre mari. Allez vous branler, monsieur, c'est hier mieux. Faut pas le prendre comme ça, monsieur. C'est madame, non? Je sais pas, j'ai pas bien suivi, donc... C'était madame. On rappelle. Allez, hop. Allô. Oui. Allô. Oui, excusez-moi, mais faut pas le prendre comme ça. Va te branler, salope. Non, mais excusez-moi, mais faut pas le prendre comme ça, monsieur. Va te branler, salope. Salope. On rappelle. Je pense qu'il peut nous mettre un bon level là, je pense, non? S'il décroche en tout cas. Va te branler, salope. Oui, excusez-moi, mais faut pas le prendre comme ça, monsieur. Non, c'est des conseillers, mais écoutez, elle répond pas. Ouais, bah t'as bien fait. Allô? Non, qu'est-ce que tu n'as pas maintenant? C'est pour la réaction de notre mari, mais pour aller salope, j'ai dit en formule. Et t'es content, il est fier en plus. Oh là là. Eh hey, bah t'as vu, je lui dis, va le branler, salope. Ouais, je lui dis ça, salope. Enculé, ouais. Sale connard. Bon, bah tant pis, on arrivera toujours pas à vendre ce truc. Hein. Putain, déception totale. Des problèmes d'érection, je sais pas. Gladys ? Oui ? Ah, ça va. Non, je voulais savoir si on te dérange pas. Non, non, non. Parce pourquoi que sinon on te laisse à l'antenne et puis nous on sort, on va boire un petit verre. Comme je voyais que t'étais en train de... Pas. Oui, mais il y a une preuve d'érection. Bon, Gladys, à qui tu parles ? À une pote à moi. D'accord, ok, très bien. Bon, Gladys, il y a Sarah qui voulait réagir puisque toi, tu... Bah, t'as plus de problème d'érection avec ton mec, hein, puisque de toute façon, tu n'as plus. Et ouais. Donc, Gladys qui veut récupérer son ex alors qu'ils sont ensemble depuis 2 mois, ils se sont déjà séparés 3 fois. Ce qui est beau quand même. Et que la dernière... c'est... Gladys, coupe le haut-parleur. Enlève le haut-parleur et coupe la radio, s'il te plaît, Gladys. Gladys ? Allô ? Voilà. Oui. Oh, est-ce que c'est possible de faire autant de bruit avec le téléphone ? En fait, je la vois bien avec le téléphone fixe et repasser le combiné pour c'est entendre. Ça. Donc, pas de kit main libre et pas de haut-parleur pour qu'on vous entende bien, voilà. Gladys. Voilà. Bon, donc du coup, la dernière fois que ça c'est que vous êtes séparés, c'est parce que tu lui avais fait croire que t'allais sortir et qu'en fait, finalement, t'es pas sorti. Voilà, c'est ça. C'est improbable. Depuis, il a dit, bah, oublie-moi, enlève mon numéro de temps. À la limite, l'inverse, je peux concevoir. Le mec, il dit, la meuf dit, non, mais je sors pas. Donc, lui, peut-être qu'il prévoit un truc. Ouais. Bah, finalement, je sors. Je dis pas que ça vaut le fait de séparer, mais je veux dire, je peux comprendre qu'il tire un peu la gueule. Mais l'inverse. Je crois bon, bah, écoute, je sors. Mais finalement, je sors pas, je t'attends. Quoi? Quoi? T'as mangé une pomme? Enlève. Enlève mon numéro de ton téléphone, connasse. C'est un truc de fou. Bon, et donc du coup, Sarah qui appelle de Saint-Chamond, pardon, qui voulait donc réagir et qui voulait donner son avis également. Alors, nous t'écoutons, en fait, Sarah. Moi, ça m'est déjà arrivé, en fait, avec mon copain. Et donc moi, c'était au bout de 5 ans de relation. Donc en fait, si tu veux, un soir, j'ai fouillé dans son téléphone. Ouais. Et c'est mal. Ben, j'aurais dû fouiller. J'avais eu raison de fouiller. Et j'ai appelé, donc il y avait un numéro, en fait, si tu veux, le message, il était effacé, mais dans l'historique, il y avait un numéro de téléphone, donc j'ai appelé ce numéro à 5h du matin. Ah bah oui. Donc je suis tombée forcément sur une pute. Sur une pute. Voilà. Ah, mais donc c'était la pute, évidemment, c'était juste une meuf, quoi, normal, tu sais pas si. Donc je l'ai appelé, donc je l'ai traité. C'est bien les meufs, ça tient. C'est bien les meufs. Donc je l'ai appelé, je l'ai traité, et le lendemain, après, bon, j'ai rien dit à mon copain. Tu l'as traité de quoi? Je lui ai dit que c'était une grosse pétasse et si je la voyais, j'allais prendre une pétasse, j'allais couper tous ses cheveux. Tu t'es renseigné de savoir qui c'était? Ah mais je la connais en plus, je la connaissais. Ouais, c'est une cagole. Donc c'est pour ça que c'est une pute, c'est pour ça que j'insiste sur le mot, quoi. D'accord. Donc du coup le lendemain, j'ai dit à mon copain, donc j'avais envoyé un message à Sophie, donc je ne m'étais pas gênée. Et pour me venger, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit oui. Voilà, maintenant, moi aussi, j'ai appelé des potes et tout, j'ai fait une soirée avec eux. tu fais ça, je pense que comme ça, toi et moi, on est quitte. Donc il a mal pris, il m'a dit salut. Mais nous, aujourd'hui, on est toujours ensemble. Ça a duré pendant quoi, 2 mois, on s'est disputé. Et après, voilà, c'est, nous, notre histoire, c'est toujours ça, en fait, si tu veux. Ah, donc vous passez votre temps à vous engueuler, en fait. C'est ça que ça veut dire. Pas, non, mais surtout là, les 6 derniers mois, ouais, pendant pas mal de temps. Ben, même tout là, encore tout à l'heure, j'ai pas voulu qu'il regarde dans mes mails. Et il m'a dit, si je regarde pas tes mails, tu prends tes affaires et tu pars. Mais ah oui. Qu'est-ce que... Mais vous êtes sympa, vous. Non, mais c'est et quand en même... fait, dans mes mails, je veux pas qu'il regarde parce que j'envoie des messages à Mickaël. C'est pour ça. Quoi? Qu'est-ce que j'ai encore à voir là-dedans, moi? C'est ta faute, Mickaël. Mais qu'est-ce que t'envoies comme message? Pourquoi à moi? Non, non, non, pas à moi, si tu pars un jour, je lui pète la tête. Non, mais jamais de la vie. Non, mais en fait, si tu veux, Mickaël, c'est tout bête, mais il est jaloux de toi. Pourquoi? Non, mais je comprends. Même parfois, moi, je regarde dans le miroir, je me dis, putain, quel enculé, quand même. En fait, un soir, il m'a demandé ce que je fais, j'ai dit, bah, j'écoute Mickaël, et il m'a répondu, bah, ça va, il y en a moins un que t'écoutes. Le mec est jaloux d'un mec à la radio, c'est quand même fort. Ah mais moi, mais non, mais après voilà, moi il est jaloux, puis moi aussi je suis jalouse, mais après moi c'est pas des filles à la radio, je suis jalouse plus des filles qui sont des filles de la télé, moi. C'est un peu comme les meufs qui ou les mecs, hein, ça arrive aussi, hein, attention. Tu sais, genre il y a une meuf regarde la télé, il y a un beau mec qui passe, elle regarde. Ah mais ouais, moi mais pourquoi tu regardes, machin? C'est bon. Ah non mais ma main sur ses yeux, en fait, je veux pas qu'il regarde. Vous êtes complètement... Mais vous êtes paré, hein, franchement. Mais reste avec un mec comme ça, ça veut rien dire. Ça veut rien. Moi j'ai toujours... Enfin, c'est pas parce que je suis avec une meuf que je regarde pas une belle fille qui passe. Quel est le problème? Et si demain tu le découvres en train de mater un porno, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est le sujet d'hier. Après ça se fait pas. Si il regarde en dehors de... Pas devant toi. En dehors des heures de bureau. Ouais, non, mais genre... des heures de couple. Moi tout bête, il y a quoi? Il y a 3 ans, on était dans la voiture, il a regardé une fille. J'ai freiné en plein milieu de la route et je lui dis à la fille, regarde, il y a mon mec qui te regarde, tu lui plais. Bah, 2 secondes après, il y a le mec de la meuf qui a déboulé nulle part, qui a insulté mon gars. Je l'assume. Non mais bon, écoutez. Il y a un moment, quel est le problème? C'est-à-dire que... Alors, je vais prendre un exemple. Alors, voiture, yaourt. Bah justement, attends, je réfléchissais là. Croix. Bah, croix, c'est plus dur quand non, même. Non, croix, c'est compliqué. Ouais. Je vais prendre un exemple. Il y a les pommes vertes, les pommes rouges. Arrêtez, vous me perturbez là. J'essaie de trouver un exemple et vous me prenez la tête. Je vais prendre un exemple. Ok. Mais j'arrive plus à trouver l'exemple. Tu veux pas mettre un disque avant? Ta gueule, toi. C'est pas mal. Quel exemple j'aurais pu prendre? Putain, j'en avais un qui était tout fait là. Merde. Sinon, tu mets Happy et puis on te dit. Ta gueule. Après. Après, on va mettre après. C'est après. Mais non, mais je voulais partir du principe que c'est pas parce que tu regardes quelqu'un que d'office c'est une catastrophe. Quel est le problème? Bon, alors voilà, je prends l'exemple. T'as ta voiture. Bon, t'es content, t'as ta caisse, t'es là, t'es tranquille, t'as une petite, j'en sais rien, moi. Une blue car, comme moi, une très belle voiture. Ouais, non, mais là, bah, imaginons, t'es dans ta blue car, t'es content d'être dans ta blue car, dans Autolib, la voiture que tu loues, voilà. Attends, il y a le chauffage en ce moment, c'est très appréciable. Bah voilà, c'est ça. Un moment, qu'est-ce qui se passe? Une Twingo. Non, bah non. T'as une, je sais pas moi, t'as une Ferrari qui s'arrête à côté de toi. Ouais. Bah, tu regardes. Je mate la meuf. Non. tu regardes la Ferrari, tu dis putain, elle est bien. Bon, pas peur, tu dis ah, elle est pas mal. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête de la blue car, la voiture, l'autolib? Elle va s'arrêter, tu crois? En disant ah. Ouais. Elle va klaxonner sur la voiture d'à côté, sur la Ferrari, en disant dis donc. Il y a le mec qui roulait avec moi, il préfère toi. Bah oui, alors quel problème? Mais la Ferrari, elle a pas de sentiments, les ouais. gars. Et puis surtout, après, je me dirais, ouais, mais la Ferrari, c'est quand même chiant à garer, les mecs, ils vont me la rayer, machin. Je suis quand même bien dans ma blue car, je continue mon chemin. Après, la Ferrari, ça coûte cher. Oui, non, mais d'accord. L'assurance, machin, patin, bouffin. Non, on s'en fout, c'est pas le débat. Et c'est là que je me dis, putain, que je suis bien dans ma blue car, donc c'était pas la peine de regarder la Ferrari. Mais non, mais c'est pas ça, c'était pas le débat, c'est juste pour dire que quel est le problème? Si je suis avec une meuf, j'en regarde une autre, quel est le problème? Si je suis avec une meuf et qu'il y a une meuf qui regarde un autre mec parce qu'elle est mieux ou parce que j'en sais rien, alors quel problème? Mais ça, c'est tout le drame de ma vie et des meufs au-dessus de mes moyens. Oui, ça, c'est un autre problème. Mais tu sais que, Sarah. Oui. Tu pourrais terminer dans mon émission préférée. Hein. Quelle fille. Ah. Mais moi, j'attends que vous venez à Lyon. En fait. Vous allez venir à Lyon? Ça dépend. Si on voit ton mec, non? Non, mais il viendra pas parce que c'est pas son style. C'est pas de radio, il aime pas. C'est pas ses délires. Et alors, on s'en fout. Mais il va pas te laisser sortir. Ou alors non, il va arriver, il va nous tuer là, il va sortir la flingue. Non, mais on s'est mis en appart, je suis resté 4 mois avec lui en appart, on pouvait pas annoncer la guerre en appart. De quoi, là, on s'est mis en appart et là je suis partie, donc du coup on se voit tous les jours, mais je dors avec lui genre pas 3 fois par semaine. Non mais c'est peut-être il fonctionne comme ça, il s'aime comme ça, je sais pas. C'est bizarre les deux. Hein. Mais par contre. Non, mais vous êtes fait pour être ensemble, moi j'ai envie de dire ça très bien. Enfin, pas vraiment, parce qu'ils n'arrivent pas à dormir dans le même appart. Enfin, on se comprend. Tu dis ça? Non, mais le soir, moi je m'appelle pas, si je suis pas sûr qu'il est tout seul, à moi, même si c'est 1h du matin, je monte chez lui, je suis à fou. Ah, sauf que ça, s'il est tout seul, il faut qu'il soit tout seul. Mais quelle lourdeur! Et moi je crois pas, avec une meuf comme ça, moi ça dure une journée, même pas, une demi-journée, une heure, enfin ça n'existera même pas, quoi, c'est pas possible. Après, c'est pas pareil, moi quand je l'ai connu, j'ai été. J'étais sa copine. Non, j'étais sa copine. Après, on s'est séparés. Je suis passée à pote, à amant, gros copine. Ça a été un gros bordel. C'est compliqué, mon histoire avec lui. Oui, là, je confirme. Mais en même temps, vous avez l'air d'être chiants tous les deux. Hein. Ouais. Écris un livre, hein, je pense que tu... Quand on n'est pas ensemble, on se prend la tête. Et quand on est ensemble, c'est... Non, c'est que tout se passe bien, mais au final, putain, dehors, t'imagines, ouais. T'imagines, tu sors avec Toff, c'est-à-dire quand même, c'est le mec qui est quand même capable, enfin, qui est pas capable, là, il le fait, hein, qui est quand même capable de te dire, ouais, mais t'inquiète pas, je passe le week-end tout seul, alors qu'il s'est tapé 10 meufs derrière, non, qui va dire, ben, 10 fois un week-end, c'est beaucoup. Qui va dire, ouais, non, mais aujourd'hui, bah, écoute, je vais arriver, mais en fait, si, je suis tout seul, t'inquiète pas, pendant qu'il est en train de se faire pomper dans la blue car. Donc, moi, j'ai déjà appelé son boulot pour le demander. Ah non, mais il y a avec l'iPhone, il y a FaceTime, on se voit et tout, donc il y a tout ça, mais moi ça marche pas. Moi s'il annule un truc, il annule rien avec moi. Ouais. D'ailleurs j'avais une question, est-ce que se faire sucer dans la blue car, comme tu payes à l'heure la location, est-ce que c'est un peu de la prostitution? Ah ouais. Oui, on peut voir ça comme ça, on pourra poser la question, pourquoi pas. Bon, tout ça pour dire que t'es chiante, Sarah, c'est ça, hein? Franchement, il n'y a qu'avec lui, ça m'est jamais arrivé. Il n'y a qu'avec lui, je suis une belle couille. Ouais, bah écoute, si elle vous plaît comme ça, tant mieux, hein. Gladys! Oui. Est-ce que t'as envie de terminer comme ça? Avec tout le respect que je te dois, Sarah. Non, pas trop, non. Bah, l'appelle pas alors. Ouais, voilà, c'est ça. Il vaut mieux peut-être zapper l'affaire et prendre quelqu'un d'autre? Obligatoirement, quoi. Non, pas obligatoirement, je te donne un conseil, après tu fais ce que tu veux, je suis pas ton père. Ouais, ben, je sais pas. Hein. D'accord. Tu ne sais... Non, mais c'est une bonne réponse, tu ne sais pas, c'est très bien. Écoute, si tu veux, on l'appelle. Sarah, qu'est-ce que tu ferais, toi? Moi, ça fait 2 mois, c'est pas pareil. Moi, au bout de 2 mois, j'ai pas de sentiment pour moi, au bout de 2 mois. Non, mais ça fait 2 mois aussi, hein, avec Gladys, hein. Non, mais moi, ça fait pas 2 mois, quand tu parles de ça, ça fait 5 ans. Qui c'est qui est dans un endroit où il n'y a pas de meubles? C'est Gladys, elle est dans une cave avec une croix. Non, Sarah, elle est arrivée en bas de l'immeuble de son mec. Elle va expliquer ce qu'il fait, en fait. Elle est dans l'immeuble en bas. Avant de rentrer chez elle. Dans le sas. Bon, Gladys, allez, on appelle ton mec maintenant. Tu l'appelles ou je l'appelle? Non, tu l'appelles, mais sans lui dire que c'est la radio. Pas lui dire que c'est la radio. Mais pas de problème. Bon, alors, donc on va l'appeler. Donc, tu tiens à lui vraiment ou tu t'en fous? Non, j'ai quand même quelque chose. Un petit quelque chose? Ouais. Mais petit, quoi. Ouais, mais qui a son importance quand même. D'accord, ok. Mais petit, bon. Combien de centimètres? Non, mais c'est drôle ça. Donc, mais pourquoi on peut pas dire que c'est la radio? Même à la fin, à aucun moment on peut lui dire. Parce que non, il va vraiment mal le prendre sinon. Ouais, mais bon... Mais en même temps, est-ce que ce serait pas 30 services? Ouais, c'est ça en fait, hein. Mais non, franchement, je préfère pas. Le connaissant, je préfère pas. Bon, et même si on fait... Alors, imaginons l'appel et... Par hasard, Michel passe par là. Une vanne se place. Et pour sauver des meubles, il faudrait le dire qu'on est à la radio. Il va pas mal le prendre si on lui offre une compilation. Un porte-clé. Non, mais il faut rien lui offrir à lui. Non, mais j'ai compris. Je disais juste. En fait, si ça finit bien, oui, vous pouvez lui dire. Mais si ça finit pas bien, non. D'accord, très bien. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on écoute. Bah, on va se mettre bien, tiens, Gladys. On va se mettre très très bien maintenant. Je vais te mettre Pharrell Williams et Happy. Tu vois, ça mettra... Okay. Je pense que grâce à ça, on sera mieux, là, non? Ouais. Ouais, on se met ça. Sarah, reste avec nous, ne bouge pas. Et puis, on va encore faire des appels avec Toff. On appelle avec le plaisir. Mec... On va appeler le mec de... Enfin, l'ex-mec de Gladys. Juste après, Pharrell Williams, et puis en plus, il sera 1h15 du mat. On sera parfait, il sera en pleine forme. C'est la nuit sans pub sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. Pharrell Williams. Williams avec Happy sur Fun Radio. Bah il met de bonne humeur le morceau, ouais. C'est sûr. Christopher aussi qui dit, autrement dit, c'est pas parce qu'on est au régime qu'on ne peut pas regarder le menu, comme on dit chez moi. Mais exactement ça, c'est exactement ça. Il aurait qui dit, mais c'est grave d'être jaloux comme ça. Stéphanini qui dit, en gros, Toff préfère les moches, c'est bon à savoir. Non mais le truc c'est que en fait il prend les meufs que des comment vous dire, des meufs faibles. Non mais c'est vrai qu'il peut arriver à remodeler, à tirer, ouais. À tout ce que vous voulez. Donc c'est juste ça, hein. Parce qu'il est faible lui aussi. Voilà, il y a Stéphanini qui dit ouais non, c'est Angelina qui dit à tous les tailleuls que vous lancez au poisson chat. Il y a Pogua aussi sur l'application iPhone de l'émission qui dit ils sont prêts pour confessions intimes. Ah oui, ça c'est certitude, hein. On fera un petit point sur le top tweetos. Il y a Angélique qui demandait des infos sur le top tweetos. On fera ça dans quelques minutes. Et puis Gladys. Allô. Merde, c'est ma faute. Autant pour moi, c'est moi qui ai pas poussé sur le bon bouton. Voilà, c'est tout ce que je mérite. Bon, alors Gladys, on va appeler le mec maintenant. Donc c'est moi qui l'appelle, il s'appelle Gaëtan, c'est ça? Oui. Et on va essayer de rabibocher. D'accord, mais tu vas lui dire quoi en fait? Oh, je sais pas, je vais improviser. Ah d'accord. Je vais improviser, mais je pense que si tu bon, tu me fais confiance. Oui. Vas-y. C'est quoi ce long qui est passé là? De quoi? Je dis c'est quoi ce long qui est passé? Ben j'ai pas trop le choix. Hein. Bah si, tu peux appeler toi-même, hein. C'est pas un souci. Non mais je pense qu'il faut un petit peu le bon. Laisse-moi faire. Ouais c'est bon. Tu me laisses faire. Tu me laisses carte blanche. Carte blanche. Merci. Je sur la radio. T'inquiète, Gladys. Allez, on l'appelle, il s'appelle Gaëtan, c'est ça? Ouais. Très bien. Allez, hop, c'est parti, on y va. Alors, ça passe, ça casse, on verra. Hein. Hop. Déjà, ça sonne, pas mal. Allô? Allô? Allô? Ouais, c'est Gaëtan? Ouais. Ça va? C'est qui? C'est Michel. Michel? Ouais, Michel. C'est Michel. Bah, je connais Gladys. Ah. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non. Comment ça, tu vois pas? Bah, cherche mieux. Non. Tu vois vraiment pas? Non. Bon. Eh bah, écoute, moi, je voulais simplement qu'à un moment, ça s'arrête, quoi. Ça arrête de quoi? Bah, cherche un peu plus loin que le bout de ton nez, là. Bon, c'est déjà pas une heure pour m'appeler, déjà. Attends, j'appelle qui je veux quand je veux. C'est pas toi qui vas faire la loi, t'as compris? Ouais, je te le dis. Bon, donc... La seule excuse... Arrête de souffler dans le téléphone, déjà. Oh là là... Ah, il continue, rien à foutre. Et donc, il continue. Donc, le seul truc, c'est que il y a un moment, il va falloir se décider, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, c'est décidé, moi. Je l'appelle plus, moi. Pourquoi tu l'appelles plus? Bah, moi, j'ai plus rien à voir avec elle. Ah bah, tant mieux. Bah, voilà. Mais, et pourquoi t'as plus rien à voir? C'est quoi l'histoire? C'est pas ton problème. Ah, si je te pose la question, c'est que c'est mon problème. Bah non, moi ça va avec elle. C'est une grande fille, hein, je suis un grand garçon, on n'a pas besoin d'intermédiaire. Hein. Non mais d'accord, ok. Mais arrête de souffler en téléphone ou je t'enlève. Bon allez, ciao. Bon. Je sais pas que ça en fait. Bah qu'est-ce que tu fais? Bon allez, ciao. Bon, tu tiens à elle ou pas? Bah laisse-moi tranquille, allez. Bah vas-y, réponds ou je te mets une claque. Mais toi t'es fou, tu sais, toi, t'as un problème dans ta tête, hein. Mais tu vas me parler autrement, tu m'as pris pour qui? Mais toi tu m'as pris pour qui, toi? Tu m'appelles, t'es qui toi pour que tu m'appelles? Je m'appelle Michel, et toi? Mais t'es con ou quoi? Quoi? Tu me demandes mon prénom, je te réponds, et après tu me dis je suis con, c'est toi qui es con. Bon, tu tiens à elle ou pas? T'es où là? Bah je suis chez moi. Et toi, t'es où? Ah, moi, je suis en Belgique, moi. Et alors? Ah, je suis chez moi. Eh bah, tant mieux, on est tous les deux chez soi, on est contents, hein? Ouais. Ouais. Bon, et donc, tu tiens elle ou pas? Putain. Oh! Allô? Bon, vas-y, la communiquer sans se coûter cher, hein? Allô? Mais il rentre plus maintenant. Ah bon, on est bien avancé, tiens. Bon, Gaëtan! Gaëtan. Me sens seul. Gaëtan. Décédé peut-être. Allô Gaëtan. Oh là là. Eh hey, Gladys, t'es sérieuse avec ça là? C'est de la merde. Oh. Mais vire-le, vire-le. C'est Gladys, de la merde. C'est quoi, pas parler correctement. C'est quoi ça? Il a raccroché là? Ah oui, il a raccroché, ouais. Mais vire-le, trouve un autre. Mais en plus, il habite où en Belgique? Et en plus, il souffle. Je sais pas, il est parti quelque part, mais il revient. Attends, parce que j'avais pas regardé dans le détail, mais il habite où en Belgique? Tu sais pas où il habite en Belgique? Non. Donc ça veut dire que sur les deux mois où vous étiez ensemble, vous vous êtes pas vus? Parce que t'habites à Avignon, tu vois, c'est pas comme si t'habitais à Dunkerque. Ouais, non, mais si, parce qu'en fait, il a déménagé sur Avignon et de temps en temps, il monte en Belgique voir sa famille. D'accord. Ah ouais, donc on l'a fait chier parce que ça lui a payé. Il avait de pays international, du coup, forcément, il tire la gueule. D'accord, ok. Bon, écoute, sincèrement, il a pas une voix qui... Tu sais, où tu te dis, le mec a l'air, t'es cool, sûr de lui et tout. Il est plutôt la voix d'un roquet. Enfin, tout le respect que je lui dois, évidemment. Non, mais c'était n'importe quoi, là. Mais non, mais je voulais savoir s'il tenait à toi. Tout était calculé, tu me prends pour un amateur. Là pour le coup un peu j'ai envie de dire. Mais non, au contraire. Alors réfléchis, Gladys. Je l'ai appelé, je lui ai demandé, je l'ai essayé d'un petit peu le chauffer. Genre qu'il essaye d'imaginer que j'étais son remplaçant pour voir s'il allait un petit peu se vénère. Je lui ai demandé s'il tenait à toi. Il a dit ouais non, de toute façon je m'en fous, je lui parle plus, tout va bien et plus de problème. Donc je pense que l'affaire elle est pliée, hein. Ouais, ça doit être ça. Écoute, je peux le rappeler encore une fois si tu veux. Ouais, je pense qu'il peut bien le vivre. Allez, bon, on le rappelle. Attends, Gladys, bouge pas. Moi, si on me demande, on me rend service, pas de problème. Le prince qui dit Gladys zappe-le d'une force monumentale. Allô. Ouais, on a été coupé. C'est sur quelle radio ça? On n'est pas à la radio. Pourquoi tu dis ça? Ouais, sur quelle radio ça Bah, on n'est pas à la radio. Pourquoi tu dis ça? Avec ta voix bon. D'animateur. Ma voix d'animateur? Ouais. Je savais pas que j'avais une voix d'animateur, mais je suis ravi, je le prends comme un compliment. Ouais. Bah ouais. Bon, dis-moi, tu tiens encore ou pas elle alors? Oh, t'es quoi? Où toi? Bah moi je suis chez moi et toi t'es où? Donne-moi ton adresse, j'arrive. Bah d'accord, bah tu prends note alors. Ouais, vas-y. Alors 20? Ouais. Rue? Ouais. B? A? Y? Tu notes? Ouais, je note. Donc voilà, on est B, B, A, Y, A, Y, ça? Ah, donc, alors, B, ouais, A, B, B, ouais, c'est Y, ça. Mais non, mais attends, mais j'essaie d'expliquer, parce que c'est pas facile à écrire. Donc, B, c'est A, la radio, ça, Y, la radio des mais rigolos, non, mais qu'est-ce que tu racontes? Enfin, je comprends pas, je t'appelle pour voir si tu tiens encore à Gladys parce que je la connais et tu me prends la tête avec la radio, qu'est-ce que tu racontes? Depuis quand elle te connaît, toi? Comment ça, depuis quand elle me connaît? Mais ça te regarde pas, t'es de la police? Et toi, qu'est-ce que tu parles? T'es de la police, toi? Bah non, mais moi je me renseigne pour savoir si l'encossier est disponible ou pas. Vas-y, c'est disponible alors. Non, mais t'en as rien à foutre d'elle ou pas? Parce que moi j'ai pas envie de commencer si c'est pour après que tu viennes pleurer parce que tu veux la récupérer, hein. T'inquiète, je vais pas t'allumer, ben là, à l'aise, hein. Non, mais de toute façon, j'ai pas peur de toi, c'est pas le problème, hein. Oulala, t'inquiète pas. Non, mais c'est juste. Bah alors, mais est-ce que tu veux la récupérer, oui ou merde? La récupérer, j'irai la récupérer, je suis propriétaire de rien, moi. Non, mais oh là là, il comprend rien. Oh, qu'il est con. Hein? C'est pas le problème. Je te demande simplement si t'as envie à un moment ou à l'autre de la récupérer. Oh, c'est quelle radio là? Oh là là là là là là. On est sur MTV là, voilà, t'es content, on est à la télé, voilà, regarde, hop là, regarde, il y a une caméra cachée derrière toi, regarde, souris, haha. Non? Voilà, bon, alors, est-ce que tu veux la récupérer, oui ou non? C'est juste ça que je dois savoir. T'es un grand comique, toi. Oh, je sais, ouais, j'ai toujours aimé faire ça. Hein? Ouais. Donc tu veux pas répondre? C'est pas ton problème, alors. Bah si, parce que si je commence un truc avec elle, il faut quand même que je sois sûr que derrière t'arrives pas en pleurant. Qui m'a pleuré, alors là, ça fait des siècles, des années que j'ai pu pleurer. Oh là là là là. Bon. Bah, je vais pas te déranger plus longtemps, hein. Non. Ouais. Bah, voilà, c'est bon alors. Bah, là, ça va, ouais. Ouais, tranquille. Bon. Tranquille la journée, fut bonne. La journée est dure. Dure, hein. Ah bah oui, j'imagine. C'est pas facile, hein. Non. Avec le chômage et tout en plus, aujourd'hui, là, de plus en plus difficile de trouver du boulot. Hein. Non, c'est pas que ça. Non. Ça va alors. Tu deviens de plus en plus con. Hein. Bah ouais, c'est ça. Bon bah écoute, bah nickel alors. Bon bah, voilà, bon. Bah écoute, je vais pas te déranger plus longtemps alors. Ah bah voilà, bah, écoute, c'est bon, on va te déranger plus longtemps. Hein. Bon, ah allez, ouais, t'inquiète. Bon bah salut allez. Hein. Allez, ciao. Allez, ciao. Alors, j'ai déjà parlé à des gens chiants. Mais alors lui ? Mais lui, tu as quand même le palmarès, Gladys. Hein. Et je crois qu'il nous a cramé un peu pour le coup de la radio. Non mais on s'en fout, le problème n'est pas là, c'est que le mec non, non, je m'en fous pas. Mais le mec ne répond rien, mais Gladys, ce mec est inintéressant au possible. De quoi ? Ce mec est inintéressant, il s'en fout de toi, il en a rien à foutre, hein, voilà. Et toi t'arrives encore à dire oh là mon dieu je vais me faire allumer. Mais tu t'en branles, tu t'en bats les couilles. Il y a un message de Félicia qui dit mais pourquoi elle veut tellement récupérer un abruti pareil. C'est un truc de dingue. Non mais sérieux quand même, c'est ouf. Ben je sais pas, mais il a dit quoi du coup que ah, qu'il s'en fout. J'ai pas bien entendu. Ben il a dit qu'il s'en foutait, que je pouvais que je pouvais t'avoir, qu'il s'en foutait. Ah ouais d'accord, bon ben c'est bon. Ben, moi j'en ai le cœur net. Très bien. De quoi Gladys? Au moins j'en ai le cœur net et c'est très bien. Ah bah je te le confirme. Attends, il y a Nicolas également qui est avec nous d'Orléans là. Salut Nico. Ouais, salut Fun. Oui, ça va? Salut. Ça va et toi? Bah tranquille, écoute, ouais. Là je viens d'essayer de sauver un couple. J'ai tout fait pour le sauver. Hein. Oui, non, ouais. C'est beau ce que tu as. Attention, fait. Attention, comme le mec qui est bête. Oui, complètement. Bon, et donc du coup, Nico, toi tu voulais parler à Gladys? Bah oui, mais carrément, mais là faut qu'elle se sauve. Ah bah là, je pense que là elle est sauvée maintenant, hein. C'est bon hein Gladys hein. Ah ouais, mais moi je lui propose de la rencontrer, pardon. De la rencontrer carrément. Ah ouais. Bah oui, après tu prends mon chemin et puis tu vives. Bah oui, voilà. Bah oui, complètement. Je te sucerai le sang et tout, tu verras. Voilà. Est-ce que ça t'intéresse, Gladys? Gladys! Oui? Arrête de chuchoter avec ta copine. On a perdu Gladys. Mais non, mais Gladys, elle appelle pour avoir un conseil et puis après elle discute avec quelqu'un d'autre derrière. Qui lui donne des conseils de merde. C'est pas moi, c'est des gens qui parlent entre eux. Oui, mais oui. Je vous écoute. Bah, qu'est-ce qu'ils viennent dire, Nicolas, Gladys, si tu nous écoutes? Bah, j'aimerais bien te rencontrer. Attends, qu'est-ce qu'il y a quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, Gladys? Qui voulait qu'on se rencontre. Eh ben voilà. On se déjà avant. De quoi? Il y a un problème avec le standard, c'est pas possible, parce que là, je veux dire, j'ai l'impression que tout le monde parle avec un décalage et que personne n'entend ce que l'autre dit. C'est quand même exceptionnel. Donc, tu voulais dire quoi, Nicolas? Je voulais déjà discuter avec elle déjà avant de la rencontrer. Ce qui est dans un bon début, hein. Bah voilà. Eh bah très bien. Faut qu'elle se sauve déjà de ce mec-là. Je pense qu'elle est sauvée là. Alors ce qu'on va faire, Gladys et Nicolas, c'est qu'on va vous mettre en antenne, comme ça vous discuterez un petit peu ensemble, si Gladys le veut, hein. Ouais, bah oui, pour parler, ça va. Ben voilà, mais dans un premier temps, après on verra bien, et puis après... voilà, c'est ça, et puis bon bah voilà. Après si ça glisse, quoi. Ça glisse quoi. Exactement, on verra bien. Mais sinon Mickaël, oui. Ton émission depuis 5 mois, je la kiffe. Oh, c'est gentil Nicolas. Merci beaucoup. Est-ce que tu as téléchargé l'application gratuite sur l'Apple Store? Non, j'ai un vieux portable pour l'instant, mais bon, c'est pas ma priorité. Non, bah j'imagine bien. Mais en tout cas, pour ceux qui l'ont, hein, iPhone ou iPod, n'hésitez pas. Elle est disponible, elle est gratuite hein, sur iTunes. Tapez Mickaël No Limit. En tout cas, merci Nicolas pour le compliment, c'est très gentil. Et ben du coup, je te renvoie chez Sandro. Tu vas pouvoir discuter avec Gladys. Et puis après, bah faites-nous des petits, hein. D'accord? Et Sandro, Gladys, que du bonheur. Eh ben très bien, tu vois, t'en as deux pour le prix d'une. Salut Nico, à bientôt, merci beaucoup, à bientôt à Orléans, ciao. Merci, bisous. Bye, merci à toi également, Sarah, d'être passé, hein. Merci à vous. Je peux avoir un... Attends, par contre, j'ai le numéro d'un marabout. T'as le numéro d'un marabout, mais est-ce qu'il répare les PC à distance? Non, il demande le sperme du mec pour que le couple dure. Qu'est-ce que ça veut dire? Va demander au mec, tiens, bah passe-moi un peu de sperme, là. Non mais attends, mais c'est-à-dire que donc t'appelles, alors imagine, je veux que ça dure avec ma copine, je l'appelle, et je lui dis quoi? Je lui dis que je veux que ça dure, il va me dire, bah envoie-moi un peu de sperme dans une petite fiole. Non, en fait, là, si, je sais pas comment ça marche. Moi, à l'époque, quand j'ai été, il m'a dit ça. Après, il m'a demandé 7 ongles de pied, 7 ongles de main et 2000 euros. Ah ouais, quand même. Ah ouais, parce que sinon, je fais marabout aussi. Je te fais pas chier avec tes ongles, hein. Moi, tu m'envoies directement les 2000 euros, je le fais, hein. Bah, je savais que c'est un escroc, c'est des marabouts. Donc, bah, oui. Je lui ai dit non, et après, il m'a harcelé de messages. Il m'a dit qu'il allait poursuivre, enfin, en gros, que mon mec et moi, ça allait jamais durer, machin, des menaces et tout ça. Il était peut-être une poupée vaudou, c'est peut-être qu'il mettait des aiguilles sur ta tête. T'as jamais eu la tête qui piquait? Non, pas la tête, la cuisse. Ça m'est déjà arrivé que j'ai la cuisse qui me pique des fois tout seul en fin de journée. Je suis en chaud parce que j'ai la cuisse. Peut-être le marabout. C'est peut-être le marabout, va savoir. Bon, bah écoute, donne toujours le numéro à Sandro, on sait jamais, ça peut-être servir, on va savoir. On verra bien. Bah en fait, de tête, je le connais pas, mais je l'ai envoyé par mail à Toff. D'accord, bah très bien. Bah écoute, tu l'as envoyé pour qu'on le fasse chier, pour qu'on l'appelle. Ouais, après, si vous l'appelez, mais je l'ai donné à Toff, c'est sûr, je l'ai envoyé à Toff. Très bien, tu l'as envoyé quand aujourd'hui? Non, hier soir. Hier soir, très bien. Bah écoute, on va regarder alors. Bah merci beaucoup, Sarah. Bah merci à vous en tout cas. Et à bientôt, salut Sarah. Allez, à bientôt, salut. Salut, salut. On va prendre Didier dans quelques minutes avec nous là avant de faire des appels encore avec Toff d'ici quelques minutes. Didier, est-ce que tu es là? En forme, salut. Didier? Oui. Oui, très bien. Bon, Didier, alors, qu'est-ce qui t'amène? De quoi on va parler avec toi dans quelques minutes? Voilà, le jour de mon anniversaire, ma copine a offert un plat à trois. Mmh. Ah ouais? Tu es une copine très sympathique. C'est original. Bon, ben, on en parle dans quelques minutes, Didier. Tiens, dites-nous si vous avez déjà fait des plans en plusieurs. Vous m'appelez maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. N'hésitez pas. Vous m'appelez maintenant et puis on va se faire le son de Zid maintenant. Et allez, Williams avec Stay the Night. On écoute ça maintenant. Il est 1h33, c'est la nuit sans pub sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. I know that we are upside down. Le son de Zid à l'instant, il y a Hayley Williams sur Fun Radio, c'était Stay the Night. Il y a Martin qui a envoyé un message depuis l'application là sur iTunes. Vous pouvez télécharger l'application pour iPhone et pour iPod par exemple, c'est gratuit. Il y a Martin qui dit arrête ça sérieux, lâche l'affaire, tu vas perdre ton temps avec ce mec comme ça, plus conclu, il y a pas. Il y a Denis qui dit Gladys fait une rencontre avec Toff, vu que Toff est célibataire, oui enfin il est célibataire et il l'est pas, hein, c'est tout en même temps. Il y a Angelina qui dit voilà un marabout, tiens, il a deviné qu'il était en direct. Mais non même pas parce que c'était directement le numéro. Est inutilisé, donc c'est même pas qu'il a découvert qu'il était en direct ou quoi que ce soit. Bon, on va faire quelques appels avec toi encore. Allons-y. Allez hop là, c'est parti. Petit appel maintenant. Je rappelle que c'est toujours dans le but d'essayer de leur refourguer cette magnifique machine qui est le prolong orgasme et qui permet a priori, donc en l'utilisant pendant 6 semaines, de tenir jusqu'à 11 fois plus longtemps. Et ça c'est beau. Voilà. Donc on y va, on appelle maintenant un des numéros que vous nous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Allez. Et ça ne décroche pas, c'est parfait. Vas-y. Allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, je vous appelais au sujet des petits problèmes d'érection de votre mari. Ah ouais, et toi, connard? T'as pas des problèmes de grosses bites là? Va te faire enculer, connard. Oh, c'est violent là. Oh, bon accueil. Bonjour. On était dans le nord là, je crois, non? Ah, je sais pas, mais on y était bien. Ouais, je pense, ouais. Bon, allez, on rappelle. Claire. Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, j'étais en communication avec votre femme, mais on a été coupé. Oui, alors attendez, je vous demande un petit instant. Oui, je vous en prie. Alors attendez, un petit instant. Attends, 2 secondes, il faut lancer ça, attends. Ça. Alors je vous écoute, monsieur, un petit instant encore. Oui, bien sûr, pas de problème. Prenez votre temps. Voilà, alors. Voilà. Attends, pour cliquer là. Là, c'est bon. Attends, 2 secondes. Allez-y, monsieur. Oui, voilà, en fait, je vous appelais au sujet de vos problèmes d'érection, monsieur. Oui. Voilà. Non, parce que je voulais vous aider. D'accord. Hein? Hein, oui. Voilà. Et donc, je voulais vous aider hein, pour pouvoir avoir des rapports plus longs. D'accord, très bien. Voilà. Hein? Et donc, je vous demandais combien de temps vous arrivez à tenir en ce moment. D'accord, mais c'est à quel sujet, monsieur? Bah, au sujet de du temps de vos rapports sexuels, monsieur. D'accord, mais comment ça se passe? Bah, je sais pas, c'est à vous que je pose la question, monsieur. Ben je sais pas, moi, je sais pas pourquoi vous m'appelez, je comprends pas, monsieur. Ben, pour vos problèmes d'érection, monsieur. Et qu'est-ce qu'il en convient de quoi? Ben, il en convient d'essayer de vous rendre plus performant. Plus performant de quoi, monsieur? Pardon? Performant de quoi? Ben, performant avec votre femme, monsieur. Oui, mais je sais pas où vous voulez en venir. Ben, je veux en venir que, comme vous êtes un petit peu rapide, je peux vous aider avec mon nouveau produit à vous aider à tenir plus longtemps. Alors là, attendez... Essayez de tenir encore une minute. Oui. Juste, et si vous pouvez vous être plus performant, essayer de tenir encore une minute. Oui, bien sûr, c'est... monsieur. Oui, bah, là, il doit manquer plus de 30 secondes. Ah, bah, écoutez. Scan. D'accord. Et vous, vous allez me retrouver? Vous m'aviez... Non, non, c'est pas ça, mais vous m'aviez appelé pour les fellations il y a une quinzaine de jours. Oui. Alors, je sais pas si c'était ce même soir ou pas. Je sais plus si c'était un mercredi soir ou pas. Oui. Mais donc, on va essayer d'investiguer. Alors, je vous écoute, s'il vous plaît, encore une minute. Ah oui, mais enfin là, monsieur, c'est-à-dire que bon, c'est quand même un peu... Bon, non, c'est un peu... là, même pas, c'est 10 secondes, si vous aviez la gentillesse de tenir 10 secondes, vous seriez monsieur, adorable. Si je peux faire ça pour vous, monsieur, il n'y a pas de souci. Vous savez, moi, adorable. Si je peux rendre service. Hein, mais alors, bon, par contre, vous m'avez pas dit pour vos rapports, vous tenez combien non, de temps mais, écoutez, ça allait, je vais vous embrasser tendrement et vous remercier pour la durée de votre intervention. Bah, c'est toujours un plaisir, monsieur. Mais non, c'est moi qui vous remercie, en tout cas. Bah, moi, par contre... Vous... Et je vous souhaite une excellente soirée, monsieur. D'accord, mais alors pour... Bonne soirée. Mais pour les érections, monsieur. Non ? Bon. Ah non, mais il a raccroché. Eh, fais gaffe, hein, entre l'autre là qui t'a mis un procès au cul. Ils vont te retrouver, ça y est. Celui-là, il va te retrouver parce qu'il a acheté l'appareillement de grande machine. Bon, il se parle comment ça marche. Mais en tout cas, il l'a installé. Ah ouais, non, mais. Cliquez là, cliquez là, là et là. Donc, il était un peu perturbé, mais apparemment, on va te retrouver. Ah là, ils vont me retrouver, là, c'est sûr. Ce qui est con, parce qu'en même temps, tu montes ton adresse, tu la donnes. Bah, c'est ça, moi c'est ça, quand même un investissement quand même de beaucoup d'argent dans une machine qui ne sert pas à grand chose dans l'idée, mais c'est pas grave. Bon, il y a Christophe qui dit concernant le nouveau sujet, j'aimerais bien le faire avec 2-3 filles. S'il y a des filles sur Bruxelles ou dans le Hainaut qui seraient intéressées, pourquoi pas? Eh ben très bien, Christophe, le message est passé. Il y a le prince qui dit à 1h30, Mickaël est deuxième en top tweet, personne n'est capable de ça à part Mickaël. C'est pas moi en fait qui suis capable, c'est vous qui faites le travail. Moi je fais rien. Il y a Monté qui dit moi j'ai un principe, ce que maman sait pas. Ça la chagrine pas, alors un regard discret ou une relation adultère, faut bien la cacher. Oui, ça c'est une certitude. Et alors Angélique, il y a un petit top tweetos, Toff. Ah bah oui, alors faisons un top tweetos maintenant, comment ça se passe? On y est là, si on devait arrêter les votes maintenant, on en serait où? Alors, on en serait que... Dans quel sens tu veux y aller? Ah bah commençons par le numéro 5 là, on n'est pas à la fin. Je rappelle que c'est le 5ème hein, qui repart avec son sextoy offert par... Passagedudésir.fr. Voilà, numéro 5. DJ Comac. Numéro 4. Donc c'est lui qui gagnerait le sextoy si on s'arrêtait là. Numéro 4. Cédric. Numéro 3. Fred S. Numéro 2. Angélique. Et numéro 1. Let's be freaks. Et qui a repris sa place. Je rappelle qu'il faut être le numéro 5. Donc tous ceux qui seront dessus qui sont 4ème et plus, faut envoyer un peu moins de tweets hein, pour faire redescendre un petit peu le truc. Et puis ceux qui sont derrière, par contre, faut l'envoyer plus. Hein. Donc hashtag Mickaël si vous voulez tenter d'être numéro 5 pour repartir avec votre sextoy offert par passagedudésir.fr. Quelle voix dégueulasse. Bon, pas du tout. Il y a Didier avec nous maintenant là. T'es là, Didier? Oui. Bon, très bien. Alors, Didier. Voilà, le soir de mon anniversaire, j'ai eu un plat à trois avec ma copine. Oui, ça tu l'avais déjà dit, mais est-ce que tu peux détailler un peu plus? Mais qu'est-ce qui... Aïe. Ah oui, voilà, on a vécu pendant 3 ans, tout s'est passé très bien. Jusqu'au jour où on a eu un enfant, bon, ça se passe à jeu plus malheureux. Sous couveuse, voilà, bon, voilà. Et on s'attend très bien, juste au moment où on s'engueule à cause de ça, d'autres choses, et patati. Le jour de son anniversaire, j'ai dit, reste jusqu'à ce que tu trouves un appartement, et dès que tu auras trouvé, tu partiras. Elle a dit, bon, d'accord, et depuis qu'on a cassé, bon, on s'attend hyper bien. Et le jour de son appartement, avec pas l'argent, moi, je travaille comme cuisinier, je travaille toujours. Va droit au but, hein. Ouais, bon, d'accord. En fait, tu peux... Il y a un juste milieu entre les deux, hein. Et donc... Ah, pardon? Non, vas-y. Et le jour de mon anniversaire, elle m'a appelé, elle m'a dit est-ce que je peux passer ce soir, je lui dis oui. Elle arrive avec sa copine, moi j'ai préparé un repas et tout ça. Et à 23h, il était 23h30, elle m'a... C'est important. Elle m'a appelé, elle était dans la chambre, elle m'a appelé, et c'est là qu'on a commencé. Enfin bon, ça a été un vrai plaisir quoi. Compris. Bon, mais donc, ça s'est passé à 23h30, c'est ça qui est important. Bon, concrètement. Concrètement, ça. Bon, c'est vrai qu'on était un peu libertin sur les bords, mais concrètement, ça. Y a... Libertin sur les bords, c'est-à-dire. C'est pas au milieu, pas sur milieu. Les côtés, tu vois. C'est-à-dire qu'ils font du libertinage, mais que sur le côté. Bon, et. On a fait tout, quoi. Ah, tout, d'accord, mais sur les bords. Non, non. Ah, donc vous êtes libertin sur les bords, mais vous avez tout fait dedans. Excusez-moi. excuse-moi, je suis un peu timide, donc mais c'est la première fois que je parle devant... C'est pas grave, Didier, t'inquiète, il fait comme si personne n'écoutait. Ah ouais, là, attends, on discute. Y a quand même 100 ou 700 000 auditeurs. Mais non, on est à 2-3 millions, mais c'est rien. Non, non, mais c'est pas ça. Il faut. Dis-toi simplement qu'on est là, on est au téléphone. Regarde, moi j'ai le combiné, j'ai le téléphone sur la tête, là, enfin sur l'oreille. Toff, il a sa croix, là. Toff, il a sa croix, il est en train de se faire enculer sur sa croix dans la cave. Je continue à porter. Voilà, c'est ça. En fait, elle est grosse ou elle est petite ? Qui ça ? La croix ? Non, c'est qui l'a pris, Toff ? Ah, je sais pas, on n'était pas là, hein. On sait pas avec quoi il s'est fait enculer, hein. Ah bon, parce que moi je suis d'accord avec vous, parce que j'étais là ce soir-là et il avait bien distrait. Merci Didier. Eh bien merci Didier. Oh Toffy nous. Ah tout ça t'apprendra menteurs. Ça mais merde, arrête des menteurs de quoi. Qu'est-ce que Mickaël t'a promis pour dire ça. Mais rien je vais jamais parler. Ouais c'est ça ouais. Bah merde alors. J'ai rien fait. Stagiaire. Retrouvez l'extrait. Mais l'extrait de quoi. De quand j'ai raconté cette histoire. Mais n'importe quoi. Comme ça le monde entendra. Le monde entendra, déjà le monde est au courant de tout, donc c'est pas la peine, à un moment ça sert à rien. Oui. Bon, et donc Didier, donc toi t'es content. Oui. Ah bah tant mieux. Et bah voilà. Ah bah voilà, génial. Mais vous avez fait ça comment. C'est-à-dire que tu t'es fait enculer ou pas. Ah putain, ça y est, de retour avec ça. Non. Mais t'as vraiment des problèmes avec la sodomie, toi. C'est ton nouveau fantasme. Ouais, peut-être un fantasme, je m'intéresse. Ouais, voilà. Ce gros connard va te faire enculer. Ouais, ouais, complètement, ouais, tout à fait. Ferme ta gueule, connard. Voilà. Bon, donc du coup, donc t'es content, Didier. Attends, parce qu'il y a Karim aussi, qui appelle de Toulouse. Salut, Karim. Salut les gars, ça va ou quoi. Ça va et toi. La famille est bien ou quoi. On va plutôt bien. On va plutôt bien. Alors, tu voulais réagir aussi toi par rapport à plusieurs. Carrément. C'était samedi dernier, il m'est arrivé un truc de malade. Je sors en boîte avec mon collègue là, et comme je taffe beaucoup, tu vois, je sors plus beaucoup en boîte et bon, on se dit on va se faire une petite soirée. Et là, dans le contraste et je rencontre une meuf. Bon, limite salope, hein. Bref. Limite, j'aime bien le. Alors, on est libertins sur les bords. Ah, la meuf était limite salope. Oh, c'est ça. Ouais, non, mais il y a l'échelle, et puis elle était sur la limite, tu vois. Bah bon, elle a fini salope en tout cas. Elle a fini salope. Mais au moment où il la rencontre, elle est limite. Ouais, et là, elle a fini salope. Ok, ouais. Bref, du coup, j'étais avec mon collègue et bon, je commence à chatter la meuf, à danser, tout ça, machin, je vais la voir. Et je savais pas qu'elle était 4. Bref, c'est à la fin que je l'ai su. Donc, moi, tu vois, je suis le mec, je bois pas, je suis pas, je tape soirée, je suis bien. Mais elle, par contre, tu vois, elle était déchirée. Donc, du coup, je chatte, et fin de soirée, je lui dis, ben voilà. On s'échange un peu notre numéro de téléphone et puis au pire des cas on se capte et on boit un verre. Ouais. Et c'est là qu'elle me dit qu'elle était pas de Toulouse, donc du coup elle me dit qu'elle était de Aix. Et en sortant de la boîte, elle me dit bah, écoute, mon hôtel je sais plus où il est, je sais pas, vas-y écoute, vas-y, viens à la maison et puis tu repartiras. Mon hôtel je sais plus clair. Où il est. Eh oui, je l'ai perdu. Ah ouais, il y a pas l'adresse sur la clé, tu sais. T'inquiète pas, je l'ai pas perdu moi. Et donc du coup et c'est là où elle se ramène avec 4 gonzesses. Donc en tout elles étaient 4. 4 et donc du coup ben, j'ai regardé mon collègue et j'ai dit ben voilà quoi, ça c'est notre soirée. Hein. Allez, viens. Du coup on les ramène à la maison, mais tranquille hein, franchement, moi je pensais vraiment passer fin de soirée tranquille et tout, bref, je m'isole avec elle. Et puis c'est là ça s'est barré en couille quoi. Il s'est passé quoi en couille. Ben du coup bon, on commence à s'embrasser, tout ça. Tout d'un coup elle descend et commence à me sucer la bite. Enfin, un truc de malade. Est-ce que maman t'as été sur une croix et tu t'es fait sodomiser ou pas? Ah, je sais pas, j'en sais rien, mais sur le coup j'étais choqué quoi, parce que moi je pensais vraiment pas la tirer. Hein. Bref, je commence à faire ce qu'il y a à faire et puis de toute façon on était. Tu fais le travail quoi, tu fais le travail, attends, il est là. Il est là, on l'a commandé, il fait le travail quoi. Ouais, c'est ça, il fait le taf quoi, il fait le boulot. Ouais. Je vais te dire après, j'ai dit dans l'élan, j'ai dit tu sais quoi, vas-y, moi j'ai mon collègue qui est en train de discuter avec tes copines, j'ai dit on s'en va tous en l'air et puis on s'en bat les couilles. Hein. Mais oui, t'as raison, mais oui. On s'est retrouvé dans le salon, mon pote, c'était l'orgie totale. Et t'en as une qui suçait la bite de mon collègue, l'autre que je l'enculais par derrière, enfin c'était le bordel quoi. Enculer par devant c'est plus difficile, hein. Enfin bon ouais. Après... Ouais mais bon tu m'as compris quoi. Ouais ouais. Enfin bref, on s'est retrouvés du coup avec la graisse dans le salon et c'était le bordel. Calme-toi Didier. Non mais quoi, de la graisse. Vous êtes retrouvé avec de la graisse. Avec la quoi. Pardon. Tu t'es retrouvé avec quoi. Bah avec les 4 gonzesses là. Ah salon. Les 4 gonzesses. Gonzesses dans le salon et puis voilà c'était le bordel. Vas-y décris, enfin, mais termine. Attends t'as pas... Pardon ? Et j'aime bien la description là, tu fais enculer, tout ouais, ça. Ouais, mais vas-y. T'as fait comment ? Ouais, vas-y. Ah bah ouais, mais après. Je rappelle que c'est Polo qui relance sur la sodomie. Hein. C'est vrai. Enfin bref, en tout cas, on a passé une bonne soirée quoi. D'accord, bon bah plutôt cool hein, tranquille. Ah bah ouais, bah, c'est normal ouais. C'est et sûr. Ça ne se reproduira pas tous les jours. Bah ça c'est clair et net, hein. Surtout des salopes de ex enculés. En tout cas, je pense que j'irai en vacances là-bas. Ça a l'air pas mal, ex, hein, je vais y aller aussi. Ah bah ouais, mais écoute, des salopes de ex enculés. Ah ouais, mais franchement, tu sais quoi, je pensais pas que ça allait m'arriver, mais c'était royal. Et bah voilà, il est content, bah tant mieux, écoute. Bah merci pour la petite anecdote, ouais, Karim. Merci les gars. Avec plaisir, merci Didier également. Ouais, merci. Je passe le bonjour à mon pote Kamel qui était avec moi, donc je sais pas s'il écoute la radio à cette heure-ci, mais... Et bah très bien, le message est passé. Merci Karim, à bientôt. Allez, gardez la pêche les gars. Salut, merci à toi d'écouter. Didier, tu voulais dire ? Ouais, je peux avoir un petit message. De bienvenue ? Ouais. Bien sûr. Vous êtes un petit connard. Voilà. Et puis les vos poils de cul. Oui, c'est une bonne idée également ça. Voilà Didier. Ouais, d'accord. Avec plaisir. Salut Didier. Et dis à Toff que j'ai un oncle ébéniste. Tu pourras lui faire une belle croix si tu veux gratuitement. Eh ben écoute, avec plaisir. S'il peut me faire ça, avec plaisir. Avec des ornements et tout dessus s'il veut. Top. Écoute, on va prendre rendez-vous, on va la fabriquer. Eh, voilà. Une croix X, hein, pas une croix. Ah ouais, une croix X. Non. Ouais, une belle croix de Saint-André. Hein. Exactement, une croix de... il la mettra dans la cave. 5 mètres sur 5 mètres, ça va ? Eh, ça peut t'exciter, ça doit... Combien ? 5 mètres sur 5 mètres. Mais non, parfait. Mais non, c'est pas ça. C'est pour un corps humain. Et comme ça, on en est deux. Eh, ça peut t'exciter que t'aimes bien les caves, mais là, à la radio, moi, je mets la voiture au moins 4. Mais vas-y, viens. Hein, moins 4, ça doit l'exciter, ça. Quatrième. Ah, il est tout dur, là. Ah, il est complètement, ouais. Ah, là, je ferai déjà. Eh ben, merci Didier pour la croix, avec plaisir. Plus petite, hein, parce que 5 mètres, ça fait beaucoup. Ouais, et puis c'est emmerdant à transporter, quoi. 2 sur 2, ça sera parfait. Voilà, ouais, ça peut être une bonne idée, effectivement. D'accord. Bon, ben, merci beaucoup. Avec des têtes de mort dessus. Ouais, ouais, il y aura tout. Et des cadavres de poulets. Oh, génial. Et des rats. Salut Didier. Ouais, je peux avoir Sandro, s'il vous plaît. Ouais, ouais, je te la repasse, t'inquiète Didier. Elle est libre, merci beaucoup Didier. Et puis restez bien là, puisque dans quelques minutes, il y aura un petit truc pour vous, tiens. Voilà, j'en dis pas plus, ça va être la surprise. Et puis on va se faire le son de Showtech maintenant sur Fun Radio, c'est Booyah. Yes, all we care about is I'm party, keeping them good vibes in the air. Take sur Fun Radio avec Booyah, 1h56. On va dans quelques minutes sur Fun balancer le top tweetos de la soirée. Et puis et puis apparemment on va essayer de prendre Jean-Pierre Sauzère aussi. Oui, au standard, parce qu'il était un peu chaud au standard. Ah bon ? Ouais ouais. Il paraît qu'il a encore houspillé le stagiaire. Qu'est-ce qu'il a ? Il t'a insulté stagiaire Dexter. Quoi ? Je vais me faire virer. Ah il veut te faire virer ? Bah attention, il a le bras long, hein, que tu crois. Ah bah oui, je sais, c'est pour ça. Je... Ah bah, il a un peu craint sa voix. Bah ouais, c'est ça, tu l'entends sa voix. Bah attends, on va l'appeler en direct alors. Toi. Vas-y, on l'appelle, je vais faire passer pour le stagiaire. Ah bah très bien, attends, vas-y, on l'appelle. Hop là, c'est parti. En plus, on a son nouveau single. Encore un ? Bah oui. Allô ? Ouais, Jean-Pierre ? Oui. Ouais, c'est Dexter. Allô ? Allô ? Ouais, ouais, c'est le stagiaire de Mickaël. Oui. Ouais, ouais, je t'appelle parce que Mickaël il m'a demandé de te demander pourquoi t'appelais ce soir. Bah j'appelle parce que il faut que je dise des choses. Ah t'es, qu'est-ce que tu dois dire à Mickaël ? Je vais dire que j'ai un concert à faire. Ouais d'accord, mais t'as... Il y a une nouvelle chanson. D'accord. Mais t'as un truc important là ? Bah oui. Mais t'es sûr ? Sûr, c'est pas des blagues. Ouais d'accord, parce que bon tout à l'heure t'étais un peu violent quoi. Bah oui, parce que vous me faites attendre toute la semaine et vous me dites que vous m'appelez pas. Mais hier, on t'a pas dit qu'on t'appelait, Jean-Pierre ? Oui. Parce que hier, on t'a dit qu'on t'appelait pas ? Oui. Ah, tu vois, Jean-Pierre, qu'on t'a pas dit qu'on t'appelait ? Non. Vous m'appelez quand ? Bah, là, je t'appelle. Oui. Et j'attends. Bon, bah donc, on va te mettre à l'antenne Bah oui, voilà, ouais. D'accord, bah écoute, tu bouges pas, je te mets en attente, puis Cali va te prendre, ok ? D'accord, ouais. Ok, bouge pas. Mickaël, No Limit, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et on a Jean-Pierre Sauzère avec nous maintenant, comment ça va JP ? Ça va bien. Eh bah il était temps, dis donc, j'ai attendu toute la soirée, moi. Bah oui, mais moi aussi. J'ai mais tu réponds pas ? Attends, parce qu'il y a le stagiaire, il m'a dit qu'il n'arrivait pas à te joindre. Bah ouais, mais j'étais mécontent, vous me faites attendre toute la semaine. Ah bah non, mais bon, oui, mais enfin bon, écoute, il y a du monde qui passe, Jean-Pierre. En plus, t'en exclus, là. C'est soit que vous m'appelez une fois par semaine, puis vous dites la journée, et puis voilà. Ah bah oui, bah on peut faire ça, oui, mais tu sais, le mieux c'est encore de montrer un petit peu le la surprise, tu vois, qu'il y a un peu de surprise. Oui, parce que si les auditeurs savent que tous les mercredis tu passes, il y aura plus de surprise, ça va manquer tous les faits. Ah non, mais moi je peux pas attendre comme ça toute la semaine. Hein. Non, mais d'accord, ok, ouais, mais enfin bon, longtemps maintenant, on n'est plus un jour. Hein. Bon, alors je t'appelle pour te demander, pour te dire que j'ai une bonne nouvelle, je vais au El Patio. Au Hellfest Festival. Hey, tu sais que c'est grâce à moi ça. Bah oui, je sais, au El Patio. À Compiègne, tu vas y aller, tu viens? Ouais, bah je sais pas, parce que je sais pas, je vais voir. Toff va venir, Toff avec sa croix, il va venir, t'inquiète ouais, pas. Ouais, je vais porter ma croix jusque là. Exactement. Ouais. Le 20 décembre, alors donc... Ah, le 20 décembre venir, c'est chaud le 20 décembre. Je vais essayer, mais je te promets rien. Avec Evans. Avec Evans. Avec Evans. Ouais, voilà. Des Vans, ah, tu vas acheter des Vans. Voilà, c'est ça. Et la tribu, ils viennent tous. Et Zébut, t'as pas de nouvelles, non? Zébut, non, je l'ai pas vu, en tout cas, d'habitude, on mange avec lui à la cantine, et là, il était pas là, donc je l'ai pas vu, Zébut. Je crois qu'il nous fuit en ce moment. Et sur iTunes, Alors, sur iTunes, j'ai des nouvelles, ça y est, l'application vient d'être validée, donc elle est sortie depuis hier. Ouais. Voilà, donc maintenant, je vais pouvoir travailler sur le single. Bah, alors, on va mettre lequel sur iTunes? Vous pouvez démerveiller. Je cherche un producteur, je sais pas moi. Bah alors je cherche un producteur, c'est celui-là, donc on vient de l'avoir. Je cherche un producteur, auteur, compositeur. Nouveau, puis après il y avait celui-là aussi évidemment. Hein, Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le chapelier fou veut me croquer les orteils. Je suis Jean-Pierre, au pays de mes rêves. Le grand lapin blanc veut me croquer ma merveille. Et il y avait également le son Super Disco. Super Disco, super son. Tempo d'acier, volume à fond. Mais dis-moi Jean-Pierre, tu vas chanter quand tu vas aller à la discothèque? Tu vas juste en inviter ou tu vas chanter? Je vais chanter deux, trois titres. Ah, deux, trois titres? Tu vas faire lesquels? Tu peux déjà dire ou tu veux garder les titres? Je vais faire Au pied des merveilles et Super Disco. Ah, tu chantes ces deux-là. Et le troisième, c'est la surprise? C'est prévu de titres, mais si je peux en faire trois, j'en fais trois. Ah bah ouais, bah j'imagine. Non mais t'as raison. Et sous une neige, je te mets Au pied des merveilles. Ah bah oui, bien sûr, bah sur Itulé, je vais mettre Au pays des merveilles, enfin c'est Jean-Pierre, une vente d'Orlande. Il va falloir que tu me rappelles en antenne pour mettre ça, non? Bah écoute, oui, il faut déjà que je vois quand est-ce que Itulé sera d'accord de... Parce que c'est super long, hein. Je te dis, l'application, ça fait un mois et demi qu'on est dessus pour qu'elle soit validée, donc là elle a enfin été validée. Donc là on va essayer de mettre une vente d'Orlande sur Itulé. Après, on verra, hein, si ça se vend, ça se vend. Mais tu veux le vendre combien le titre? Bah c'est 99 centimes, je crois, c'est ça. Ouais, mais tu peux mettre plus cher, hein, si tu veux, tu peux mettre 1,80€ ou tu vois. Tu réfléchis? Bah au moment que tu m'appelleras, il faudra le dire. Bon d'accord, ok. Bah écoute, alors je vais voir. De toute façon, il faudra que tu signes les papiers, hein, parce que les droits d'auteur et tout. D'accord, ouais. Faut que tu m'expliques tout ça. Bah voilà, c'est ça. Bon, bah très bien. Alors, j'ai un producteur en fait. Ah, mais ça y est, c'est fait, parce que tu nous le dis, mais... Non, mais j'aurai le contrat bientôt et j'en parle pas plus et ça sera une surprise et ça va. Jean-Pierre, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu t'es déjà fait attacher sur une croix? Ah, comme Toff. Quoi? Parce que Toff s'est fait attacher sur une croix avec dans une cave, il s'est fait sodomiser sur une croix. Non, et moi, je me suis pas fait sodomiser. Et on voulait savoir si ça s'était déjà arrivé aussi. Moi jamais, Polo non plus. Donc on cherche quelqu'un à qui c'est déjà arrivé. Non, moi non plus. Et tu connais personne qui s'est déjà fait enculer sur une croix dans ton entourage? Non. Non, bon, pas tant pis, non, c'est pas grave. Je m'en fous. Bon, ben il y a Félicia qui dit faut les refaire en HD les chansons. Il y a Léa qui dit Zébut mort de rire et monter sur scène et chanter des je t'aime. Est-ce que je pourrais passer dans Party Fun avec Nico qui me programme? Évidemment, écoute, alors je vais me renseigner. Alors on le voit on dimanche. On parle à Miko. On le voit dimanche, Miko. Donc on va essayer de voir ça pour que tu puisses être dans le Rodens 25. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai. Tu me rappelles dimanche? Eh ben écoute, alors on fait comme ça, ça marche. Mais moi je veux pas attendre toute la semaine d'appeler comme ça parce que... Ah bah les jours passent comme on peut, hein. C'est-à-dire que je peux pas faire dimanche demain, hein. ça marchera pas. Le jour que t'appelleras que mon téléphone serait coupé, tu seras déçu aussi. Ah bah oui, bah je vais être déçu, mais je rappellerai, hein. Ouais. Bon. Bon, Jean-Pierre. Tu sais ce que c'est, hein, de rappeler Jean-Pierre. Bah oui, et Jean-Pierre, et attention, je rappelle. Je cherche un producteur, auteur, compositeur. Allez. Mais là il est est remasterisé là, il me semble, non? Non, ça c'est un produit fini. C'est un produit fini. Même Max l'avait pas à l'époque. Max l'avait pas à l'époque. Non, il l'avait pas. Mais c'est normal, c'est une baltringue, voilà. C'est normal que tu lui mixes des morceaux de merde. À nous, on a le top du top, nous. Non, mais ça c'est produit fini. Ça ouais, c'est le produit fini. Ouais. C'est le produit fini. Sorti de l'usine, quoi. Voilà, c'est voilà. Ça. Eh ben parfait. Bah merci beaucoup Jean-Pierre en tout merci cas. Merci à vous et bonne soirée. Avec plaisir. Merci, tu repasses quand tu veux. T'appelles bah, Dexter et quand il râle, tu l'insultes. Ouais, je harcèle toute la nuit. Non, mais je vais pas non plus appeler par téléphone. Non, mais il faut pas appeler 10 fois. Mais tu vois, moi je demande pas mieux que tu passes. Donc si t'as Dexter, le stagiaire, au téléphone et qu'il dit ouais non là c'est pas possible. Non mais le prochain coup je vais faire mieux. Je vais me planter à fond de radio. Carrément. Eh ben d'accord. Mais tu dis planter. Ouais. Attends, tu dis à Dexter que tu me connais personnellement et que tu exiges de passer l'antenne tout de suite. Voilà, et si il me passe pas, je débranche. Parce que tu débranches. Voilà, tu débranches tout. T'as raison, on te laisse pas faire. Bon, ça va. Sur Fun Radio, il y a que moi qui passe. Bah, je sais bien, justement. Alors, je veux pas être non plus le clown de service. Mais toi, évidemment, tu me prends pour qui? Attends, c'est non, bon, on est pas comme ça. En réalité, mais bien sûr. Une mauvaise image. Mais oui, mais je sais bien, il faut, ça se travaille l'image. Bah oui. Bah attends. Bon, bah merci Jean-Pierre. Ouais, et puis bon, on discutera de tout ça. Hein. Bah, avec plaisir, on fait ça. Dans ces cas, je te dis, je me plantais à Fun Radio. Mais y a pas de problème, Vous êtes toujours vers rue Bayard? Mais à côté, à droite. Un peu plus loin, parce que tu sais, il y a RTL 22, et puis on est à côté. Ouais, 22, ouais. Il y a RTL juste en face. Bon, c'est là où il y a les logophones. Hein. Ok. Voilà, bon, salut Jean-Pierre. Merci. Allez, salut. Hein. Bon, bah voilà, nickel, et hop là. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le chapelier fou veut me croquer ma merveille. Je suis Jean-Pierre, au pays de mes rêves. Et le hop chapelier fou. Super disco, super son. D'acier, volume, le fond. La sonnerie sera tous les sports vont clignoter. Super son, une chanson. Ah, moi je vois bien ça dans le Roden, ça. Ouais. Attends, numéro 20. Ça a tout à fait sa place. Ah non, numéro 1, quoi, numéro 20, numéro 1. On est pas mal. Ah ouais, on est au top là. Ah, on est au top du top. Mais attention, le produit est fini. Bon, on va se faire le générique. Ouais, d'abord sur le top tweetos, du coup. Top tweetos, allez, c'est alors, parti. Alors, allons-y. Alors. Faut juste que je règle un peu. Ah oui, attends, on va commencer par le numéro 1. Puisque je rappelle que c'est le numéro 5 qui gagne le sextoy. Alors. Donc, numéro 5, Benoît. Benoît, non. On commence par le numéro 1 et il se dit numéro 5, Benoît. C'est dingue. Bon bah du coup maintenant Benoît, bravo, t'as gagné hein. Benoît, bravo. Putain, on dirait JB. Bon, numéro 4. Angélique. Numéro 3. Cédric. Numéro 2. Fred S. Et numéro 1. Let's be freaks. Let's be freaks, évidemment. Très bien. Bon, retour du top tweetos demain bien sûr. Hein. On continuera à vous offrir vos sextoys offerts par passagedudésir.fr. Évidemment, très bien. Bon, et puis on va se faire le générique de fin. Et pour le faire le générique, il y a Adrien avec nous de Roubaix. Salut Adrien. Everybody, hello. Comment ça va? Ouais, ça va et vous? Bon, oui, ça va bien. Bon, dis donc Adrien, t'es sûr pour le générique que tu crois que tu vas pouvoir y arriver? Bah évidemment. Est-ce que tu veux d'abord quelque chose qui va un peu te motiver? Bah si vous voulez. Hein. Allez, avant de chanter, motivation. Je cherche un producteur. On dirait Claude Barzotti. Est-ce que tu veux encore un peu plus de motivation? Sur terre. Allez, plus de motivation encore. Disco super son. Oui, c'est parfait Adrien, je peux faire bien les paroles. Tu peux faire un duo sans problème. Bon, allez, c'est parti, t'appelles pour faire le générique de fin toi, c'est ça? Bah bien sûr. Eh bah bien sûr, tu connais les paroles? Bah oui. Bon, de toute façon tu suis Polo, hein, il est là et t'inquiète pas. Bon, allez, c'est parti, 3, okay. 2, 1, go. Ferme ta gueule, la merde, sale enculé. Tu bouffes des bites, des bites à tous ces sales enculés. L'enculé. T'es un enculeur, j'inclus ton nom qui en vraiment pas fin de cake. Comme ça, ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Pas mal. Tu trouves des bites à tous ces sales enculés. Tu trouves des bites à tof. Bonne journée. Vous allez vous faire foutre, cher ami. Je t'enculé. que je vous exècre. Petit enculé, vous êtes un sacré petit galéron. Et puis les poils de cul. Vous êtes un petit connard. Qu'est-ce qui se passe ici? Ferme ta gueule, les connards. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Eh ben tu vois, c'est ton numéro, tu vois, Guignol. Je t'ai fait niquer comme un âne. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Et ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu trouves tes bites à te sucer, toi l'enculé. Et toi, ton enculé. Et toi, ton enculé. Oui, on est deux. On est des enculés. C'est vrai, des enculés. Ça se met vite. Eh bah voilà. Eh bah voilà, t'as été le meilleur, Adrien, là. Merci, mais est-ce que je peux passer une petite dédicace? Eh, tout était faux, te la raconte pas. Ouais, non, mais non, mais il a été bon, il a été bon. Bon, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, dédicace à Théo, et est-ce que je peux lui passer un message? Bah, vas-y. Alors Théo, essayez pas de comprendre. Théo, merci pour sa blague, Papy sans Irlande. Très bien, bah effectivement, okay. On n'a pas essayé de comprendre et de toute façon on n'aurait rien compris quand il arrive. Bon, ça marche. Merci beaucoup Adrien, passe une bonne nuit. Merci à vous aussi. Allez, à bientôt, ciao à toi. Et puis bah les autres, hein, on se retrouve bien sûr demain 23h sur Fun Radio avec la dernière PlayStation 4 qui sera à gagner. Et ça, ça va faire plaisir. 23h, on sera sur Fun Radio. Fun Radio. No limit. Mickaël, no limit. Sur Fun Radio. Et notre ami JB qui est avec nous, bien sûr. Hein, JB, il le Vanderland. Est-ce qu'il a pas pris un peu la grosse tête, JB? Non, mais non, mais non. Jean-Pierre Sauzère. Jean-Pierre Sauzère, mais non, il a pas pris la grosse tête, c'est pas son style. Non, non, il est pas comme ça, il est pas comme ça. Mais pas du tout, pas du tout. Mais vraiment rien. Ah non, vraiment, vraiment rien. Je me suis réveillé ce matin avec la tête. Je suis Jean-Pierre dans la tête, la chanson. Je suis Jean-Pierre au pays des merveilles. Je suis Jean-Bat. Tellement bon. Exactement. C'est à quelle heure le matin de JB? Hein? C'est à quelle heure le matin de JB? Oh bah c'est 14 ou 15. Hein. Ah ouais. C'est-à-dire quand le soleil se couche en fait, ouais. C'est ça, c'est très bien, c'est pas mal. Bon, et comment Jean-Baptiste de Toulouse? Mais vous êtes qui? Parce que moi je suis numéro 1 des top tweets là ce soir. Ouais, mais v'là le tweet. Hein. Donc attendez. Et donc il est numéro 1 là, et c'est JB la grosse cochonne de Fun. C'est ça, à ta place, je me laisserai pas ramener, tu vois ce que je veux dire. Polo, arrête de me cacher. Je te cache pas. Hein, arrête un peu ton cinéma. Je tiens d'ailleurs à saluer Anne. Encore nous... Non, là, pas encore. Non, allez, arrête. Que nous avons rencontré donc ce week-end à Montpellier, qui s'occupe de Fun Radio dans tout le sud, hein, comme je le dis chaque soir, évidemment. Malheureusement, je suis fautif ce soir, parce que chaque fois, je lui envoie l'extrait quand on me défonce. Oui. Et donc, en échange de ça, elle m'envoie un dos. Là, on a traîné un peu. J'ai eu avec une réunion qui n'a pas eu lieu. Bref, j'ai pris du retard. Donc du coup, le dos sera pour demain. Donc, Anne, si tu m'écoutes, je compte sur toi, bien entendu. Point trop d'infos. Jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui décide. Hein, donc, Anne. Ouais, ouais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça veut dire qu'il y a des grosses casseroles encore. Ah oui. Ce sera le premier titre de JB la nuit. Non, Ouais, c'est pas mon émission encore là. On m'a dit que t'avais bien les quotas français merdiques. Alors voilà. La France, dis-je. Mais non, en fait. Mais si, la France veut écouter Jean-Pierre. Oui, peut-être. Je te prendrai entre mes bras, contre mon cœur. Je crois que je préfère Jean-Pierre. J'aimerais bien Jean-Pierre. Le clip avec Jean-Baptiste. Ah, une Vanderland. Ouais, ouais. Je suis Jean-Pierre au pays. Mais tu sais, c'est un peu le classique ça. Ouais. Chapelier fou, je me troque les orteils. Je suis Jean-Pierre au pays de mes rêves. Le grand lapin blanc. C'est un tube. Hein. Je me ah oui, c'est au-delà du tube. Hein. Ah bah là. Prochain son dance floor bientôt. Hein. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, bah passez une bonne nuit tout le monde. On va se quitter avec quoi, tiens? Bah déjà il y aura JB, hein, donc ça c'est la mauvaise nouvelle de la nuit. Bah non, à 6h il y aura Bruno dans la radio. Bruno dans la radio. De plus en plus long. Des imitations de merde. Bon, et du coup on met quoi là? On met qu'est-ce qu'il a? Showtech, vous l'avez joué? Non, mec. C'est quel titre de Jean-Pierre Sauzère tu dois choisir? Ah oui, c'est ça, tu veux Super Disco, tu veux... Parce que moi j'avais Timber, qui j'avais Pitbull. Jean-Pierre, je connais pas ce morceau là de Jean-Pierre Sauzère. Timber? Timber. Connais pas. Autre comme chose? Comme les petits gâteaux, les Timber. Autre chose? Oh putain. Elle est venue. Et il est content, hein. Il est ravi. Ça vient tout seul, c'est ça. Non, ça vient pas tout seul, il l'a préparé. C'est depuis tout à l'heure, il prépare la prog et tout. Savoir qu'il arrive à la radio à 20h pour préparer sa merde, là. Il cherche les jeux de mots sur internet. Voilà, c'est ça, ouais. Bon, allez, je quitte cette émission et. Allez, c'est quoi le musique alors là? C'est quoi le musique? Non, la musique. What is the sound, baby? Oh, you speak English, motherfucker, man? What is the song, baby? Attends, moi je viens de Southampton, hein. C'est ça, ouais. Il est content. Je pense qu'il nous a lâché tous les mots anglais qu'il connaissait dans une seule phrase. Allez, c'est quoi le son? À chaque fois, il aime pas le blanc. Non, mais la pause. À chaque fois à la fin, il fait un petit blanc pour me laisser tout seul. Alors, écoute, j'ai une nouvelle chanson que je vais te mettre. Alors, Jean-Pierre Sauzère, voilà. Pas du tout. Non, alors c'est quoi? Ça va être du rock encore? Non, pas du tout. Non, je veux pas mettre du rock, de la bonne musique dans ton émission. Il n'est pas question que ça remonte au niveau. J'ai jamais fait ça. Sais-tu ce qu'il m'a dit, Polo? Oh, que son petit doigt. C'est quand même la musique la plus ridicule du monde. C'est Stromae. Bah oui, mais c'est de la merde. C'est qu'une coquille de rêve est sortie de. Ça serait bien qu'il nous explique pourquoi un jour. Enfin. Ouais. Et là il chante. C'est nul, hein. C'est une récente. Ah ouais. Ah, c'est sur le dernier album. Et il est content. Son dance floor, hein. Bah c'est pas mal. Ah, il aime bien. Ah ouais, bah, mais ça m'étonne pas, hein. J'étais sûr qu'il allait aimer. J'y vais. Ah ouais, j'aime bien. J'y vais, il va l'écouter en boucle. Ah ouais, ouais. Regarde, comme ça commence. Avant qu'il passe à table, il boit toujours un verre de blanc. Content. Pour oublier l'exécrable, sur et si acre, bout de l'océan. C'est pas mal, hein. Ah ouais, t'aimes bien, hein. Est-ce qu'il dit Polo au début, non? Ah oui, il dit Polo, mais c'est le refrain, hein. Polo aime les moules frites. T'es une star. Ouais. Allez, autre refrain et puis après on va se barrer, hein. Allez. Elle est un peu moins fragile, qu'est-ce que Polo imagine? Et du moment qu'elle criait. Polo aime les moules frites. Sorte-lui les moules frites, c'était quand même assez exceptionnel, quoi. Mais c'est vrai, il aime les moules frites, hein. C'est vrai. Ah, je déteste enfin, ça. En général, lui prend les frites et Toff prend les moules. Voilà, c'est plutôt ça. On se partage les choses. Exactement, ouais. Bon, allez, passez une bonne nuit tout le monde. On se retrouve demain à partir de 23h. Ce sera juste après Love in Fun. Et puis dernière de la semaine, dernière PS4 à gagner, hein, ne loupez pas. Et puis avant-dernière émission également de JB la nuit. Oui, déjà. C'est vrai. Il y a du lourd cette nuit là qui arrive. Il y a du très très lourd. Très très lourd. Il y a du fat sound. Du fat sound. Fat sound. Ah, ça y est, il a sorti un nouveau mot en anglais qu'il connaît, tiens. Bon allez, bonne nuit tout le monde, c'est Kesha et Pitbull qu'on écoute maintenant avec Timber. Mm. C'est bon, t'es sur ton cheval là, tu vas nous faire un petit tour. Ouais. Prêt? Ça fait tellement Texas. Allez. À demain. À deux pieds. Oui. Yes. Et il l'a fait, yes. Et il l'a fait, et il l'a fait. You better dance. Let's make a night. You won't remember.